Je crois que celui-ci, il peut parler. Quand le frère parle d'apostolique, parce que d'autres croient que c'est la dénomination apostolique seulement. Mm-hmm. Non. Là, puisque quand on dit l'Église a choisi les apôtres, c'est eux qui ont enseigné les autres. Quand on parle d'apostolique, c'est l'ensemble de toutes les dénominations. Mon frère. Mm-hmm. Attends, je suis bien, parce que c'est pour ça que c'est... Voilà, il dit c'est chaud aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui. C'est chaud. Je laisse une personne répondre d'abord. Mm-hmm. Si ça le dépasse, mm-hmm. les autres vont répondre. C'est pour ça qu'il faut qu'il lui soit... Il faut que sa parole soit claire pour nous édifier. Oui, mm-hmm. Je ne sais pas, c'est niveau. Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je comprends très bien, il a de parler de la dénomination apostolique, parce que c'est eux qui disent qu'ils sont des garants des apôtres. Ah, voilà. Eux seuls. Donc parce que d'après, j'ai suivi son enseignement, il voulait nous faire passer dans d'autres églises encore pour avancer. Non, on ne bouge pas d'ici, tant que tu ne nous éclaires pas. Oui. Réponds à la question de ce frère. Le frère a dit que montre là où les apôtres ne prenaient pas les dîmes. Tu vas nous prouver. Amen. Ouvrons d'abord acte 20. Mmh. Donc on est les chrétiens, les bérés, là, il faut qu'on vérifie. Acte chapitre 20, verset 20. On ne lit pas la parole de Dieu étant assis. Je lis. Dans 8 secondes. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Le verset 20, où je continue. Verset 27 maintenant. Verset 21. 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque et pour perdre l'Église. Petre, frère. C'est dangereux. Petre. Mmh. Oui, l'Église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui, continuons. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Amen. Mmh. Amen. L'apôtre Paul dit clairement que vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Mm-hmm. Au verset 27, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Mm. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Mm-hmm. Si on s'arrête même seulement ici, l'apôtre Paul dit qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu. Voici un apôtre. Mm. La question que je pose seulement en m'arrêtant ici, a-t-il enseigné la dîme? Merci beaucoup. Si vous me posez la question, mm-hmm. je vous dirai toujours que vous ne m'avez pas donné ma réponse. Mm-hmm. Ma question était simple. Mm-hmm. Donnez-moi un verset qui dit qu'il ne faut pas donner la dîme dans la Bible. Parole les apôtres, ils prennent la dîme. Bon, voilà. Paul me parle des conseils et des enseignements qu'il a prêché et enseigné. Mm-hmm. Rien n'est mentionné ici comme ni l'offrande ni dîme. Voilà. Je voulais un verset qui se dit ça c'est une réponse de bon, moi. Bon, je vais poser les questions. Pas bien. Voilà. Mais il faut qu'il nous montre, parce qu'il faut qu'il nous montre d'après la Bible. C'est la Bible. Amen. Bon, maintenant, j'étais... Donc, le frère, c'est de dire, s'il peut faire Ferrand. Oui. Le frère, il veut dire que c'est avant d'avancer n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu montres bibliquement que les apôtres ne prenaient pas les dîmes. Si tu lui montres, ça règle le problème. Après, on avance. Amen. Mm-hmm. On fait confiance à notre Seigneur. Mm-hmm. Bon, je vais poser la question avant. Est-ce que l'apôtre Paul est apôtre des païens? Vrai ou faux? Vrai ou faux, frère? Avançons, non? Apôtre Paul est apôtre des païens. Vrai ou faux? Dieu l'a suscité pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Aux nations, ça veut dire les païens. C'est ça son ministère. Vrai ou faux? Galate 2. Non, mais en fait, je crois qu'il veut qu'on réponde pour qu'elle avance quelque part. Mm-hmm. Je vous ai déjà répondu. Voilà, maintenant, avant que les païens ne reçoivent la parole, payaient-ils la dîme? Quand quelqu'un est païen, comment peux-tu payer ça? Voilà. Alors, un païen ne peut pas payer la dîme. Maintenant, comprenons ce que le conseil de Jérusalem, le concile de Jérusalem, a dit qu'il faut recommander aux païens qui ont cru à l'évangile. Amen. Donc, s'il payait la dîme, l'apôtre Paul devait dire que non. S'il payait la dîme, vous comprenez. N'ayons pas, avançons tout seul. S'il payait la dîme, vous-même vous avez dit qu'il ne payait pas la dîme. Les païens ne pouvaient pas payer la dîme. Alors, s'il ne payait pas la dîme. Il a déjà dit les païens avant qu'ils ne soient chrétiens. C'est fort, c'est chaud là. Risquerait de monopoliser même les mots. Quand quelqu'un est païen, quelle est sa condition devant Dieu? Voilà. Quelle est sa condition devant Dieu? Il est mort. Il est mort, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est quelqu'un qui est sans Christ, non? Laisse parler. Si quelqu'un est sans Christ, est-ce qu'il a connaissance de Dieu? Non. Jamais. Bon, et si quelqu'un, cette fois-ci, apôtre de païen, ça veut dire qu'il reçoit la tâche d'aller évangéliser à ce païen. Absolument. De les amener dans la lumière et la véracité de la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Est-ce que dans les enseignants, Paul les a dit de ne pas payer leur dîme? Comprenez, vous avez dit vous-même qu'ils ne payaient pas, non? Mais paraît quelqu'un, nous venons de dire, quelqu'un sans Christ est mort. Absolument. Donc quelqu'un qui est mort ne peut pas donner sa dîme. Amen. Okay. Rien ne peut lui venir à l'esprit de donner sa dîme. Voilà. Pareil, il n'y a personne pour lui enseigner et ni pour lui montrer cela. Oui, pour lui enseigner et pour lui montrer cela. Mais et comment il pourra accepter même d'abord? Voilà, frère, s'il te plaît. Jésus Christ. Oui, s'il vous plaît, je sais pas. On est là pour comprendre la parole, n'est-ce pas, et pour être éclairé. Donc, d'après ce que le frère s'est en train de dire, et tu as dit, la Bible nous montre que l'apôtre Paul a été envoyé chez les païens. Oui. Et le frère nous dit que quand quelqu'un est païen, il est mort. C'est la Bible qui dit ça. Donc, il ne connaît pas les choses de Dieu. Oui. Alors, celui qui est envoyé vers eux est censé leur enseigner comment servir ce Dieu-là. Donc, on s'attend à ce que s'il vient leur enseigner, s'il faut que ceux-ci les payent les dîmes, il faut qu'il les ait enseigné les choses, comment il faut faire payer les dîmes. Et la question que celui-ci posait, c'est que est-ce qu'il y a un endroit où l'apôtre Paul leur a dit payer les dîmes parmi ce qu'il vous a enseigné? Est-ce qu'il faut payer les dîmes? Est-ce que l'apôtre Paul a enseigné dans ça? C'est comme ça, mais c'est ça que je posais la question. Voilà. Donc ça veut dire que si Paul est allé chez les païens prêcher, il doit certainement leur dire que voici comment il faut payer les dîmes aussi, n'est-ce pas? Oui, frère. Et d'ailleurs, comme eux, ils ne payaient pas et qu'un enseignant leur est envoyé. Il doit leur ramener dans les choses qu'ils ne faisaient pas. Il doit leur montrer d'après la parole comment il faut marcher maintenant comprenons ce que l'apôtre Paul avec les autres apôtres au conseil de Jérusalem, au concile de Jérusalem, a recommandé aux païens ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Oui, africain. Ah, merci Seigneur. Nous pouvons commencer au verset 3. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le règlement de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: oh mes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni

La Bible dit que si quelqu'un ajoute quelque chose, amen. Si quelqu'un ajoute quelque chose, mm-hmm. les fléaux de la Bible, les fléaux cités dans le livre, ça dit, il n'aura pas aux fléaux cités dans la Bible. S'il le retranche, amen, ça sera retranché de la Bible. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, verset 6 que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, mm-hmm. afin que vous appreniez par nos personnes mm-hmm. à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mm-hmm. Frère, restons là-bas dedans. Mm-hmm. Il faut savoir ça. Si vous dites que la Bible dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. De ce qui est écrit. Donc, ce que nous avons vu écrit est écrit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ce que nous n'avons pas aussi vu écrit n'est pas aussi écrit. Amen. Mm-hmm. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce qui est écrit est vérité. Oui, absolument. Et ce qui n'est pas écrit est faux. C'est faux. Mm-hmm. Merci beaucoup. Alors, c'est une façon de vous reprendre juste ici, dans le sens que si nous trouvons la nature de dimensionner dans la Bible, oui, frère, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Absolument. Alors, toi, tu es né dans le 21e siècle. Ah, je suis dans le 21e siècle. Merci. Mm-hmm. Nous tous, nous ne partageons pas la connaissance ancienne. Mm-hmm. Vous me comprenez? Mm-hmm. Alors, avec la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, nous tous aussi, que nous sommes aujourd'hui ici, il y a d'autres qui sont au milieu de nous, des enseignants, il y a d'autres qui sont de corps médical, d'autres qui sont de cultivateurs, d'autres qui sont de chefs professionnels dans le service. Nous tous, nous pouvons réfléchir et comment nous pouvons monopoliser nos mots. Par exemple, même le mot que je suis en train de dire, ce n'est pas nous tous qui pouvons comprendre ça. Et encore de deux, comme vous le dites, par exemple, que l'église apostolique a fauché. Oui, c'est tout à fait normal. Comme vous le dites, d'après votre déclaration. Non, c'est la Bible qui dit. Alors, comme je vous ai demandé de me donner un verset qui enseigne qu'il ne faut pas donner sa dîme et ni son offrande. Vous ne m'avez pas révélé, comme vous venez de dire, que ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit est faux. Alors, nous ne voyons nulle part ici que les apôtres ont dit aux païens de ne pas tourner leur dîme. Nous ne voyons pas. Mais nous voyons ici les apôtres mettre en garde ce païen qui vient de naître dans la famille de Jésus en les prévenant que les pratiques sourdides, telles que les idoles, les sacrifices faits aux idoles, il est mis en garde de laisser toutes ces choses que vous avez vécues. Ce ne sont plus des choses qui peuvent encore honorer le Seigneur. Alors je vois ici, c'est une préservation, même que les apôtres commencent à enlever donc les anciennes pratiques qui étaient dans la tête de ces païens. Alors, à notre temps, je ne vois pas ici la nature de Dieu. Frère Ferrand, viens t'asseoir sur le sein de l'église. La Bible ne doit pas être de Dieu. Exactement, la Bible. Voilà. Voilà. Mais si, comme il n'y a pas, ça veut dire que du fait que vous ouvrez votre bouche, vous disiez donc que le fait qu'on donne la dîme n'est pas praticable, et ceci, cela, l'église apostolique a donc fauché, cela ne garantit pas. Mais donc il n'a pas pu monter dans la Bible. Parce que tu l'as demandé dans la Bible de montrer exactement l'endroit qu'on a dit qu'on ne paye pas. Il n'a pas monté, mais je suis de vous-même pour te montrer. Merci beaucoup. Voilà. Avant ça, il prend la question ici. Celui-ci voulait parler. Donc, nous sommes là pour connaître la vérité. D'accord, mon cher. On va voir la vérité maintenant. Moi, je voudrais d'abord vous compléter la question du pasteur. Oui. Qu'est-ce que la dîme? Voilà. Qui est-ce qu'on a demandé de donner la dîme? Bonne question. Donc, merci. Donc, avant, je crois qu'avec cette question, on va joindre. Ça va nous arranger. Voilà. Alors, prenons le frère, si vous voulez parler. Que je réponds. Non, pas que tu réponds. Il m'a posé la question. Ah, c'est lui qui te demande. Non. Profitons donc pour en parler. Chaque fois, maintenant, nous sommes d'accord que nous sommes d'accord que chacun de nous a la Bible. Et la Bible nous dit clairement de ne pas faire une interprétation particulière. On est d'accord, non? Et je sors de sa bouche, ce qui est écrit et c'est vérité. Si quelque chose n'est pas écrit, on ne dit absolument rien de cela, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre cette question aussi, avec la question que tu as posée au frère ici. On va répondre dans la Bible et on va avancer, n'est-ce pas, frère? Mais celui-ci était présent pour poser la question. Oui. Excusez-moi vraiment de poser cette question. Bon, vous avez dit donc de ne pas payer la dîme. Je n'ai pas dit ça. Je n'étais pas debout ici. Non, parce que vous avez dit que l'on a fait. Hein? Dans la Bible, voilà. Aucun passage qui dit que les fidèles doivent payer leur dîme. Oui. Il n'y en a pas. Voilà. Et quand nous rentrons donc dans Matthieu 23:23 et dans Luc 11:42, je peux donc Bibi, s'il vous plaît. Il est debout, qu'il lise lui-même. Merci, mon Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, et hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et du cumin et de ceci, oui. Et que vous laissez ce qui est plus important de la loi. Dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Oui. C'est ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Tu remarques que tu parles inversé, ça te dit exactement ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà. Et quand nous lisons dans Luc. C'est la même chose qu'il a repris. C'est toujours la même chose. Frère, ne t'inquiète pas. Non. Frère. Il a donné le chapitre. Frère, c'est la même chose qu'il a repris. Est-ce que le paiement de 10, s'il vous plaît? Non, je ne coupe pas. Oui. Lisons Luc simplement. Mais ça ne dit que, n'est-ce pas? La chose qui est écrite dans Luc, c'est la même chose, c'est le même verset qui est récité là-bas. C'est ça, non? Il n'y a pas catégorie, lisons juste. Ok, mais il n'y a pas de problème. Allons-y. Je continue dans ce que j'ai à dire. Oui, j'avais dit. Souvenez-vous de ceci. C'est moi qui me suis tourné vers lui pour qu'il le fait parler, n'est-ce pas? Nous sommes là pour connaître la vérité. On va lire la vérité. On va comprendre ce que la vérité dit. Lis, mon cher. Bon, voilà. Maintenant. Donne le chapitre pour que les gens soient au courant. Luc 11, le verset 42. Oui. Lis. Il dit encore: mais malheur à vous, pharisiens. Parce que vous payez la dîme de la manne, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Qu'est-ce que tu dis? Bon. C'est toi qui as payé pour ça. Dis-nous ce que tu veux dire donc. Par rapport à la dîme. Donc, je vais donc parler. Est-ce que. Bon, il dit que. Quand tu prenais ces passages, tu voulais dire quoi par rapport à la dîme? La Bible dit d'abord, premièrement, que c'est lui qui a donc écrit le livre de. C'est Luc le médecin, ouais. Voilà. Il dit que malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme. Les pharisiens payaient la dîme, mais ils ne pratiquaient pas la justice, l'amour de Dieu, la fidélité, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire donc? Je ne comprends pas du tout. Est-ce qu'ils n'avaient pas accepté Christ? Qui? Les pharisiens. Nous sommes dans Luc. Ouvre le chapitre 7. Ouvrez aussi. Parce qu'il a posé une question, il lui répond directement. Il est dans un livre, il lui répond. Luc 7, combien? Si vous y êtes, lis le verset 30. C'est lui qui est debout qui va lire, d'accord? Il a posé une question, je lui ai donné un passage directement. Le verset 30, lis-nous ça à haute voix, mon cher. Chapitre 7. Lis le verset 30 à haute voix. Comme ça, ça va répondre à ta question. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, par lui, en lui rendant nul. Non, lis ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit. Attends, le frère, excusez-moi. Prends, n'est-ce pas? Oui, le verset 30. Oui. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ne faisant pas baptiser. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit, voici la chose est devant toi. Suivez. Non, on fait doucement. Voilà. Non, c'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Si ça c'est écrit. Que quoi? Frère, doucement. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est Louis Segond. Oui, c'est Louis Segond. Ce n'est pas ce que tu as dit. Frère, s'il te plaît, lis doucement. Attends, relis encore. Lis. Non, attends. Il faut qu'on vérifie. Frère, lis. Attends. C'est que c'est le frère de lire est différent de ce que tu as dit. Je suis en train de lui dire que ce n'est pas ce qui est en train de lire. Il a dit que c'est ce qui est écrit. Relis encore doucement maintenant. Relis encore. Alors, oui. Luc 7, 30. Oui. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi. Oui. En ne se faisant pas. Voilà, maintenant c'est ce qui est écrit. C'est parce que tu t'as délu tout à l'heure. Baptisé par lui et ont rendu nul à l'égard le dessein de Dieu. À leur égard. Attends, frère. Ceci peut nous révéler quoi? Attends, frère, c'est moi qui ai pris le passage, non? Nous ne sommes pas là pour. C'est pas un débat. C'est pas la discussion, c'est pas la force. Celui qui m'a posé la question, les pharisiens, n'ont-tu pas accepté Jésus? C'est là où je l'ai amené là-bas. Oh, tu viens de lire quelque chose, ce que tu prononces de ta bouche, c'est le contraire, ce qui est écrit dans le verset. Tu viens de dire en se faisant baptiser. Or, la Bible a dit en ne se faisant pas baptiser. Donc, la Bible a de nous révéler que les pharisiens dont tu m'as de me poser la question, comme ils ont refusé Jean, le dessein que Dieu avait prévu pour eux est annulé. Merci beaucoup. Attends, doucement, s'il te plaît. Si ces gens continuent comme ça, c'est vrai. Je dis que je ne suis pas encore. Parlez ceci, ne nous traite pas avec notre dîme. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi. C'est lui qui m'a posé la question. S'il te plaît. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de dîme. C'est lui qui a posé la question. Après, c'est pas lui son passage. Est-ce que les pharisiens ont accepté Jésus? J'ai pris le verset pour lui montrer que le verset dit ils n'ont pas accepté. Donc, est-ce que le bâtard a affaire donc à. Ouais, c'est pas moi qui suis allé là-bas. Est-ce que vous comprenez? S'il te plaît, mon cher frère, s'il te plaît, ne soyons pas la confusion à la tête des gens. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Permettez-moi de dire ceci, si vous venez patienter dans votre malentendre, oui. Il dit bel et bien dans Matthieu 23, 23, qui nous révèle que. Frère, je ne suis pas encore arrivé au niveau de Dieu. S'il te plaît, je ne sais pas si le frère m'écoute. Excusez-moi, permettez-moi. Oui. Ça, c'est sa question. Il dit malheur à vos esprits. Et pharisiens, hypocrites, oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Frère, je ne suis pas encore allé au niveau de la dîme, s'il te plaît. C'est celui qui a posé la question. Les pharisiens et les scribes, ce sont ceux-là qui enseignent la parole. Ils ont vu d'abord l'importance de payer même sa dîme. Ils payaient. Leurs erreurs, c'est quoi? C'est exactement comme nous venons de citer dans ces deux, Apocalypse 2, le verset 1 à 4. Qu'ils ont fauché. De la même manière, ces pharisiens ne mettaient pas la justice de Dieu en pratique, ni l'amour de son prochain. Ils ne pratiquaient pas. Mais pourtant, ils payaient les dîmes. La Bible a intégré ça. Okay. Et frère, pourtant, vous dites frère, que. Maintenant, vous avez dit que les apostoliques qui prennent les dîmes et les offrandes aujourd'hui, ils ont fauché. Frère. Et pourtant, on te dit qu'ils donnent frère, la dîme. Frère. Même ces esprits. Frère, il me suis levé. C'est pour expliquer. Pourquoi, moi, juste, je vous ai demandé, donnez-moi un verset biblique dans la Bible jusque-là. Qui soutient que les apôtres et les dîmes ne font pas. Je suis debout pour vous. Non, ce n'est pas un bon enseignement. Vous voyez. Vous n'avez pas pu. Tout ce que vous avez donné, ça, c'est mon frère. Sujet. Depuis que je me suis mis debout ici, est-ce que j'ai avancé un seul pas? Excusez, je me suis mis debout, j'ai voulu parler. J'ai dit que avant qu'il ne parle, celui-ci avait une question. Je suis arrivé vers sa question. Il a lu ces deux versets. Après ces deux versets, il a laissé les dîmes. Il a d'abord posé la question sur les pharisiens. Quand j'ai donné Luc 30, frère, s'il te plaît, suis-moi doucement. Pardon. Patience un peu. Pardon. Nous sommes là pour connaître la vérité. D'accord? S'il y a une vérité, Dieu ne peut pas cacher son peuple dans les ténèbres. Il ne peut pas permettre que les ténèbres règnent toujours. Donc, on va sortir ici étant clair sur ce sujet. Donc, toutes les questions concernant cela, on va résoudre. Donc, passons tout seulement. Et je ne crois pas qu'on a laissé chacun sa maison pour venir ici s'amuser. Je ne crois pas ça. Moi, je voulais dire quelque chose. On n'est pas assemblé pour faire quoi, mais il faut qu'on s'entende. On laisse le temps à nous si quelqu'un qui Voilà. Donc, ok, donc. Donc, vous avez suivi toutes les questions qui sont posées, non? Je reviens à celui-ci jusqu'à ce que son problème soit résolu avant qu'on arrive ici. Donc, est-ce que tu as suivi la réponse que les pharisiens dont tu as posé la question là, non, rejeté Jésus, n'est-ce pas? Je vais maintenant arriver sur Luc chapitre 11 et Matthieu chapitre 23. On va regarder doucement parce que il faut qu'on soit clair maintenant, d'accord? On peut aller doucement, n'est-ce pas? À partir de Matthieu et de Luc, on peut avancer. Voilà. Première constatation dans Matthieu 23. Si vous lisez, ouvre ta Bible, ouvre encore la Bible dans le Matthieu 23. Si vous avez Matthieu 23 devant vous, je veux que, voilà, quand vous avez lu second, je veux que vous remarquiez le titre qui est écrit au-dessus. Il dit Matthieu 23, il dit c'est lui qui a pris ça. Je vais traiter avec celui-ci d'abord parce que c'est partant d'ici qu'il va avancer avec l'apostolique. Non, le titre, pas le verset, n'est-ce pas? Donc Matthieu 23, le titre qui est au-dessus. On a pris quoi? Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus. Voilà. Quand on dit, on a 5, il dit Matthieu 23, je veux que vous vérifiez seulement. Non, toi, tu ne peux pas. De quoi dans ces versets si tu n'as pas avoir de titre? Donc, lui, sa version a le titre au-dessus, n'est-ce pas, frère? Tu as le titre. Donc, le titre dit que Jésus est en train de censurer. Le titre dit que Jésus est en train de censurer dans ces versets, chapitre 23. Il va donner une succession de malheurs. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous. Verset 7, verset 8. Malheur à vous. Ne vous faites pas appeler maître sur la terre. Vous avez un seul maître. Ne vous faites pas appeler directeur. Vous êtes tous frères. Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Alors il arrive dans ce vaisseau. Frère, il ne s'agit pas d'une histoire de personne à personne. La Bible que tu as devant toi est vérité et c'est définitif. La Bible ne peut pas enseigner une chose et son contraire. Ce n'est pas possible sur le même sujet. Alors verset 23, il dit, remarque bien. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Mon frère, regarde-moi bien maintenant. D'accord? Regarde bien pour observer ce qu'il en a dit. Le Seigneur Jésus, si je suis debout comme ça, le Seigneur Jésus comme ça, il a ses disciples et il y a de l'autre côté les pharisiens. On est d'accord? Il y a les disciples, ceux qui suivent Jésus. Il y a les pharisiens de l'autre côté. Chaque fois, Jésus va avoir le problème avec les pharisiens. Il va avoir le problème avec les pharisiens. Les pharisiens lisaient la loi. Jésus-Christ et ses disciples prêchaient ce qui était écrit dans la loi. Ils vivaient cela. Alors, ses disciples sont de son côté. Il dit, malheur à vous, pharisiens. vous payez la dîme de la menthe et de cumin et vous négligez ce qui est écrit dans la loi, c'est-à-dire ce qui est plus important, c'est-à-dire la fidélité à Dieu, la justice et l'amour. C'est ce qu'il fallait. Regardez, je veux que vous souligniez le verbe. C'est ce qu'il fallait pratiquer. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le rien. Il en est adressé à ceux qui sont ici ou à ceux qui sont là-bas. On est d'abord d'accord sur ça. Il en est adressé pas à ses disciples qui sont derrière lui, qui le suivent, mais il s'adresse à ceux qui sont devant lui. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, Jésus dit, vous faites ceci, vous faites ceci, parce qu'il faisait les œuvres. Il croyait qu'en faisant ça, en payant les dîmes de cumin, on va arriver sur les dîmes de cumin, dîmes de ceci, sans un égard juste. Il dit qu'il fallait le faire. Tant qu'il dit qu'il fallait, ça se pose que dans le passé, ils ont raté ce que Dieu avait à faire avec eux. On est d'accord? On est d'accord, mon cher frère? Il dit, quand il dit, il fallait, il n'a pas dit que c'est ce qu'il faut. Vous voyez le verbe, n'est-ce pas? Il ne dit pas que c'est ce qu'il faut pratiquer. Si Jésus dit que c'est ce qu'il faut pratiquer, il a dit que pratiquer cela. Il a dit que il fallait le faire. Quand il dit qu'il fallait le faire, alors dans Matthieu 5, donc, il peut dire que il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Il a dit qu'un nouveau ordre est en train d'être mis sur place. On est d'accord? On ne doit pas sortir de la Bible. C'est dans la Bible, on va avancer. Donc c'est pour ça qu'il dit que dans Matthieu 23, c'est la même chose qui est repris dans le livre de Luc 11. C'est pour ça qu'il dit que c'est la même chose. C'est pas parce que tu as vu dans Matthieu 23 et dans Luc, c'est le même événement que Luc est en train de rapporter. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Le problème maintenant avec les apostoles et toutes les personnes, c'est que c'est parce qu'à l'intérieur, on a vu dîme. Quand il voit dîme, on est de s'arrêter pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Parce qu'on a vu dîme, on a comme l'impression qu'il a des dîmes plutôt qu'il faut payer les dîmes. Non. Il a ses disciples. Il a des reproches à ceux que vous payez ceci, payez ceci. Et vous avez négligé. Vous avez jeté les gens. En fait, c'est même les pharisiens qui ont embrouillé le peuple. C'est eux qui ont embrouillé le peuple. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est les pharisiens qui ont embrouillé le peuple. Donc, je te dis qu'il fallait le faire. Ok, maintenant. Je vais maintenant, d'abord, avant de continuer toute chose, j'ai déjà répondu avec celui-ci. Je vais montrer à ce frère-ci, exactement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où c'est écrit que c'est terminé avec la dîme. Quand je vais montrer ça, maintenant, il peut se battre avec la dîme. Il peut bagarrer avec la Bible. Il ne sait plus là. On est d'accord? Voilà. Maintenant, première chose, ouvrons encore Actes chapitre 15 que le frère s'est donné qu'on lise. Je vais lire un verset et puis je vais lui montrer exactement où c'est écrit. Actes chapitre 15. Ah, j'aime le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir, j'aime sa parole. Actes chapitre 15. Vous y êtes. Je veux que tout le monde, il faut que nous ayons ça devant nous. Souvenons-nous, ce n'est pas une histoire de personne à personne. Le pasteur n'ira jamais devant Dieu pour que Dieu le juge par moi. J'arrive, frère, ne concourons pas. Le pasteur n'ira jamais devant Dieu pour mon jugement. Chaque personne va passer devant Dieu par rapport au jugement. Donc c'est pour ça que quand chaque personne a la parole de Dieu, il doit observer comme Dieu a dit, pas que le pasteur a dit. Et vous n'allez pas croire ces choses parce que moi j'ai dit. C'est pour ça que Jésus nous amène dans la parole pour que nous comprenions. Parce que c'est la parole, on doit se confronter à la parole. D'accord? Lisons seulement le verset 5, d'abord, avant que j'avance. Qu'est-ce que le verset 5 dit, frère? Verset 5, oui. Acte 15, verset 5. Oui. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, oui, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, oui, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà, merci. En fait, n'est-ce pas, sans être de la mauvaise foi, le fait que le frère s'y ait donné à chapitre 15, même là-bas, le problème était résolu. C'est parce qu'on a passé sur silence ce verset-ci. Parce qu'il ne s'est pas posé seulement le problème des idoles et autres. Et deux choses sont dites dans cette loi-ci, dans ce verset qu'on a lu là-bas. Il dit que il faut quoi? Circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Deux choses sont dites. Et c'est ça qui a causé le problème. Deux choses. Parce que, un, les Juifs, eux, ils étaient circoncis. On est d'accord? Et les Juifs vivaient d'après la loi de Moïse. Mais les païens, comme tu as dit, les païens ne connaissaient pas ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, quand les païens, d'après eux, je vais encore revenir sur ces pharisiens-là. D'après eux, quand ils ont accepté en Jésus, ils avaient encore deux choses à faire. Il dit d'après les pharisiens-là. Quand ils ont cru, les païens qui ne connaissaient pas Dieu, à qui les apôtres sont allés prêcher, quand ils ont accepté Dieu, comme c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils croyaient qu'il fallait que ces gens, ceux qui sont venus dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, observent ce que Dieu des gens a aussi donné aux Juifs. Vous savez, n'est-ce pas? Donc il dit, quelques-uns des parties des pharisiens qui avaient cru ont commencé à dire que il faut que les païens soient un. Quoi? Circoncis. Deux. Et qui sont tenus d'observer la loi de Moïse. Pourtant, souvenez-vous de ce chapitre 23. Il fallait, c'est ce qu'il fallait. Est-ce que quand Jésus est là, il est là pour qu'on observe la loi de Moïse? Non. Est-ce que quand Jésus est là, il est là pour qu'on observe la loi de Moïse? Non. C'est pour ça que Jésus dit qu'il fallait. Donc c'est terminé. Non, non, frère, j'arrive, ne te presse pas. Je sais de quoi les questions. Souvenons-nous bien. Souvenons-nous, d'accord. Je vais arriver. Là, je peux te répondre maintenant. En fait, si tu es serviteur du Seigneur, tu dois savoir ces choses aussi. La loi de Moïse était charnelle. Jésus est venu avec l'esprit. Je devais régler le problème. Donc, ça veut dire que la loi de Moïse n'était pas divine. Donc, vous voyez, il ne comprend pas. C'est divin. Je sais, hein. La chose est charnelle. Frère, ne presse pas. Ne te presse pas. Une chose est charnelle, c'est de la chair. Frère, c'est pas moi qui dis. Si tu lis ta Bible dans Romains chapitre 7, la Bible déclare que nous savons que la loi est spirituelle. Même moi, je suis charnel. Et la Bible explique que cette... Attends, frère, doucement. Et vous dites frère, s'il te plaît. La Bible déclare que je n'aurais jamais commis l'adultère si la loi ne eût dit. Quand la loi a dit cela, moi, comme je suis charnel, j'ai été vendu pour que je me presse. Jésus Christ a dit que la voix, la grâce et la vérité sont venues. S'il te plaît, frère, on va doucement. C'est pas la guerre. Oui. Donc, frère, il faut pas qu'on sorte. Il faut que le frère se comprenne. Je sens qu'il dit que la loi est charnelle, c'est-à-dire que la loi était des prescriptions. Il y avait des choses qu'on devait faire charnellement. C'est physique. Alors que la loi de Christ est spirituelle. C'est pas, il ne fait pas quelque chose pour avoir la grâce. C'est ce que je viens de expliquer. D'accord, mon frère. Donc, quand il dit que la loi est charnelle, ça veut dire que la loi de Dieu est charnelle. C'est pas ça que je sens qu'il dit. Je sens qu'il dit que Dieu avait donné la loi sous Moïse pour. Il y avait une régulation dans le temple. Quand tu prends la gerbe, tu vas ajouter à gauche, à droite. Ça, c'est les rituels. En Christ, dans le Saint, dans l'Esprit, il n'y a pas les rituels. J'espère que vous me comprenez. Vous me comprenez? Donc en Christ, il n'y a pas de rituel. Quand les Juifs devaient consacrer un sacrificateur, on prend de l'huile, on met sur son oreille. Sur son oreille, on met sur son orteil, on met sur... Il n'y a pas ça en Christ. Il n'y a pas ce rituel. Chaque fois maintenant, quand il y a un rituel, ce sont les ordonnances charnelles. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens. Il dit que ce sont des prescriptions qui étaient données, une ordonnance charnelle pour une époque, jusqu'à une époque de réformation. Donc Dieu avait donné ça, ça fait une époque, il va réformer les choses. Amen. Maintenant, je vais avancer. Donc ce Actes chapitre 15 dit deux choses. Un, les gens qui avaient cru, selon les pharisiens, et ça, ce n'est pas selon les apôtres, selon les pharisiens qui avaient cru, je vais revenir sur leur cas. On devait une chose, circoncis les païens. Deux choses, observer la loi de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que la loi de Moïse? Lisez les cinq livres, les cinq premiers livres, Genèse. Bon, Genèse raconte l'histoire du premier. Alors, les lois de Moïse sont écrites dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, parce qu'on a dit la loi de Moïse. Ok, maintenant, regardez, avant d'avancer dans la dîme. On dit que ce sont les gens qui étaient du côté des pharisiens qui avaient cru en Jésus, qui ont commencé à enseigner ça. Donc, ça suppose que les pharisiens à qui Jésus parlait dans Matthieu 23, n'est-ce pas? En les reprochant, certaines personnes ont cru là-bas. Or, comme ils ont cru, ils ont eu encore les séquelles de leurs problèmes dans leur propre groupe. Ils ont voulu amener ça chez les chrétiens. Ça a commencé à créer le trouble. D'où la nécessité pour que si quelqu'un soit dans un groupe, il faut qu'il soit nettoyé. Sinon, ça va amener à confusion. Donc, on dit quelques-uns des parties des pharisiens. Ce n'est pas les disciples qui ont posé le problème ici. Les disciples qui avaient cru en Jésus n'avaient pas de problème. C'est ceux les pharisiens. Les pharisiens qui étaient le premier de dîme, de cumin, là. C'est eux. Donc, quand ils ont cru, ils sont venus avec ça. Non. Quand on croit en Jésus, normalement, ce n'est pas terminé. Il faut encore qu'on se concise et qu'ils observent la loi de Moïse. Ils croyaient que la chose de Jésus-Christ, jusqu'à amener les choses qu'on devait compléter à ceux de Moïse ensemble. Ils ne comprenaient pas que ce sont les choses de Moïse qui annonçaient pour Jésus. Quand Moïse va cesser. Pour Jésus qui va commencer. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne la grâce. Il sauve par grâce. Et certaines personnes viennent mettre la confusion qu'il fallait maintenant revenir encore dans la chair. Voici la première chose. La circoncision avait été donnée aux Juifs comme un signe précurseur, c'est-à-dire une prophétie par rapport à la circoncision du cœur, qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, la circoncision qui était charnelle. Était un signe de nouvelle alliance qui était la circoncision du cœur. L'apôtre Paul va dire que les gens parlent de la chair, la circoncision. Nous, les chrétiens, nous sommes faits. Notre circoncision, c'est la circoncision qui est faite selon l'esprit. Est-ce que vous saisissez ici? Donc, la circoncision était un signe. C'était l'image de quelque chose de réel qui devait arriver. Donc, alors maintenant, la chose réelle est venue. Les gens veulent encore rentrer dans ce qui était à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un problème avec les pharisiens quand ils sortent du groupe. Deuxième chose, ils ont dit. La circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Maintenant, je vais entrer dans les profondeurs maintenant. On peut y avancer. C'est dans la loi de Moïse qu'est prescrit qu'on paye les dîmes. C'est pour ça qu'il dit que quand on a pris à chapitre 15, c'est avait résolu le problème. Alors, je pense encore. C'est dans la loi de Moïse. Ça se trouve dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome par rapport à ces dîmes. C'est là-bas qu'on parle de cela. Vous me saisissez? J'ai dit que la loi de Moïse prescrivait qu'on paye les dîmes. Trois fois par année, tout mal doit se présenter devant moi. Et on ne se présentera pas devant le Seigneur, les mains vides. Tu ne te différeras pas de payer tes dîmes aux Lévites qui n'ont pas de portion ni de terre en Israël. C'est la loi de Moïse. Donc, ces pharisiens sont en train de dire aux chrétiens, ceux qui ont cru, devenant des chefs de païens, que vous devez observer ces choses-là. Vous saisissez? La question maintenant, c'est ceci. Au sorti de la lettre que vous avez lue là-bas, ils ont dit clairement que nous vous prescrivons, nous vous prescrivons. Il a paru bon au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est venu sur les croyants était d'accord avec ce que les apôtres étaient en train de faire, de refuser ce que les pharisiens sont en train de dire. Un, l'observation de la loi de Moïse. Deux, la circoncision. Il a dit qu'on ne doit pas faire ces choses-là. C'est ce qui vous est nécessaire pour vous qui croyez au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que normalement, en lisant ces choses, ça devait être clair. Donc je veux qu'on avance ici. C'est sous la loi de Moïse qu'il y a la dîme. Oui ou non? D'abord, il dit d'abord, si on se tient en Actes chapitre 15, alors que les gens sont en train de discuter, la loi de Moïse prescrit qu'on paie les dîmes, n'est-ce pas? Donc, avant que Moïse, avant que les apôtres ne viennent, les juifs, même les apôtres qui sont là, avant que Jésus ne vienne, et ils payaient les dîmes. On est d'accord, non? Voilà. Maintenant, avançons d'un pas. La loi de Moïse, quand Jésus vient maintenant, les prescriptions relatives à la loi de Moïse, est-ce que les chrétiens pratiquaient? Un frère? Non. Non, je veux qu'il réponde, c'est lui maintenant. La loi de Moïse, les prescriptions qui sont dans la loi de Moïse, est-ce que les chrétiens la pratiquent? Parce que j'ai dit que c'est dans la loi de Moïse qu'on a parlé des dîmes. Parce que on va prendre la loi en général et puis on va voir le cas spécifique de la dîme et puis on va prendre la question de ce frère-ci. On va ajouter là-dessus pour répondre. Le but, c'est qu'on soit ici libéré. C'est le but simplement. Et la Bible est claire, vous connaissez la vérité. C'est la vérité qu'on en connaît là maintenant. Frère, il te pose la question. La loi de Moïse, est-ce que les chrétiens la pratiquent? Si c'est oui, montre-moi un exemple de la loi de Moïse que les chrétiens. Quand je dis les chrétiens, c'est pas nous maintenant. Ça veut dire que dans la Bible. Si tu peux me permettre que j'avance seulement. Il pose la question pour nous réveiller. D'accord? Ok, donc. Je dis donc que la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, il y a la prescription des dîmes. Maintenant, pourquoi les dîmes ont été données? Pourquoi les dîmes ont été données? La Bible parle, frère, de cinq catégories de dîmes. Cinq catégories. Je vais expliquer. En expliquant même les catégories de dîmes, ça va régler le problème. Première chose. Il y a une première catégorie de dîmes que la nation juive devait payer aux Lévites parce que les Lévites étaient dans la tente d'assignation. Les Lévites, c'est Israël, Jacob avait 12 fils. Parmi les 12 fils, il y a le fils de Lévi. Et le fils de Lévi avait été choisi par Dieu pour son service. Donc, c'était comme Dieu les a acquis en disant que vous n'aurez pas de propriété, vous serez à mon service. Et en retour, les Juifs, les simples peuples, devaient donner une partie de leur bien, appelée la dîme, de leur récolte à ces Lévites-là. La Bible déclare que pour les services qu'ils font à la tente d'assignation, il dit que voilà leur part. Parce que toute dîme en Israël appartient aux Lévites. Vous me suivez doucement, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est la première des dîmes. Donc, Israël, les nations d'Israël devaient payer la dîme aux Lévites. Un, c'est le premier dîme. J'ai dit qu'il y en a cinq dans la Bible, cinq catégories. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. J'avance. Quand les Lévites devaient percevoir la dîme, ils devaient aussi donner au sacrificateur. On est d'accord? Une partie, une dîme de la dîme. Ça fait combien de catégories déjà? Deuxième. Donc remarquez donc que dans le cordon, dans le cadre israélien, il y a d'abord les sacrificateurs et il y a les Lévites. Chez les chrétiens, il n'y a pas ça. Chez les chrétiens, tout le monde est sacrificateur. Donc chez les chrétiens, il n'y a pas de division. C'est ici. La Bible déclare dans Apocalypse 1, 5 qu'il a fait de nous un royaume de prêtres, ou bien dans la version, un royaume de sacrificateurs. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, vous remarquez que la nation juive, la stratification, la classification dans le corps des juifs, dans la religion juive, est différente du corps de Christ. Chez le corps de Christ, tout le monde est sacrificateur. Parce que... Et Christ, voilà, je vais monter cette image. Merci, frère. Christ est le souverain sacrificateur, donc selon l'ordre de Melchisedec. Pas selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, regardez bien. Dans le Nouveau Testament, on dit que Christ est la tête du corps. Christ est la tête du corps. Viens, frère, viens. Pourquoi on voit cet exemple avant d'avancer? Toute cette personne-ci, parce qu'elle est un être humain. La Bible déclare 1 Corinthiens en prenant les membres que l'œil, s'il dit que je ne suis pas du corps, il est quand même pour corps, n'est-ce pas? Maintenant, regarde bien. On dit que Christ est la tête du corps. Voici le corps. Remarquez bien que sur son corps, sur chaque personne, la tête est le seul qui est élevé sous les autres membres. Vous avez remarqué? Il dit sa tête est au-dessus de tout le reste des membres. Alors en bas ici se trouve la main, les pieds, les yeux, ceci. Tu vois, tout ceci, c'est les membres. Et tous ces membres-ci ensemble forment le corps. Et au-dessus, celui qui domine, c'est qui? Christ. La tête. Et cette tête-ci, c'est le symbole de Christ. C'est pour ça que lui seul est élevé. Est-ce que c'est ici? Alors, ici en bas, donc, qui est plus élevé que qui? Qui est plus important? Qui est plus important ici? Est-ce que la main peut dire que, comme c'est moi qui vais prendre quelque chose, je suis plus important que le pied? C'est que le pied va dire aussi que, avant que je ne me prenne, c'est moi qui marche pour aller là-bas. C'est pas ça? Donc, vous voyez que ici en bas, personne n'est plus important que personne. Or, pour que quelqu'un fasse n'importe quoi ici, il faut l'information sort d'ici. On est d'accord? S'il y a les veines, le problème des nerfs entre ici et ici, le bas est paralysé. C'est la première chose, n'est-ce pas? Donc, Christ est la tête du corps de l'Église et nous sommes les membres les uns les autres. Comme nous sommes membres les uns les autres, donc c'est comme ça dans le corps de Christ, il y a un seul souverain sacrificateur et tout le reste sont des sacrificateurs. D'accord? Mais viens t'asseoir. Ok, dans ces deux styles de dîme qu'il a montré, il dit que Israël doit payer la dîme aux Lévites, les Lévites doivent payer la dîme aux sacrificateurs. Les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Les sacrificateurs, quand ils recevaient les dîmes, ils ne payaient pas de dîmes. Vous comprenez? Et chez les chrétiens, donc, il n'y a pas le type de Lévites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on ne peut pas dire que les Lévites représentent personne chez les chrétiens. Parce que chez les chrétiens, tout le monde est sacrificateur. Si vous êtes chrétien, vous allez entrer dans un ordre. Le mec qui s'aide. Donc, un seul sacrificateur, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tout le monde est sacrificateur. Donc, premier dîme, les Israéliens qui étaient les simples peuples de tous les autres tribus devaient payer la dîme aux Lévites. Deuxième style, ces Lévites-là, après avoir pris leur dîme, devaient prendre la dîme de la dîme, donner aussi aux sacrificateurs. Suivez doucement. Ça fait que déjà combien? Deux. Troisième style de dîme, les êtres humains, les gens qui allaient au champ, chaque année devaient monter à Jérusalem, là où Dieu a fait résider son nom, pour manger. Si vous voulez, les versets peuvent vous les donner pour que vous vérifiez. Mais si vous avez lu la Bible, au moins, ce que je suis en dire, vous allez voir que c'est dans la Bible. D'accord, cette dîme-là, il devait aller s'asseoir là où Dieu a fait résider son nom avec sa famille, se réjouir. Ça, c'est la dîme familiale que les gens devaient manger. On est d'accord? Ça fait combien? Trois. Il y a donc la troisième année, il y a la dîme de la troisième année. Chaque trois ans, on devait faire sortir toutes les dîmes, mettre dehors, ça c'est pour les orphelins, les veuves, les étrangers, On mettait à la porte, ça se passe comme en Israël. C'est pour ça que si vous comprenez le fonctionnement d'Israël, vous allez comprendre ça facilement. Comme vous avez votre porte, votre barrière ici, la troisième année, chaque trois ans, vous sortez toutes les dîmes de vos produits. Vous mettez dehors. En Israël, ça se passait comme ça. On savait exactement que c'est comme ça. Par exemple, si vous lisez le livre de Luc, de Ruth, vous allez voir que Ruth va sortir pour aller dans le champ de Boaz pour glaner. Quand on dit glaner, c'est que ils avaient par exemple les vignes. Vous savez, le champ de café, par exemple. Quand on fait le café comme ça, on enlève pour mettre dans le sac. Il y a une partie qui tombe à terre. D'accord? Dieu avait prévu que quand les choses tombent à terre, tu ne te baisses plus pour ramasser. Pour que quand tu avances, les gens qui sont indigents et pauvres viennent ramasser cela pour avoir pour eux. Vous savez ici? C'est ce que Ruth faisait pour adhérer, pour glaner. D'accord? Donc Dieu avait prévu des choses comme ça pour les orphelins, les étrangers qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas des choses. Donc chaque trois ans, il y avait la dîme des étrangers, des orphelins, des veuves qu'on mettait dehors. Quand les gens voyaient ça hors des portes, ils allaient directement là-bas. Quand quelqu'un vient là-bas, on sait directement que c'est un orphelin, ou bien une veuve, ou bien un étranger, il mangeait. Ça fait là combien? Ça fait 4. Je ne sais pas si vous me suivez, ça fait 4. Donc il manque un cinquième. Le cinquième se trouve dans 1 Samuel chapitre 7 et 8. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 7 et 8, les Juifs avaient demandé un roi. Dieu a donné donc, si vous prenez pour un roi, si vous, en me rejetant, voici les droits de ces rois-là. Parmi les choses qu'il va citer, il va dire qu'il prendra vos dîmes, la dîme de vos terres, la dîme de ici. Donc il y a une dîme que l'Israël devait payer au roi. Voilà les 5 catégories. Maintenant, voici encore la chose. Dans la Bible, et maintenant je lance le défi à ces frères qui sont assis, qui ont défendu la dîme. Il n'est nulle part dit qu'on va payer la dîme en argent. Ça ne se trouve pas. On ne paye pas la dîme en argent. Aucun verset biblique. Et dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, d'accord, mon garçon. Il n'est nulle part écrit ici qu'on paye la dîme en argent. C'est écrit clairement que ce sont les dîmes des produits de la terre. C'est-à-dire que si tu cultives 10 oranges, une orange doit être donnée en dîme. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas, je touche 100 000 francs, je mets 10 000 francs dans l'enveloppe pour Dieu. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas biblique. Ça n'a jamais été biblique. Ça ne sera jamais biblique. Alors si quelqu'un dit ça, on a tordu les Écritures. D'accord? Maintenant, comme j'ai expliqué le style des dîmes, gardez à l'esprit Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 5. D'accord? J'ai expliqué les dîmes. Expliquer les dîmes, c'est que les dîmes étaient dans la loi de Moïse. On a prescrit cela, c'est régularisé dans la loi de Moïse. Gardez à l'esprit Actes, chapitre 15, verset 5. On a dit qu'il faut qu'on les prescrit de se circoncis et d'observer la loi de Moïse. Donc, d'après eux, les païens qui croyaient devaient faire les 5 styles de dîmes-ci. On est d'accord? Or, le Saint-Esprit a dit qu'on ne doit pas les prescrire en dehors de ce qui est prescrit là. Maintenant, allons donc dans le Nouveau Testament, voir exactement comment on a dit que ça s'est arrêté. Quand on voit que ça s'est arrêté, ça va régler le problème. Pas vrai? C'est qu'il n'y a plus de discussion. Hébreu. Vous voyez que Hébreu se trouve dans le Nouveau Testament, non? Voilà. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse. Souvenez-nous, nous n'avons pas quelque chose contre vous. Nous sommes sortis de l'homme pour venir pour annoncer la parole du Seigneur parce qu'il y a une nouvelle ère qui a laissé lever sur l'Église. Et qu'on le veuille ou pas, peut-être vous n'êtes pas au courant de ceci, ça n'a plus l'ampleur dans le monde entier. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Et c'est l'objet de notre visite, c'est que nous comprenons que si nous avons été dans l'erreur, on revient seulement à la parole. D'accord? On ne nous dit pas qu'il faut que vous allez à tel endroit, c'est revenir à la parole. Qu'on pratique les œuvres telles que la Bible dit. On est dans le livre d'Hébreu. Bon, maintenant, je veux que quelqu'un nous lit des versets 1 jusqu'au verset 10 d'abord. Tu vas lire, frère? Donc, pardon, le premier chapitre est débrouillé. Non, chapitre 7. Du verset 1 jusqu'au verset 10 d'abord. Et chaque fois, il va t'arrêter pour que nous comprenions. D'accord? D'accord? Donc, si vous pouvez suivre dans votre Bible, oui. Hébreu chapitre 7. Je dis que c'est la conclusion normalement de la dîme ici. Donc, en lisant, c'est pour répondre à ce frère qui a posé la question précédemment, que montre-nous où on a dit qu'on ne paye pas et puis ça s'arrête. On est d'accord? Voilà. À partir du verset 1 au verset 10. Oui. Pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, chacun suivait dans la Bible, vraiment. Attends, frère. Mais tu n'as pas de Bible, mon cher. Vous avez dit, mais le frère, c'est... Ok, non, tu as la Bible, non. Donc, si tu n'as pas la Bible, non. Donnons une Bible à la maman, là, comme ça, elle lit. C'est pas normal, il faut que chacun vérifie dans sa Bible. Donc, comme ça, chacun a une Bible pour qu'on puisse voir. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est écrit. Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au-dedans, qui alla au-devant d'Abraham, oui, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, oui, qui est d'abord roi de justice, d'abord d'après la signification de son nom, mmh, ensuite roi de Salem, oui, c'est-à-dire roi de paix, oui, qui est sans père, sans main, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Arrêtons d'abord là-bas et comprenons ce que le Seigneur nous dit d'abord, d'accord? Parce que si on lit long, on ne doit pas saisir. On allait raconter l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Melchisedec. Et subitement, dans le Nouveau Testament, on parle et en même temps de Melchisedec et en même temps d'Abraham, n'est-ce pas? Pourtant, l'histoire qu'on a déjà racontée ici, ça se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 14. Souvenez-vous, alors on va aller vraiment doucement. Ce qu'on a déjà dit ici, ça se trouve dans Genèse chapitre 14. On a déjà raconté l'histoire. Si vous lisez dans Genèse chapitre 14, je vais faire une brève revue avant qu'on avance. Abraham avait un neveu qu'on appelait qui? Lot. Lot, quand Dieu avait donné dans Genèse chapitre 12, demandait à Abraham de sortir dans la maison de son père. En partant, il a pris un de ses garçons. Lot. Ils sont arrivés à un endroit donné, comme Abraham avec des possessions, et l'autre aussi, son neveu avait aussi des possessions, il a commencé à avoir conflit entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham lui a dit que tu sais que nous sommes frères, nous sommes parents, il ne faut pas que nous ayons des problèmes. C'est pour cela que comme le pays est grand, choisis ta portion. Si tu descends au sud, moi je vais au nord. Si tu vas à l'ouest, je vais à l'est. Alors c'est là où ils se sont séparés. Lot est allé à Sodome. Il allait à commencer à habiter là-bas, n'est-ce pas? Quelque chose va arriver maintenant, il y aura une guerre maintenant, on va venir captiver Lot. Allez, on vient annoncer à Abraham que ton neveu a un problème. Abraham réunit les gens de sa maison. Écoutez très bien parce qu'il va expliquer au niveau des dîmes aussi. La première mention de la dîme dans la Bible, ça se trouve là-bas. La première mention, c'est dans Genèse chapitre 14. Abraham dit qu'on a fait quoi? On a arrêté mon neveu. Non, ça ne me parle pas comme ça. Il réunit les gens de sa maison, il part en guerre. Il laisse bien ici. Il part en guerre pour aller délivrer son neveu Lot. Il part, il combat les lois les rois d'or de ceci et autres là-bas, les cinq rois. Il a vaincu ces rois-là. Il a amené et en même temps l'autre son neveu. Et il a en ce temps quand on faisait la guerre, si on veut par exemple dans la ville de Toboro, si on vainc les gens de Toboro, on prend leurs possessions, on prend leurs biens, on emmène en captivité, d'accord? Ça dit si vous avez l'or ici, on prend. Vous avez l'argent, on prend. Alors quand l'autre a amené, soyez vraiment attentif, pardon. Quand Abraham a enlevé son neveu et les populations qui étaient sous cette domination-là, quand il rentrait du combat, le monsieur qu'on appelle Melchisedec est venu devant Abraham. Vous savez, il a rencontré Abraham en route alors qu'Abraham était rentré. Je raconte l'histoire, c'est parce que c'est très important. Écoutez, il rencontre Abraham. Melchisedec donne à Abraham le pain et le vin. Je n'ai pas le temps de parler de ces symboles-ci. Il lui donne le pain, le vin et le pain. Abraham mange. Nous sommes en route. Melchisedec est sorti de nulle part. Venir. Abraham est en train de rentrer de la guerre. Abraham a pris la dîme de tout. De tout quoi? De toutes les possessions et les livres. Vous avez vu, non? La première mention de la dîme, il n'a pas pris ça. Parce qu'en allant à la guerre, il a laissé ses biens à la maison. Là où il prend la dîme sur ce qu'il allait au combat. Il a vaincu, il rentrait avec, il a rencontré Melchisedec en route. Il prend la dîme sur toutes les possessions qu'il a fait. Je veux qu'on comprenne bien l'histoire. Il a pris la possession sur ce qu'il avait vaincu dans le combat. Il a donné à Melchisedec. C'est ça qu'on a raconté dans le Nouveau Testament. Maintenant, pourquoi on vient raconter la même histoire dans le Nouveau Testament? On veut nous expliquer en réalité pourquoi Lévi devait prendre la dîme sous la loi de Moïse. C'est là où on est allé. On est d'accord? Il dit que l'apôtre est en train d'expliquer ici quelque chose qui s'est passé dans la Genèse. Quand vous lisez dans la Genèse, c'est comme si c'était une histoire. Mais les choses dans la Bible ne sont pas des histoires. Ce sont des figures spirituelles. Ici, maintenant, on va nous expliquer pourquoi, le pourquoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a poussé Abraham? Parce qu'avant Abraham, ce n'est écrit nulle part qu'on paie la dîme. On est d'accord? Avant, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Genèse chapitre 14, Dieu n'a pas donné que quelqu'un paie la dîme. Qui a demandé à Abraham de payer la dîme, de donner la dîme de ce qu'il a fait? C'est pour ça que le Nouveau Testament a décrit ces choses et on va arriver quelque part, d'accord? Avant son frère. Verset 4 maintenant. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il dit, le Nouveau Testament a dit que vérifiez bien la personne là à qui Abraham a donné la dîme et considérez comment il est grand. On dit considérez, donc vérifiez cette personne-là. Essayez d'identifier la personne à qui Abraham a donné. Parce que normalement, sur la terre, à l'époque d'Abraham, la seule personne qui pourrait, humainement parlant, être grand sur la terre, à ce moment-là, c'était être qui? Non, il n'est pas un être humain normal. Parce qu'on dit qu'il n'a pas sans, il n'est sans père. On dit seulement sorti nulle part. D'accord, mais c'est quelque chose de spirituel. Je dis, n'est-ce pas, dans les êtres humains, au temps d'Abraham, qui était le plus élevé? C'est Abraham. Je dis humainement parlant. Au temps d'Abraham, il n'y avait qu'une seule personne. C'était qui? Abraham. Alors on a commencé à dire que si Abraham a donné la dîme à quelqu'un, parce qu'on donne, on va vers quelqu'un. Pour remarquer bien ce qui est écrit là-bas. Si je ne peux pas dire à ces pères, voici mon papa, pas vrai? Je ne peux pas aller vers lui et dire que j'étais béni. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous saisissez? Il dit, voici mon papa. Il me dépasse en tout, et en âge, en maturité, en quoi que ce soit. Même si le Saint-Esprit se manifeste à moi de n'importe comment, Dieu n'est. Le droit de naissance est sacré. Amen. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc moi, je ne peux pas aller vers ce papa si comme ça là. Je le bénis. Il se prosterne devant moi et me bénit. La Bible nous dit que si Abraham était grand sur la terre et qu'il va, une autre personne va devant lui, Abraham se rabaisse pour donner la dîme, considérez comment est grande cette personne. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'Abraham a reconnu que cette personne-ci est au-dessus de lui. J'espère que vous comprenez. C'est là où on va avancer. Donc Melchisedec était plus élevé que Abraham. En effet, la Bible dit quelque part là-bas qu'il est roi de Salem, roi de justice, roi de paix. On dit qu'il est sans père, sans mère. Donc ce n'est pas un être humain normal. C'est une figure de Christ. Voilà, n'est-ce pas? Mais Abraham l'a reconnu. Mais personne n'a dit à Abraham que voici le telle personne. Donne-lui telle personne. Donne-lui les choses. Pas vrai? Donc ce sont des choses spirituelles qui sont en train d'être annoncées. Donc maintenant, ici on va résoudre le problème. Pourquoi Abraham a donné sa dîme à Melchisedec? On va résoudre le problème. Pourquoi il a donné? Avant son frère. Verset 5. Oui. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, oui, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Stop. D'après quelle loi? De Moïse. Voilà, ça commence. C'est pour ça qu'il vous a dit que gardez à l'esprit Actes chapitre 15, verset 5. Parce que le problème de Lévi, c'était que il fallait que les païens observent aussi la loi de Moïse. Or, ici on dit que ceux des fils, voici un chrétien qui en a décrit, il dit que ceux des fils de Lévi, ils ont, d'après la loi, l'ordre. Donc, il y a quelque chose dans le commandement, dans la loi de Moïse, qui leur permet de prendre la dîme à ses frères, à leurs frères. Vous savez, je ne sais pas si vous me comprenez. Le Saint-Esprit dit ici que ceux des fils de Lévi, j'ai expliqué les catégories de dîmes ici. J'ai dit que la première catégorie, c'était que les Lévi devaient prendre les dîmes aux populations. Il a dit que, d'après la loi de Moïse, ils doivent le faire. On est d'accord? Maintenant, allons-y. C'est-à-dire sur leurs frères. Sur leurs frères. Donc en fait, Lévi avait 11 frères, Judas, Siméon et au-delà. Il devait prendre la dîme de chacun de ces tribus parce qu'ils avaient constitué 12 tribus. On est d'accord, n'est-ce pas? Les frères de Lévi, ils devaient prendre les dîmes. Si tu es des Dan, des Ephraïm, des Manassé, des Judas, vous devez payer la dîme à Lévi. D'accord? C'est sur leurs frères, oui. Qui cependant sont issus des reins d'Abraham? D'Abraham. Avant son frère. Et lui qui ne tirait pas de son origine, oui, il leva la dîme sur Abraham. Stop. On dit donc que, regardez bien, que voici un quelqu'un de la tribu de Dan, voici quelqu'un de la tribu de Judas, ainsi de suite, tribu de Simon, tribu d'Isaacar, tribu de Zabulon, tribu de Naphtali, tribu d'Israël, de Ruben, jusqu'aux 12 tribus. Si je suis Lévite, je vais prendre la dîme sur vous tous. Et en plus de ça, nous sommes en relation parce que nous avons même père, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, on dit que la personne qui vient lever la dîme sur Abraham n'a pas de relation avec lui. Et on veut expliquer le pourquoi effectivement Abraham a donné la dîme avant son frère. Et il bénit celui qui avait les promesses. Remarquez bien qu'il lève la dîme, il bénit Abraham, n'est-ce pas? Avançons. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Arrêtons-nous. Maintenant, on va corriger quelque chose maintenant avec ces versets-ci. Écoutons très bien. Puisque nous sommes là pour la correction. Avec ces versets, on va corriger quelques... C'est une chose qu'il y a rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde. Il est bien dans le monde, pas au Cameroun. Dans le monde, qui ont ce même problème, c'est avec Dieu. j'ai constaté que c'est quelque chose qu'on a seulement trouvé. La Bible dit ici que sans contredit, c'est l'inférieur, quelqu'un dit inférieur, qui est béni par le supérieur. C'est ce qu'il t'a expliqué tout à l'heure. Papa, lève ton bébé s'il te plaît. Entre papa et moi, qui est plus grand? Qui est plus grand? Le verset se dit que sans contredit, donc il n'y a pas de contradiction dans ceci. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc normalement, qui doit bénir? Entre nous deux, qui doit bénir qui? Qui doit ouvrir sa bouche pour dire que j'étais béni? C'est le Père qui doit me le faire. Donc moi, je ne peux pas aller dire que j'étais béni. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est la Bible là maintenant. Je sais que ça va être Dieu là maintenant. Donc papa, donc on dit que s'il y a une bénédiction, c'est toi qui vas me donner la bénédiction. Je dois me rabaisser, tu vas mettre la main sur moi, tu vas dire que j'étais béni. Je te bénis pas, le contraire, même si la personne si est remplie de l'esprit n'importe comment. D'accord? On dit sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il a de vouloir expliquer, merci papa. Il a de vouloir expliquer que si Abraham a été béni par Melchizedek, forcément, Melchizedek est supérieur à Abraham. Pourtant, nous regardons humainement, autant de Moïse, autant d'Abraham, c'est Abraham qui était le plus grand parmi les êtres humains. Si donc Melchizedek est plus grand qu'Abraham, ça veut dire que Melchizedek sort de nul, sort de quelque part spécial. C'est la première chose, d'accord? Maintenant, avec ces choses, maintenant, corrigeons ce que j'en ai dit. Entre Dieu et nous, qui est plus grand? Dieu. Alors, peux-tu dire que j'ai béni Dieu? Non. Il y a un problème dans le langage. Vous pouvez lire les psaumes maintenant, n'importe quoi, c'était n'importe comment. Vous allez lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est la pleine révélation de la lumière. Vous n'allez voir nulle part quelqu'un ouvrir sa bouche pour dire que j'ai béni Dieu. Or, nous faisons ça faire dans la prière. Quand ils montrent ce passage, le monde entier, ils ont dit, qu'est-ce que nous faisons, frère? Parce qu'ils ont vu dans David, ils ont dit, j'ai béni l'Éternel, j'ai levé les mêmes comme si c'est, c'est pas ça, frère. Donc on n'a pas le temps d'entrer dans ce domaine-là, d'accord? C'est-à-dire que. Vous savez? On dit sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc quand il y a deux ordres de grandeur, c'est le plus grand qui doit bénir le petit. On est d'accord? Donc c'est Dieu qui bénit les êtres humains. En fait, quand on bénit, on donne quelque chose. La preuve est qu'il a béni Abraham et la postérité. Donc, mais comment tu vas bénir quelqu'un? Quand on bénit, tu donnes quelque chose. Tu as quelque chose que tu as en héritage, que tu délègues à quelqu'un. Les parents ne donnent pas l'héritage, les enfants ne donnent pas l'héritage aux parents, mais les parents donnent l'héritage aux enfants. C'est le principe spirituel. On ne pose pas la question. D'accord? Après, prends la question. D'accord, on va avancer. Donc c'est pour ça qu'il dit que si il connaît ces choses, on va aller dans le psaume, lui, j'ai béni l'Éternel, on revient. Donc, je suis en train de parler du Nouveau Testament avec de la chose. Avançons sur les dix, parce que le problème soit résolu sur les dix, et puis on prend autre question, d'accord? Amen. Mm-hmm. Avançons. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici, ceux qui perçoivent la dîme, on parle de Lévite là, que dans la loi de Moïse, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, la personne qui est venue d'avant Abraham est toujours vivante, n'est jamais mort. Donc, depuis le temps d'Abraham, il avait toujours été. Parce qu'on a dit qu'il est sans commencement des jours. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Alors, je vous lance une défi. De qui est-ce qu'il est question? De Jésus. De Jésus. Ok, avançons. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Donc, on revient encore sur Lévi. Donc, c'est dans la loi de Moïse, les prescriptions de la dîme. On dit de plus, écoutez bien maintenant. Je vais d'abord arrêter là-bas pour vous montrer la chose. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, là. Payé. Par Abraham. Ça commence à déranger maintenant. Alors on dit Lévi, dans la loi de Moïse, Lévi va venir plusieurs années plus tard. Vous y êtes? Oui. Lévi qui perçoit la dîme de ses frères. On dit qu'il l'a payé. Donc Lévi lui-même a payé. Or, donc, la Bible nous explique, donc, mes chers amis, maintenant, que quand Abraham rencontrait Melchizedek, il ne payait pas sa dîme en tant qu'Abraham. C'était Lévi au travers de lui qui payait la dîme. Qu'est-ce que vous pouvez dire là maintenant? Donc on dit Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé. C'est ce qu'on a dit là-bas. L'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. On explique que, car il était encore dans les reins d'Abraham. Lorsque Abraham Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Donc, ce n'est pas Abraham que Melchizedek a rencontré. Il a rencontré Lévi qui est derrière. Vous parlez de la mystère de la Bible. Alors, ce n'est pas Abraham qui a payé sa dîme. C'était Lévi. Parce que Lévi payait la dîme au plus grand parce qu'il devait recevoir plus tard. C'est ce qu'on a expliqué ici. C'est Lévi a payé sa dîme au plus grand. Absolument. Pour recevoir ça plus tard. Mais pour pouvoir recevoir la dîme. Et pourtant, vous venez de dire ici que le petit ne peut pas payer ça. Alors, vous ne comprenez pas. C'est pas ce que je dis. Je parle de bénédiction. Lévi, on dit que c'est pas moi qui dis, c'est ta Bible. Mais c'est pas ce qu'on a de l'étudiant de l'île, frère. On dit Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. C'est pas moi qui dis. On dit l'a déjà d'abord payé. Par Abraham. Donc, quand Abraham est plus grand que Lévi, il allait le représenter. Oh, remarque bien. Lévi n'est pas le fils direct d'Abraham. Après Abraham, il y aura d'abord une personne qu'on appelle Isaac. Après Isaac, il y aura Jacob. Et c'est Jacob qui va maintenant faire sortir les 12 tribus parmi lesquelles il y a les Lévi. Alors comment on peut nous expliquer que quand Abraham était là, Lévi était dans les reins. On dit clairement qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Et il payait comme ça la dîme à Melchisedec. Remarque bien, le voilà qui en est de payer au plus grand. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Donc, le plus grand, c'est Melchisedec. Lévi en est de payer sa dîme à Melchisedec. Parce que plus tard, il va se tourner vers ses frères. Il aura un droit pour le prendre aussi la dîme. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a une question quand même, bon, par rapport à ce qu'il propose là. Oui. Un point d'ombre. Oui. Quel est donc le rapprochement entre la bénédiction et la dîme? Non, on arrive par rapport à la bénédiction, d'accord? Par rapport à la bénédiction. Parce que le rapprochement entre la bénédiction et ceci. Ouais. Je vais toucher ça maintenant parce qu'en réalité, la bénédiction n'est pas liée à la dîme. Remarquez très bien que, regarde bien, Abraham, avant qu'il ne rencontre Melchisedec, avait été déjà béni. On est d'accord. Ce n'est pas à cause de la dîme qu'Abraham a donné qui a été béni. Si vous regardez, depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, que l'événement se passe. Si vous lisez bien l'affaire, Abraham avait été déjà béni avant que la dîme, il est venu donner cette dîme-là. Ce n'est pas à cause de la dîme que Dieu a donné, parce que les promesses de Dieu ne sont pas sur les héritages ou bien notre propre effort, nous, sur les œuvres que nous faisons. Donc la bénédiction n'est pas liée à la dîme qu'Abraham a donnée. On va revenir là-dessus. Il faut que j'arrive jusqu'à montrer à ces frères où ça s'est arrêté d'abord, avant qu'on pose n'importe quelle question pour répondre. D'accord? C'est ici. Avançons. Parce que le frère a posé la question, montre-moi où on a dit qu'on ne paye plus. Et puis ça règle le problème. C'est d'abord la question, non? Il faut qu'on arrive là-bas. Dès que la question sera répondue, on pourra voir. Avançons. Au verset 11. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Stoppons donc là-bas. Donc il y a quelque chose qu'on a de voler nous expliquer. Souvenons-nous, il dit que ceux des fils de Lévi qui perçoivent la dîme sur leurs frères l'ont payé par Abraham, n'est-ce pas? Après, l'apôtre commence à expliquer ici là. Il dit que si donc la perfection avait été possible par la loi levée, après il va dire que quoi? Car c'est sous celle. Car c'est sous celle, ça se dosse. Que repose la loi donnée au peuple? C'était-il. Attends, non, ça va, c'est une parenthèse là-bas. Regardez bien, suivez attentivement, doucement, vraiment. On dit que c'est sous celle, ça se dosse. Parce que le sacerdoce, ça veut dire que le service des prêtres, la prêtrise. Maintenant, après, je vais m'arrêter là-bas pour expliquer les différents sacerdotes de la Bible. C'est encore notre problème maintenant. On dit que c'est sur ces sacerdotes que repose la loi donnée au peuple. Donc, on parle de la loi de qui? Souvenons-nous encore de Actes chapitre 15. On avait dit clairement que vous qui avez cru comme païen, vous devez respecter la loi de Moïse. L'apôtre a dit que c'est sur la loi de Moïse qu'est donné le sacerdoce lévitique. Et les lévites ont payé la dîme d'abord sur ces lois-là. D'accord? On dit donc que si c'est la loi donnée aux lévites là-bas, c'est une loi qui était parfaite pour les êtres humains. Il dit qu'était-il donc. Était-il donc encore besoin qu'il paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Et non selon l'ordre d'Aaron. Donc, la Bible est en train d'expliquer ceci. Qu'est-ce que Melchisedec, un sacrificateur, est encore venu faire sur la scène alors que Dieu a d'abord donné un sacrificature? Quel est son problème? Parce qu'ici, on voit deux personnes. Sacrificateur Aaron, sacrificateur Melchisedec. Or, il y a un seul Dieu. Donc, Dieu a d'abord donné une loi. La loi qu'il a donnée par Moïse, ça devait être respecté par les sacrificateurs et les lévites. On est d'accord? Il dit donc, si cette sacerdoce que Dieu a donné était parfait, c'est-à-dire que si l'homme en faisant tout ce qui était écrit ici pouvait avoir la vie, pourquoi donc Melchisedec a encore venu? Est-ce que vous comprenez? On est en train d'avancer maintenant, parce que ça va sonner, la cloche va sonner. Avançons. Car le sacerdoce était. Non, étant. Écoutons très bien. Stop doucement maintenant. Car le sacerdoce étant. Changé. Étant quoi? Changé. Quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique. C'est terrible là maintenant. Le sacerdoce, les sacrificateurs Aaron, les vites, où ils vont prendre les dîmes, où vont faire les offrandes, fais ceci. On dit que c'est comment? Changé. C'est quand même terrible. Ce sacerdoce est comment? Mais c'est pas croyable. Vous voyez? Mon frère, on n'est pas là pour défendre, s'il te plaît, frère. On n'est pas là pour défendre une personne. J'ai pas encore fini. Laisse-moi, je vais finir, mais je vais te laisser la parole. Je veux qu'il me laisse, pourquoi on ne sort pas? J'ai d'abord établi clairement que et tu ne peux pas dire le contraire. Les dîmes étaient contenues dans la loi des. D'abord, c'est la première chose, on est d'accord. C'est là-bas qu'on a donné la prescription avec les rituels. Et les pharisiens qui avaient cru disaient qu'on devait observer la loi de Moïse. Il n'y a pas deux lois de Moïse. La loi de Moïse est écrite dans Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. C'est là-bas que c'est écrit. C'est là-bas que c'est écrit les sacrifices d'expiation, les sacrifices de ceci, les offrandes de touterets et autres. C'est là où c'est écrit. Quand Jésus lui-même est né, le huitième jour qu'on l'a circoncis, on l'a présenté au temple, on a donné deux tutorelles comme le prescrivait la loi de Moïse. Il est né sous la loi. On est d'accord? Ok. Les juifs donc qui ont cru maintenant en Jésus-Christ, sous la grâce, disent que non, il faut encore rentrer là-bas. Donc le premier c'est la loi de Moïse. Le premier c'est la loi de Moïse. Alors, la dîme est contenue dans la loi de Moïse comme il y avait aussi la circoncision à l'intérieur. Vous savez, c'est ok. La question maintenant c'est, est-ce que les chrétiens doivent obéir à la loi de Moïse, en particulier les dîmes qui sont contenues dedans? La Bible nous dit ici que le sacerdoce étant quoi? Changé. Lise la suite. Nécessairement aussi, il y a un changement de... La loi a été... Ça règle le problème. Donc, la dîme s'arrête à partir d'ici. Amen. Et introduction, les frères. En effet, oui. Celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Oui, vous avez vu ça. Donc, à partir d'une autre tribu. Pourtant, c'est la tribu que Dieu avait dit que prenez les dîmes. Faites les sacrifices pour l'attente que vous faites pour moi. Celui-ci appartient à une autre tribu, donc il n'a même pas fait mention par rapport à ces sacerdotes. C'est grave, je vous dis. Donc, revenons sur le verset ici. Il dit que le sacerdoce est quoi? Si le sacerdoce est changé, ça veut dire que Dieu, le sacerdoce sacrificateur, lévite, est changé. Il y a donc changement des sacerdotes, donc changement aussi des lois. C'est pas moi qui dis. Donc, parce que sur ces sacerdotes, on leur donne une loi. Quand quelqu'un va venir à la tente d'assignation, qu'on ne s'approche pas d'ici, vous allez prendre les choses, les gens, vous allez ajouter à gauche, ajouter à droite. Pour introduire quelqu'un dans le sacerdoce, vous allez mettre l'huile sur leurs oreilles, sur leurs pieds. Ils vont entrer en service. Vous allez porter l'effort, vous allez porter la banderole, on a écrit sainteté à l'éternel. À l'âge de 20 ans, tous les vides vont entrer en service. Et à l'âge de 50 ans, ils pourront en sortir. Voilà la régulation par rapport à la sacerdoce lévié. On dit que si c'était parfait, Dieu ne doit pas donner une autre sacerdoce. Donc ça veut dire que le sacerdoce là s'est arrêté. Dieu a introduit un autre sacerdoce. On est d'accord? Avançons dans la lecture. Au verset 13. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Oui. Donc aucun membre n'a fait le service de l'autel. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc celui de cette tribu-ci, aucun membre là n'a fait le service de l'autel. C'est-à-dire que la loi de Moïse, dans le temps d'assignation, il y avait... En fait, si tu tendais la main là-bas, tu entrais seulement. Alors que tu n'étais pas lévite, le feu te brûlait. Et ici, donc, on dit que celui-ci n'a pas fait le service de l'autel, celui du nouveau sacerdoce. Avançons seulement, jusqu'à ce qu'on voit au verset 18. Vous allez être magnifié là, mes frères. Oui. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. De Juda. Est-ce que quelqu'un de Juda, vous avez dû voir, regardez bien, il y a deux sacerdotes lévitiques. C'est seulement les lévites qui travaillent là-bas. Voici le nouveau sacerdoce qui est introduit. Et celui-ci n'a jamais fait service dans l'autel. Et on a parlé des sacrificateurs de Melchizedek tout à l'heure. Et le sacrificateur Melchizedek, Jésus, est sorti de la tribu de Juda. Donc, de Juda, donc aucun membre n'a fait la service dans cette sacerdoce-ci. Donc, Dieu avait mis à part le tribu de Juda où une nouvelle sacrificature devait sortir. Et il n'avait pas parlé de ça ici. Et il a dit, ceci est changé. Avançons seulement. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, Moïse n'a jamais donné quelque chose à Juda par rapport à ce sacerdoce-ci. Vous comprenez les deux sacerdotes, n'est-ce pas? Avançons. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Attends, il dit que c'est encore plus évident, c'est encore plus simple. Lorsqu'on comprend que quelqu'un de Melchisédek encore paraît encore. Alors qu'il y a le sacrificateur Aaron qui avait été donné. On dit que l'autre paraît encore. Or, ceci ne peut pas paraître et que celui-ci est aussi là. Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que l'autre disparaît, quitte la scène pour que l'autre se manifeste. Oui. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Stop. Voilà ce que je te disais tout à l'heure. Ceci est institué d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Il me dit clairement que ceci c'est une ordonnance charnelle. L'autre qui va être introduit ne sera plus de la même façon. Avançons. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Vous avez entendu? Donc ici, le sacerdoce aaronique était une loi et des ordonnances. C'est pas mon langage maintenant, c'est le langage de la Bible, parce que tu sais, quand il dit le feu s'est levé, que c'est donné pour qu'on puisse observer les observances charnelles. Alors c'est normal donc que les pharisiens se vantent qu'ils paient leur dîme, parce qu'ils faisaient quelque chose de charnel. Ils croient qu'en faisant comme ça, ils avaient la vie. Parce que c'est ici. Il dit maintenant, il y a une autre ordonnance. L'autre ici maintenant, c'est puissant, pas la puissance de Dieu, donc c'est l'esprit. Oui, avançons. Verset 17. Oui. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre. Donc l'ordre a changé, pas vrai? Tu es sacrificateur jusqu'à quand? Selon quel ordre? Aaron? Selon l'ordre de Melchisédek. Avançons. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Stop. L'ordonnance a été comment? Abolie. Encore. L'ordonnance a été comment? Abolie. L'ordonnance a été comment? Abolie. Quand on abolit, ça ne s'arrête pas là. On dit qu'il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure et... À cause de son impuissance à cause de son inutilité. Maintenant, et car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a dit dès le départ que si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin que paru un autre sacerdoce? Maintenant, elle va dire maintenant, arrêtez, là où tu as lu, là, c'est une parenthèse, pas vrai? On va encore relire ce verset-là sans lire les parenthèses. D'accord? Regardez bien, tu es au verset 18 là. Il y a... Attends doucement, frère, tu es au verset 18. Oui. Et là-bas, remarquez dans votre Bible, il y a une parenthèse. Il dit dans votre Bible, remarquez bien, il y a une parenthèse. Je veux que tu lis la phrase là sans lire la parenthèse en continuant. Relis la phrase sans lire la parenthèse pour qu'on bien saisisse. Allons-y, allons-y. Il y a ainsi abolition d'ordonnance antérieure, oui, à cause de... Non. À cause de la parenthèse. Quand il dit bien, lis, continue de l'autre côté, laisse la parenthèse pour qu'on saisisse ce qu'on a dit. Il y a une parenthèse qu'on a mise. Lis, la, quand la parenthèse débute, tu continues plutôt là où la parenthèse finit de l'autre côté en sortant. Allons-y. Il y a ainsi... abolition d'une ordonnance antérieure. Oui. À cause... Est-ce que c'est très différent? Je veux que quelqu'un lise. Celui qui a compris, attends. Si tu l'as compris, lis de la façon. Lis. Si tu as compris ce que je t'en ai dit, allons-y. Frère, toi, tu as compris ce que, la façon que je dis qu'ils lisent. Bon, oui. Donc, tu peux lire. Voilà. Attends, ils lisent. Bon, je lis. Oui. Dans la première phrase. Voilà. Donc tu commences ici, n'est-ce pas, hein? Oui. Là, on a mis la parenthèse ici. Oui, tu ne lis pas, tu tombes, c'est la suite. Pour qu'on puisse saisir le sens. Oui, allons-y. Donc, on dit, il y a ainsi, oui, abolition d'une ordonnance antérieure. Oui. À cause de son impuissance. Oui. Et son inutilité. Oui. Parce que oui, donc, ici, la suite maintenant tu laisses la parenthèse, tu lis la suite directement à partir de et, c'est-à-dire après la parenthèse. Donc après la parenthèse. Oui, après la parenthèse, oui. Et ici, bon, si après la parenthèse ici, je vois est introduction. C'est ça qu'il veut que tu lises. Il veut qu'on lise de cette façon, sinon tu lis jusqu'ici, tu lis la phrase ici jusqu'au début de la parenthèse, tu sautes, tu vas à partir de la fin de la parenthèse, tu continues la phrase pour qu'on saisisse. Allons-y encore. Bon, je saute au niveau de son inutilité. Non, tu sautes pas. Donc après l'inutilité, tu lis directement et, d'accord. Après avoir lu ça, tu saisis un peu, frère. Tu saisis, n'est-ce pas? Et alors, et au niveau des cas, la loi tu ne lis pas encore ça. Voilà. À la perversion. Voilà, tu ne lis pas ça, d'accord. Donc, commence. Je dois traverser. Oui, tu lis. Bon, excusez-moi, bon, je vais quand même essayer de lire. Oui. Et pour donner ce que nous sommes en train de chercher. Oui. Bon, à cause... Non, lis encore à partir de... Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, oui, à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui. Directement. Et voilà, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Voilà, donc il y a deux choses qu'on a démontré, n'est-ce pas? On dit que d'une part, il y a abolition de quelque chose d'antérieur et introduction de l'autre. Bon, calons donc nous. Non, on va relire aussi l'autre parenthèse. Non, frère, j'ai comme l'impression que quand toi tu lis quelque chose, c'est pour chercher seulement, quand il dit n'importe quoi, tu fais seulement compter, c'est pas ça. Je pouvais, même en lisant comme ça, on comprend. Je veux seulement qu'on mette en phase sur exactement ce qu'on a donné de dire. D'accord, mon cher frère. Maintenant, même si on lit comme ça, c'est la même chose, mais il y a deux choses qu'on note là-bas. En fait, il vient, après, il explique qu'en fait, la loi n'a rien amené à la perfection. C'est ce qui ressort là-bas, que la loi n'a rien amené à la perfection. Il dit, la loi n'a rien amené à la perfection. C'est pour ça qu'il fallait qu'on change. Ça n'a rien amené à la perfection. C'est uniquement en Christ que se trouve la perfection. Et c'est Christ qui introduit la nouvelle sacerdoce de Melchisedec. On dit donc que la loi sur Aaron, merci frère. Il dit donc que la loi sur Aaron, vous y êtes avec moi, vous êtes, tout le monde est dedans. Donc on dit que la loi sous Aaron n'a rien amené à la paix, perfection. On dit donc qu'on a aboli cela, on a introduit ici. À cause de quoi? C'est là où la parenthèse. C'est ce que la parenthèse explique. Pourquoi il y a abolition ici, introduction ici, la parenthèse au milieu. Regarde bien, ici à gauche on abolit, on introduit ici. La parenthèse explique pourquoi on est quitté d'ici à ici. On a aboli ici à cause de son impuissance, d'inutilité. Regarde le mot, inutilité. Pour introduire ce qui est parfait. Donc, la loi de Moïse a été abolie. Les prescriptions charnelles qui ont été mises jusqu'à une époque de réformation. Si vous continuez dans Hébreux, là au chapitre 8, vous allez voir la même chose. Donc, on dit donc que la loi de Moïse n'a rien amené à la paix, perfection. C'était inutile parce que ce sont les ablutions qu'on faisait jusqu'à une certaine époque. Et on dit qu'on... Voici la chose. Il y a abolition et quoi? D'une meilleure espérance. On est d'accord? Je veux qu'on continue, c'est hébreu là, on continue. C'est, en fait, normalement, je voulais m'arrêter ici parce que c'est clair donc maintenant que les prescriptions de Moïse, voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas l'observer. Vous savez cela, n'est-ce pas? Donc, Acte chapitre 15 nous a déjà donné l'image claire depuis. C'est pour ça qu'il dit qu'on revient sur le verset 25, le verset 5 qui disait qu'il devait être circoncis et observer la loi de Moïse. Pourquoi les chrétiens ici ne doivent plus aller ici? Parce qu'ils ont compris par l'esprit que ça a été aboli. Ils sont dans le parfait. Ils devraient continuer. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la Bible nous montre clairement que sous le sacerdoce lévitique, parce qu'on a parlé des dîmes ici, c'est là où il y avait les dîmes. Ça a été aboli. Donc je viens de montrer à ces frères-ci que littéralement dans la Bible, on dit que les lévites, les dîmes et autres ont été abolis. Et introduction d'une meilleure espérance. Or, quand le frère s'est parlé avec ces frères-ci, il a dit quelque chose encore maintenant, et biblique, qu'on voit clairement comment les gens vendaient leur bienvenue déposé au pied des apôtres. Alors, quand il y a abolition, introduction d'une nouvelle chose, on commence à voir donc comment dans cette nouvelle chose, les gens fonctionnent avec leur bien. C'est exactement ce qu'il a dit d'expliquer. Mais maintenant, ce que le frère fait, ce n'est pas lui le problème. C'est qu'on a trouvé des choses, il y a le mélange. On fait normalement, ce qu'il a dit là, c'est exactement ce que les chrétiens doivent faire maintenant. C'est-à-dire qu'on doit vivre comme les premiers chrétiens vivaient. Il n'y a nulle part où on avait écrit que les gens partent vendre leur champ pour venir donner. Subitement, quand l'esprit est venu, il a commencé à faire construire, que les gens marchent dans la perfection. Est-ce que vous comprenez? Les gens commencent à comprendre maintenant que le vrai commandement, aime ton prochain comme toi-même. Comment je peux avoir 5 champs? Un frère n'a pas où dormir. Ça a un sens. Et quand c'est là, on dit que frère, je t'aime. Est-ce que tu aimes? La Bible dit, comment quelqu'un qui possède les biens de ce monde, voyant son frère dans le besoin, lui fait même ses intérêts, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est dans le Nouveau Testament maintenant, frère, s'il y en a dans l'autre volet, il faut qu'on explique maintenant aux chrétiens comment les chrétiens font ce qu'on fait de leur bien terrestre. C'est enseigné, c'est dans les enseignements là-bas. Ça se trouve sur Internet. Donc il y a la façon de faire des chrétiens de leur bien. On ne doit pas prendre quelque chose de cette loi, c'est un peu ici. Après, on prend un peu ici. Pour les chrétiens ici, dans cette nouvelle alliance-ci, il y a la façon d'agir avec ses finances, la façon d'agir avec ses biens. C'est bien clair et établi dans la Bible. Ce n'est pas que vous allez prendre ici, que si tu touches 100 000, tu me donnes 10 000. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça, il n'y en aura jamais. C'est fini. Quelqu'un aurait dit, bon, merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il répondait à ta question, que bon. J'ai montré dans la Bible que c'est aboli. Tu es d'accord? Sur ce point dont vous venez de tirer ici dans Hébreu, oui. Qui parle, il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure, oui. À cause de son impuissance et à son inutilité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Là, je vais vous dire par là que ici, sur le service sans être d'accord, que donc les sacrificateurs exerçaient dans leur ministère. Mm-hmm. Lorsque cette tâche était confiée à ce sacrificateur, commençant de la lignée d'Aaron. Non, je n'ai pas bien saisi. Vous dites qu'on parle de quoi ici? Vous dites, répétez encore, vous dites quoi? Je reprends. Oui. Vraiment, je vais doucement et lentement. Uh-huh. J'ai dit, s'il y a abolition, uh-huh. ici dans ce texte, oui. que nous venons de citer, uh-huh. ça cadre dans ce service sacerdotal d'Aaron, qui est donc le grand sacrificateur dans les anciens temps. Et que c'est... Oui. Non, attends, je ne dis pas non, je ne comprends pas ce que tu en as dit. La Bible dit qu'il y a abolition. Tu as dit qu'on a aboli quoi? Qu'on a aboli quoi, frère? Il ne comprend pas. Je ne sais pas si vous... Mm-hmm. Je ne comprends pas. Tu dis, pour toi, tu dis qu'on a aboli quoi? Bon, merci beaucoup. Je reviens encore en arrière en vous disant ceci. Mm-hmm. Si ce service est annulé, oui. Et vous avez résumé que ceci, ça fait donc partie de la loi de Moïse, oui. qui contient donc le paiement des dîmes, oui. et des offrandes, ainsi de suite. Oui. Ceci fut annulé. Oui. Et quand donc c'est Jésus-Christ est venu, qui est sous l'ordre de Melchizedek. Qui est Melchizedek? Attends, Jésus est Melchizedek. Attends, s'il te plaît, frère, corrigeons. Jésus est Melchizedek. Oui. Celui qui vient avec l'ordre. C'est celui qui vient avec voilà. l'ordre. Uh-huh. Et il demeure selon l'ordre de Melchizedek. À toujours. Oui. Le sacrificateur. Amen. N'est-ce mm-hmm. pas? Oui. Quelle est donc la tâche qui était réservée à un sacrificateur? Bien. Dans son ministère. Amen. Donc, je réponds à la question. Je réponds à la question directement. Ok. Le sacrificateur, parce que Jésus n'est pas un sacrificateur, il est un souverain sacrificateur. Donc, si tu poses la question sur Jésus, je réponds. Si tu poses la question aux les sacrificateurs, parce que c'est deux questions différentes. Tu parles de l'ordre, des gens dans l'ordre. Je vous coupe la parole. Pourquoi la Bible mentionne que Jésus est le souverain sacrificateur? Voilà. Ça fait trois questions déjà. Oui, ça fait vraiment trois questions. Je réponds. Parlez-vous susciter encore l'idée de questions? Non, attends, frère, mon frère bien-aimé, attends d'abord, il t'embrasse. Attends d'abord, il t'embrasse. Tu es mon frère, d'accord? Mon frère. Non, mais ne pressons pas mon frère. Il ne faut pas qu'on réponde, d'accord? Donc, frère, si je t'assois, si je veux que tu t'assoies, je réponds à ces questions. Après, je te passe encore la parole. Je cause. Nous sommes là pour la vérité. D'accord? Voilà. Donc, non, mais je réponds à ces questions. Je ne sais pas s'il peut s'asseoir pour que je puisse répondre. Non, vous pouvez parler. Ok, il n'y a pas de problème. Alors ici, donc, il faut que j'explique à mon frère les différences sacerdotales dans la Bible. C'est le problème que ça nous pose. Il y a les différences sacerdotales. Mais avant cela, il faut qu'on regarde le fonctionnement des sacrificateurs dans la Bible. Parce qu'il y a différence entre sacrificateur et souverain sacrificateur. Regardons le souverain sacrificateur. Récoltez très bien. Comment il veut dire cela? Par exemple, parmi les militaires, d'accord, si on prend un escadron, il y a toujours un chef qui les commande. Ça veut dire que s'il y a n'importe quoi, à être dit quelque part, c'est lui, à lui qu'on vient demander des comptes. D'accord? On ne parle pas n'importe qui, il n'y a pas le désordre là-bas. Ok, maintenant, dans l'introduction de l'ancienne loi, parce que j'ai pris deux ici comme le nouveau sacerdoce et l'autre ici comme l'ancien. Dans cet ancien, il y avait un qui était en tête, Aaron. D'accord? Aaron était le souverain sacrificateur. On est d'accord? Et par la suite, Dieu a donné la loi que les sacrificateurs vont sortir des serins. quand les sacrificateurs sortaient chaque fois que le groupe sacrificateur, Dieu suscitait toujours un souverain sacrificateur pour que le même ordre reste. Donc, quel était le rôle du souverain sacrificateur? On va prendre ça ici, dans cet ordre-ci. On va prendre dans cet ordre-ci, parce que ceci était l'image de quelque chose ici. D'accord? Ok. Le rôle du souverain sacrificateur, d'abord, c'est pour ça que, donnez-moi un peu de temps d'expliquer bien ceci, d'accord, dans la profondeur. Dans le temple, dans la tente d'assignation, prenons le temple de Jérusalem, il y avait un endroit, il y avait un rideau qui séparait. Vous avez entendu parler de ça au moins, n'est-ce pas? Le rideau séparait le lieu du lieu très saint. La Bible nous explique que dans le lieu saint, tous les sacrificateurs pouvaient servir Dieu. Il dit bien les sacrificateurs, il ne parle pas des Lévites. D'accord? Voilà. Tous les sacrificateurs pouvaient servir Dieu jusqu'à là où le rideau les bloque. Écoutez très attentivement. Ici, le rideau s'y met fin au ministère de qui? Des sacrificateurs. Pour que la seule personne qui avait la possibilité d'ouvrir le rideau et entrer là-bas, c'était qui? Celui-ci jouait donc le rôle du Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir d'aller d'introduire les gens dans les lieux très très saints. Donc c'était son type là-bas. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que si on avait le temps, si vous continuez au chapitre 7-ci, vous allez voir très bien comment on va arriver maintenant au niveau de Jésus. Que Jésus-Christ, de la même façon comme l'autre entrait dans le voile, de la même façon maintenant, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de ce côté-ci, est entré une fois, pas dans le temple fait des mains d'hommes, mais dans le lieu très saint lui-même, dans les cieux, pour intercéder pour nous. Alors maintenant, dans cet ordre-ci, qu'est-ce que le souverain sacrificateur allait faire loin à l'intérieur? On dit qu'il a porté le sang des boucs, parce que lui était humain, il était mortel, d'abord pour ses propres péchés, d'accord frère? Et ensuite pour le péché du peuple. Donc il portait, le souverain sacrificateur, portait la responsabilité de tout le peuple qui est derrière lui. Donc il allait à l'intérieur de ce voile-là, comme s'il a pris tout le péché de tout le monde entier, de tout le peuple juif. Et il allait devant Dieu pour que ça soit expié. Donc le rôle du souverain sacrificateur, c'est l'expiation des péchés de tout le peuple. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. Après avoir versé son sang, il est entré dans le lieu très saint pour purifier entièrement tous ceux qui sont de sa descendance. Amen. Amen. Ça, c'est le rôle du souverain sacrificateur. J'ai répondu. J'aurai la parole. Oui. Oui. Mais voici ce que je vais dire. Uh-huh. S'il y a donc abolition ici et qu'il y a aussi un changement, uh-huh, comme vous venez de dire. Non, c'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Oui, c'est écrit. Oui, frère. Comprenez-moi lentement. Oui, frère. Patiemment. Uh-huh. Alors, ce sacrificateur était donc le porteur du péché du peuple dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, le souverain. Oui, le souverain sacrificateur. Oui, uh-huh. Donc il était le type de Christ. Oui, le type de Christ. Mais lui donc, nous voyons ici, il doit porter le sang du bouc. Oui. Et pour amener dans le lieu très saint. Oui. Et il est donc le type de Christ. Oui. Et nous comprenons ici que Jésus, uh-huh, aussi dans son temps, oui, il entre sans le sang de bouc. Oui, mais son propre sang. Sans le sang d'aucun animal. Oui. Mais avec son propre sang. Oui. Nous verrons. Il entre au maintenant. Dans les lieux très saints. Voilà. Traversés. Voilà. Donc ça dit ça. C'est spirituel maintenant. Passe des horloges Chanel. Oui, oui. C'est là dont il y a eu un changement parce que Christ n'est pas entré avec le sang de bouc. Absolument. Non, en fait, c'est pas là-bas qu'il y a un changement. Excusez-moi. Oui. Il est entré avec son propre sang. Oui. Et il n'a demandé ni aucun sacrifice venant de peuple, mm-hmm, ni d'aucun ancien, oui, ni d'aucun sacrificateur qui était là, même les anciens du peuple qui étaient là. Oui. Il n'a demandé personne. Oui. Mais Jésus-Christ porta le péché de l'humanité et entra sans le consentement de humain, ce peuple. Humain. Mm-hmm. Et meurt donc maintenant, mm-hmm, à leur place. Uh-huh. C'est là dont nous voyons qu'il y a déjà un changement qui dépasse ici le décret de compréhension de l'homme. Mm-hmm. Paul, qui a donc écrit maintenant, oui, ce livre d'Hébreux, uh-huh, nous révèle donc le secret caché donc du ministère que Christ a donc administré, mm-hmm, durant son temps, mm-hmm, et surtout dans l'œuvre expiatoire, mm-hmm, quand il est donc mort sur la croix. Oui. Mais frère, dès le départ, n'est-ce pas frère? Comprenons. Oui, frère, dès le départ, il y a un changement d'abord de loi, non? Permettez-moi, je suis en train de parler. Oui, frère. Si Jésus, mm-hmm, a accepté, oui, de monter sur la croix, oui, et être crucifié, quelle était donc la tâche qui était restée au souverain sacrificateur, comme vous venez de citer que Aaron, uh-huh, et ceux qui étaient dans ses règles, uh-huh. Je peux répondre. Donc ça veut dire que ce sacrificateur, il était aussi demandé que ce monde, ces gens pouvaient aussi se sacrifier leur vie en faveur de leur peuple. Mais tous ces gens, tous ces sacrificateurs n'ont pas pu. Jusqu'à même Moïse, le grand prophète. Ils n'ont pas pu. dans leur impuissance, dans leurs incapacités. C'est pour ça que la Bible a parlé de l'inutilité. Parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir l'œuvre parfaite de Christ. On a parlé le même langage jusque là. C'est pour ça que la Bible a parlé de l'inutilité. Non, attends. Non, attends, j'arrive. Je sais où il est venu. C'est ça dont on parle de châtiment de la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse exigeait le sang. Frère. Vous me comprenez? Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Quand vous étiez en train de parler, et puis moi je ne vous coupe pas la parole, permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Oui. Quand on parle de ce service sacerdotal, ici exiger un sacrifice de ce souverain sacrificateur devant le peuple. Mais la Bible déclare que, quand nous lisons maintenant dans Hébreux 5, la Bible déclare maintenant que nul ne se présenta devant le Seigneur pour accepter de monter sur la croix et être crucifié. Pour ça, c'est frère. Pourquoi Jésus dit, oh Père, il est question de moi de venir faire ta volonté. Non frère, c'est pas dit comme ça là, regarde bien. Non, je suis désolé, même si ce n'est pas ça, nous comprenons que ceci est dans la Bible. Non frère, c'est pas dans la Bible comme ça. S'il te plaît, il faut qu'on corrige, on doit rien ajouter, on doit retrancher. Regarde, il faut qu'on corrige, il faut qu'on vérifie. Frère, s'il te plaît, attendons, il ne s'agit pas de prononcer le verset, parce que c'est, on peut aller à blasphémer sans savoir ce qu'on a envie de dire. C'est écrit dans la Bible, je vais citer le verset qu'il a cité. C'est écrit pour que tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi il dit, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Et la Bible explique là-bas que en disant que je viens pour faire ta volonté, ça se voit, on dit qu'en fait, on ne faisait même pas sa volonté parfaite sur la terre. Pas qu'ils ont dit qu'on ne part pas pour mourir à la croix pour nous. Parce que tout, en réalité, dans cette sagesse aussi, tout ce qu'ils faisaient préfigurait ce que Jésus lui-même devait faire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu faire. C'est qu'ils faisaient quelque chose qui était un type de ce qui devait venir. Vous saisissez? Il dit bien encore ceci. Ce n'est pas parce qu'un souverain sacrificateur ne pouvait pas aller sur la croix. Il n'avait pas l'ordre de le faire. Il devait annoncer en image ce que le réel devait venir faire. Bon, merci beaucoup. Comme vous venez de dire. Oui. Jésus dit que quoi? Tu n'as ni accepté le sacrifice. Oui. Tu n'as ni agréé. Voilà. Or, c'est Dieu qui avait instruit ce sacrifice-là, n'est pas vrai? Et pourtant, c'est Dieu qui avait introduit. Voilà. Par la loi qu'il a donné à Moïse. Voilà, je suis d'accord avec toi. Oui. Maintenant, il dit qu'il n'a pas agréé ça. La loi de Moïse, oui, exigeait un sacrifice d'un homme très saint. Des sacrifices, frère, pas un sacrifice. Non, pas des sacrifices, exigeait un sacrifice très saint. Parce que avant que le sacrificateur ne se présente pour faire le sacrifice, il sacrifiait d'abord un animal pour ses péchés. Ça fait la deux là. Donc ce soit des sacrifices, frère. C'était une manière de nous amener à comprendre qu'il y aura quelqu'un. Voilà. Lui, il est très saint. Lui, il ne sacrifiera pas. Voilà. Donc, ça veut dire que cela annonçait quelque chose. Que le changement est donc révélé ici dans ce texte. Le changement de quoi? Selon toi, de sacrifice. Non, arrêtons, frère. S'il te plaît, frère. Nous comprenons cela. Non, attends, frère. Si vous n'acceptez pas ce que je dis, frère, ça veut dire que vous ne pouvez pas aussi me convaincre. Frère, non, je ne vais pas te convaincre. Je vais seulement qu'on corrige ce que la Bible a dit. S'il te plaît, je vais qu'on corrige ce que la Bible a dit. Attendons. Frère, j'aimerais qu'on. Oui, frère. Frère, je vais qu'on comprenne. Frère, je vais qu'on comprenne une chose. Tout le texte qu'on a dit n'a rien dit, n'a pas dit qu'il y a abolition des sacrifices antérieurs. On a dit qu'il y a abolition de l'ancienne alliance. Point. Ancienne. On a dit que abolition de la loi, parce que cette loi-là n'a rien amené à la perfection. C'est ce qu'on a lu, non? On a dit que c'est toute la loi de Moïse qui n'a rien amené à la perfection. Mais le frère venait tourner, il dit que dans la loi de Moïse, on a dit qu'on a aboli plutôt le sacrifice. Est-ce que c'est ce qu'on a dit ici? On a dit qu'il y a abolition de la loi d'une prescription antérieure, parce que ça n'a rien amené à la perfection à cause des sons. L'inutilité. On n'a pas dit que le sacrifice était inutile. On a dit que la loi là, tout ce qui était contenu dedans, on a annulé ça pour introduction d'une espérance meilleure, nouvelle. C'est ça, non, frère? Oui. Bon. J'avais posé ma question au frère. Bon, il a développé. Bon, je voudrais maintenant retourner ma question. En fait, ça n'a pas été répondu. Quelle question, frère? La délime. La source de la délime. La source. Non, j'ai expliqué ça ici, les gens. J'ai compris. Oui. Bon, maintenant, je retourne ma question au pasteur. À lui maintenant, n'est-ce pas? Il continue à insister dessus. Oui. Bon, cette fois-ci, la question est adressée à moi, mais au pasteur. Ah, au pasteur. Oui. À supposer que la dîme, les chrétiens doivent payer la dîme. Oui. Ils doivent la payer à qui? Voilà, frère, répond à la question. Et à bibliquement, pas vrai? Bibliquement, oui. Qu'est-ce qu'il trouve dans la Bible? Donc, deux questions. Si les chrétiens doivent payer, si les chrétiens doivent payer la dîme, à qui doit-il les payer? Réponds. Si les chrétiens doivent payer la dîme de nos jours là, oui, ils doivent donc payer à qui? Oui, ils ont dit soutien bibliquement. Bonne question, frère. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Quand nous disons vulgairement, comme d'habitude, nous venons de citer le livre de Malachie qui nous parle. N'est-ce pas? Le livre de Malachie 3, On peut livrer, on peut livrer. Malachi, c'est toujours avant Matthieu. Si vous ouvrez Matthieu, c'est derrière, mon frère. Frère, ouvre Matthieu et puis tu regardes directement derrière. Voilà, voilà. Oui. Attends, pardon, tout le monde n'est pas encore là. Il faut que les gens vérifient. Donc, après, tu ouvres Matthieu, tu derrière. Voilà. Tu as pas venu. Attends, je t'aide là. Donc, tu ouvres rapidement Matthieu et tu rentres derrière. D'accord. Voilà, Malachi. Ouvre le chapitre 3. Commençons de verset 9, s'il vous plaît. Il est écrit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui. Merci. Ici, nous comprenons que la dîme doit être payée que dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. La maison de l'Éternel. Non, c'est pas, frère, vous avez la Bible. On n'a pas dit ça. Lis exactement ce qui est écrit. On doit rien y ajouter, vous on doit rien retirer. Vous êtes frappé de la malédiction et vous me trompez. Oui. La nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor. Voilà. Voilà, on a dit la maison du trésor, pas la maison de l'Éternel déjà. Comprenons. Je suis en train de vous parler. Oui, frère. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, oui, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Amen. Rien que le verset 9 nous dit que c'est l'Éternel des armées qui a parlé cela. Dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler ici. Amen. Et Dieu utilise ici juste son serviteur, le prophète Malachi, à nous communiquer la pensée de Dieu. Alors, ici, je comprends la chose claire. Où se trouvait aujourd'hui l'Église? Non, attends, frère. Il y a cet autre domaine maintenant. Je ne sais pas moi qui pose des questions, d'accord, je vais rectifier encore. Le frère s'est posé deux questions. Où tu as dit, tu soutiens qu'on paye la dîme. On paye à qui? C'est la question, non? Et toi, tu as pris dans ces versets pour montrer à qui on devait payer. Donc, il faut que, parce que ce n'est pas où, ce n'est pas où. Il a dit à qui? On paye la dîme qui est dans la maison de Dieu. Voilà. Non, explique-nous, frère, en admettant cela. Explique-nous dans la nouvelle alliance ce que c'est que la maison de Dieu. Que je vous explique ce que c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. De Dieu, oui. Est-ce que merci beaucoup, c'est une belle question. La maison de Dieu ne peut pas être définie comme notre maison personnellement d'abord. Quand nous rentrons maintenant dans la même Bible, oui, nous trouvons que Salomon a bâti un temple. Oui. Oui. Il a bâti un grand temple, oui, pour Dieu. Oui. Et c'est là dont tout le peuple s'est rassemblé. Et c'est là tout le peuple est venu donc adorer le Seigneur. Oui. Et si le Seigneur dit que vous ne payez pas, amenez les dîmes dans ma maison. Ce temple donc que Salomon a bâti devient déjà la maison de Dieu, le lieu où Dieu habitera. Et malgré que Dieu dise que je n'habiterai pas à la maison faite de mains d'homme. Mais tu dis quand même qu'il habite là-bas. Mais malgré que donc le langage est donc déjà initié, oui, il est déjà reconnu comme un lieu de rencontre avec Dieu dans ce lieu. Je commence donc encore. Nous tous, le peuple de Dieu, oui, nous partons dans ce lieu. Dans ce lieu, oui. Et donc c'est ça qui est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Montre-nous, frère, dans le Nouveau Testament, qui est le testament, le Nouveau Testament. C'est-à-dire que la vie de l'Église montre un exemple. La vie de l'Église. C'est-à-dire que dans la vie de l'Église, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Montre-nous où les peuples qui, pour aller dans un lieu, et c'est là où ils donnent leurs offrandes, leurs dîmes. S'il vous plaît, si j'ai une bonne mémoire, nous pouvons citer toujours Acte 3. Donc frère, vérifie juste parce qu'on a posé, on a répondu à ta question, d'accord, si, si tu es satisfait. À tais-toi. Oui. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, premier verset, nous pouvons citer, je cite, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Oui. Premier verset. Oui. On dit Pierre et Jean montaient au temple. Au temple. Et c'est le temple de Salomon dont tu as parlé tout à l'heure. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Ça, c'est déjà dans la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Oui, frère. Et ils partaient dans le temple. Oui, pour faire quoi? À l'heure de la prière. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance et qu'on le portait et qu'on le plaçait sous tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui... À ceux qui y entraient, oui. Oui, à ceux qui y entraient dans le temple. N'est-ce pas? Oui. Ce temple, on a même donné même son nom, appelé le temple de Babel. Non, non, ce n'est pas le nom du temple. C'est non, attention, corrigeons les choses, s'il te plaît, frère. Nous sommes serviteurs. Nous sommes serviteurs, d'accord? La Bible nous enseigne de ne rien y ajouter, de ne rien retrancher. Ce n'est pas le nom du temple. C'est une porte. Il y avait le portique de Salomon. Il y avait le portique de ceci. D'accord? C'est l'endroit, la zone où on dépose. Parce que le temple est divisé en subdivision. Il y avait des endroits où ce sont les femmes qui réunissent. S'il te plaît, frère. Voici ce que dit la Bible. On n'a pas dit que le temple s'appelait comme ça. Excusez-moi. Oui, lui, lis alors. Je suis sous l'écrit. Lis donc, frère, ce qui est écrit. Tu dis ce qui est écrit. Si nous parlons même de la portique de Salomon, ceci, cela. Je ne vois même pas aussi le nom de Salomon qui est figuré ici. Non, je ne dis pas que dans ces versets, on dit ça. Mais on dit. Oui. Quand on le plaça. Oui. Tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Donc la porte du temple est appelée la Belle, pas le temple qui appelle la Belle. Mais c'est le temple. C'est pas la porte. Par exemple, voici, ça c'est la porte. Ça c'est le temple, n'est-ce pas? Et ça c'est la porte qui permet donc cette maison. Mon cher frère. Et donc, excusez-moi. Voici donc que nous sommes entrés. Voici toutes nos chaussures sont là-bas dehors. Pourquoi nous avons enlevé nos chaussures dehors? Mon cher frère. C'est pour entrer ici dedans. Mon cher frère. Et on plaçait ce type devant la porte. Quand quelqu'un entre, il lui demande de l'aumône. Mon cher frère. Quelque quoi? Attendez, attendez, vous voyez. Excusez-moi. Et on nous dit juste que ce temple était appelé la Belle. Est-ce que le temple appelé la Belle? Appelé. Oui, oui, regarde la question. Regarde la question qu'il a déposée. Voilà. Réponds à sa question. Appelé à un muet ou pas? C'est pas départager. Oui. Ça a eu mieux. Donc, le temple. C'est pour la porte. Ne devait pas avoir un mien. Donc ça veut dire que c'est la porte. Il y a un mien à cause du temple. Applaudissons pour le frère. Excusez-moi. Absolument. Si donc ce n'est pas la porte. Oui. Mais la porte faisait quoi donc à la porte? Frère, regarde, frère, on va s'éloigner s'il te plaît. En fait, je voulais seulement te corriger. On va s'éloigner parce que. Pardon, moi je suis en train de vous dire des choses écrites. Non, c'est pas écrit. Voilà le lancien qui vient de corriger. Ça, c'est son interprétation. Ah, ce n'est pas l'interprétation. Mais regarde le langage de la Bible dit que le temple a été appelé la Belle. Non, ce n'est pas le temple qui a été appelé. Nous ne pouvons pas contredire la chose. Non, frère, on a dit que c'est la porte qui a appelé. La porte. Voilà la porte. On dit que la porte est appelée. Vous ne pouvez pas définir ce qui est écrit. C'est pas moi qui définis, frère. Regardez bien. Vous avez remarqué que je n'ai même pas touché au niveau de eux, enceinte et mieux, n'est-ce pas? C'est l'enseignant qui nous a dit. Oh, si on dit que le temple est appelé, il ne devait pas s'accorder ainsi. Si c'est la porte qui est appelée, voilà pourquoi l'enseignant a dit que en fait c'est eux mieux. Donc c'est ça. En fait, là, je voulais te corriger sur un endroit. Si alors je vais vous poser une question. Oui. Pourquoi le nom de cette porte la Belle est donc figure là? Voilà. Elle figure. Non, frère, je vais t'expliquer. C'est là où je veux. Si tu te calmes, je t'expliquerai. Tu as dit tout à l'heure qu'en entrant, on a mis les chaussures devant la porte. Frère, mon frère bien-aimé, regarde très bien. Sur l'esplanade du mont Sion, le temple de Dieu s'est allé sur beaucoup sur une grande surface. Et il n'y a pas une seule porte du temple. Il y en a plusieurs portes. Plus il y en a plusieurs portes. Il y a une porte à l'Orient. Bon, s'il te plaît. Voici ce que je vais vous dire. Concernant tout ce que vous venez de vous expliquer. Oui. Tout est bon. Mais il y a un langage que vous devrez comprendre dans le service sacerdotal. Oui. Pour tout sacrificateur de Dieu. Oui. Tout sacrificateur de Dieu, quand nous lisons dans ce hébreu que nous venons de citer ici, oui. S'il vous plaît, et il dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nous comprenons. Oui. Non, ça c'est le service C'est dans l'ancienne alliance, c'est donc ce souverain sacrificateur dont nous venons de citer ici, tel que les Aaron et ses descendants oui. et ses fils. Ça ne se trouve pas chez les chrétiens, ça. Il n'y a pas de ces qualités chez les chrétiens. Chez les chrétiens, le non-chrétien est venu d'abord hier. Nous sommes dans l'ancien temps. Nous sommes en train de rentrer dans l'ancien temps. Non, l'ancien temps, l'ancien temps que nous rentrons, c'est à l'ancien, c'est à la première église. Frère, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. L'ancien temps que nous rentrons, c'est pas l'ancien temps de Moïse. Nous rentrons à l'ancien temps de première église. Et si nous voyons même d'abord le langage ici qui figure dans le Nouveau Testament, oui. et dans le résumé des explications à ce monde qui était dans la confusion, oui. de comprendre même les Écritures et de les sonder. Oui. Frère, nous sommes en train de nous éloigner. Frère, nous sommes en train de nous éloigner. S'il te plaît, frère, on a de s'éloigner parce que le frère s'est posé une question depuis. Tu as pris Malachie, tu n'as pas encore répondu. Il a demandé, on peut la Bible. C'est là dont Dieu parle. Moi, je ne comprends pas toujours. La question est simple. Oui. C'est si nous devons donner la dîme, parce que je veux être éclairé. Oui. Il dit qu'on doit donner dans la maison de l'Éternel. Oui. Cette dîme-là, on va donc la prendre maintenant. Oui. Parce que ça ne va pas courir là-bas. Oui. Prendre et donner à qui? À qui? Ça, ma question. Mm-hmm. Parce que tu as dit qu'on vient à la maison de Dieu. Sous réserve qu'il n'a pas encore répondu, c'est que la maison de Dieu dans la nouvelle alliance. Parce que je vais encore revenir là-dessus. Oui. Il dit que si on apporte donc ça à l'endroit où tu as dit qu'on vient donner là. Après, on va prendre la dîme là. Donner à qui? On remet donc. Entre mains de qui? Ou bien ça revient sur la responsabilité de qui? Comme les Lévites. Les Lévites devaient prendre. Directeur, voici ce que je vais vous dire. Oui. Quand Dieu parlait dans la bouche de Malachie, vous, toute la nation, vous me trouvez dans les dîmes. Oui. Apportez-les dans ma maison. Oui. Quand Malachie parlait ici, la dîme, si on apporte donc la dîme dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Quels sont ceux-là qui doivent donc exercer ce ministère de partage? Voilà. Bonne question. C'est la question qui a arrêté quand elle était posée. Cette question donc m'est posée. Oui. Et toi-même, qu'est-ce que tu comprends par là? Comme le monsieur venait donc de dire depuis que les Lévites. Quand ils prennent ça, oui, et ils donnent aussi pour eux sur les sacrificateurs. Et ils enlèvent la dîme des dîmes aux sacrificateurs. Mais tu es d'abord d'accord que c'est comme ça que c'est dans la Bible, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Oui. Ils venaient de nous dire ça. Mm-hmm. Et c'est aussi ça dans la Bible. Oui. Si dans les Lévites, que leur part, oui. Mm-hmm. qu'ils les reviennent comme possession oui. de leur service. Qu'ils font à la tente d'assignation. À la tente d'assignation. Mm-hmm. Et que c'est de percevoir la dîme venant du peuple, oui. Mm-hmm. Du peuple, oui. Oui, du peuple. Oui. Ce service est maintenant entre les mains. Oui. C'est à eux de gérer dans cet arrêt. Donc dans la nouvelle alliance, donc, c'est qui donc? Il y a les Lévites, hein, c'est qui? C'est encore les Lévites. Voilà, donc dans la nouvelle alliance, donc qui sont les Lévites? Qui doivent prendre? Merci beaucoup. Ou bien qui remplace? Qui remplace donc les Lévites dans la nouvelle alliance? Dans les Lévites, oui. Ce qui remplace donc ces Lévites aujourd'hui, voici ce que Christ a établi. Oui. Il dit, j'ai établi les apôtres. Oui. Le prophète, oui. les évangélistes, oui. les pasteurs, oui. les docteurs, oui. n'est-ce pas? Oui. Voici donc ce que Christ a établi à l'église. Oui. Et voyons. Donc s'il te plaît. Je veux qu'on comprenne ensemble. Donc, pour toi, ces cinq dons ministériels se représentent les Lévites. Et après, dis, sors ça de ta bouche. Sors ça de ta bouche. Comprenez-moi, je suis en train de vous. Oui. Alors, je vais vous parler des choses pratiques ici. Uh-huh. Et il faut prouver dans la Bible. Il faut prouver dans la Bible. Parce que quand tu pratiques, c'est ce qu'on fait. Il faut que la satire, ça sorte de là. Et particulièrement du Nouveau Testament. Parce que les apôtres, prophètes et ainsi de suite sont nommés dans le Nouveau Testament. Oui. Donc tu as dit, on a une question posée. Qui représente dans les Lévites? Tu as cité les cinq là. Donc je veux que tu dises ta bouche, oui ou non. Tu veux dire que les cinq là représentent les Lévites? Oui. Ok, donc il a dit oui. Avance donc. Mais quand les Lévites la prenaient, ils donnaient aussi aux sacrificateurs. Quand vous, les apôtres et autres prenez, vous donnez aussi à qui? Quand vous prenez la dîme, vous donnez aussi à qui? Si nous prenons maintenant, nous donnons à qui? Oui. Nous voyons ici, lorsque on a donc élu les diacres à l'église, oui. je vois, on a chargé Étienne oui. de partager cet argent aux veuves et aux autres. Non, frère, on n'a pas dit partager l'argent. On n'a pas dit de partager l'argent. C'est pas l'argent qu'on partage. Non, je corrige. Voilà, on a dit les biens. On utilise le mot argent. Mm-hmm. C'est juste pour mentionner la nature de. C'est ça qui a amené les dîmes au niveau de l'argent. Donc, pourquoi quand on mentionne donc. Disons les biens. Disons comme la Bible a dit, d'accord. Si vous ne voulez pas entendre le mot argent. Non, pas pour le moment. C'est pas qu'il ne veut pas entendre. C'est que si la Bible dit une chose, on dit de la manière de la Bible. Non, frère, c'est bien. Donc, on a donné, n'est-ce pas? Nous avons entendu que Ananias et Saphira ont allé vendre les gens et venir apporter. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? On a parlé de l'argent. Oui, là-bas, on a parlé de l'argent, frère. Mais il veut dire ici, n'est-ce pas? Et cet argent servira à faire quoi? Frère, nous ne allions pas. Les diacres qui partageaient cela au vœu. Oui, frère, nous ne allions pas. Oui. On va voir les. Vous dites non. Non, je n'ai pas dit ça, frère. Ils sont dit ici, n'est-ce pas? Tu as dit que les apôtres, les cinq dons ministériels d'Ephésiens 4, 11, ils représentent les Lévites. N'est-ce pas? Oui. Ok. Au-dessus des Lévites se trouvaient les sacrificateurs. Quand les Lévites, parce que tu as une réponse à la question de ce frère, il a posé la question, quand on amène la dîme, qui les prend? Tu as dit en premier lieu, ça revient d'abord aux apôtres. Donc ça veut dire que ce sont les Lévites. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que si les apôtres prennent cette dîme-là, eux aussi donnent la dîme de leur dîme aux sacrificateurs. Si donc les apôtres, prophètes, ainsi de suite, représentent les Lévites, qui sont ceux qui sont les sacrificateurs? Parce qu'ils sont censés aussi payer. Dans la nouvelle alliance. Oui. Dans la nouvelle alliance, oui. Les sacrifices ou les Lévites. Oui, oui. Non, tu as déjà dit que les cinq ministères là, oui, c'est les Lévites. Moi, hein? Oui, tu as déjà dit que c'est les Lévites parce que tu l'as dit. Mm-hmm. Je dis encore que dans l'ancienne alliance, quand le peuple venait donner la dîme aux Lévites, mm-hmm. les Lévites prenaient aussi la dîme de cette dîme-là et donnaient aussi aux sacrificateurs qui étaient plus élevés que eux. C'est ça, non, qu'on a vu. Et ça, c'est dans l'ancien temps. Ça, c'est dans l'ancien temps. Oui, parce que tu as dépendu l'ancien temps pour amener le nouveau. Donc, on veut voir ça dans le nouveau maintenant. Dans le nouveau, tu as dit que les cinq dons ministériels, ce sont les Lévites. Oui. Alors, quand eux, ils prennent ça, la dîme là, aujourd'hui chez vous. Il a établi lui-même. Oui, non, je n'ai pas dit que c'est toi qui as établi. Non, tu as seulement cité. Oui. Tu dis donc que ceux-là, donc, quand ils prennent la dîme, oui. ils donnent aussi leur dîme à qui? Mmh. Mmh, réponds. Ici, ceux-là, si nous parlons de l'envoi de leur dîme. Oui. Mmh, oui. Parce que leur dîme ici est donc. Jumilé comment frère? Jumilé dans les dîmes. Parce qu'ils donnaient aussi leur dîme. Attends, qui ça? Parce que. Attends, qui c'est? Excusez-moi, frère. Ces cinq ministères. Oui. Ces cinq ministères. Mm-hmm. Parce que tous ces apôtres, c'est pourquoi ils ont chargé maintenant, Étienne, de partager ces biens. Tu sais, c'est qu'on disait qu'il y avait même un problème d'entre eux, les veuves, ceci, cela. Et... Bon, on a chargé les Étienne avec les autres diacres de partager ces biens. Frère, je repose encore la question. Non, c'est bien matériel avec les autres pour qu'il n'y ait pas de problème. Frère, et les restes étaient dans le. Hein? Frère, attends, s'il te plaît. Non, le camp de cinq ministères. Frère, et pour pousser même aussi les ministères. Frère, je vais poser encore la question autrement. Ça, ce n'est que ça. Non, je vais poser la question encore. Je vais poser la question. Tu vas nous expliquer. Quand on a dit clairement dans l'Ancien Testament que la dîme représentait la nourriture de l'air. C'est leur nourriture. Ils prennent ça pour manger à cause du fait qu'ils font le servir à la tente de l'assignation. Tu nous as dit qu'ils n'ont pas de part de possession, parce qu'on va revenir sur ça, le pasteur qui ont une maison avec les ici. Parce qu'on va les créer des problèmes maintenant. Tu dis que l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur représentent les Lévites. Or, les Lévites, quand ils percevaient la dîme, c'était pour eux d'abord. Après, ils donnaient une dîme de cette dîme-là aussi aux sacrificateurs. Je veux d'abord que tu me dises si les apôtres-là représentent les Lévites, qui sont les sacrificateurs d'abord. Y a-t-il ça dans le corps de Christ? Hein, frère, parce que tu as pris Malachi, tu viens venir t'expliquer maintenant ce que Malachi, tu as en réalité envie de dire. Bon, comme tu viens même encore de dire ici que aujourd'hui nous sommes tous sacrificateurs. Voilà. Hein? Oui. Selon l'ordre de la nouvelle alliance. Oui. Oui. Ah, c'est pas moi qui ai dit, frère. Attends, d'abord, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui l'a. Frère, c'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais la parole est sortie de lui, nous pouvons prendre d'abord à la source. Oui, oui. Après, nous pouvons mettre dans la oui. sur la Bible. Oui. Et comme la Bible dit que vous êtes maintenant tous sacrificateurs voilà. de Dieu. Oui. Et parmi ces sacrificateurs de Dieu, oui, oui. Hein, oui. est-ce que ce saint ministère de Christ aujourd'hui est-il commun avec tous les restes de corps de Christ? Bonne question. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit nous a amené celui-ci au milieu tout à l'heure, n'est-ce pas? Reviens encore ici au milieu. 1 Corinthiens 12, frère, nous explique que nous sommes membres du corps de Christ. Chacun a son rôle à jouer. 1 Corinthiens 12 nous dit ça. D'accord? Et on a vu tout à l'heure dans cet exemple-là qu'il y a une seule personne qui est élevée. La tête. Si donc chaque membre ici représente les apôtres, prophètes et autres avec les chrétiens simples, explique-moi lequel est élevé plus que le qui ici, dans cette partie du corps. Tu peux trouver, frère. Est-ce que quelqu'un est élevé ici plus que l'autre? Ici, dans son corps. Oui, ici, son corps. C'est-à-dire que si on laisse la tête ici, parce que je pense parce qu'en image avec l'église et Christ, d'accord? Parce que Colossiens 1, 18 nous dit que Christ est la tête du corps de l'église. C'est ça, non? Voici Christ ici qui est, voici la tête. Voici le membre. Ici, il y a les apôtres, il y a les prophètes, et ainsi de suite, les diacres, les diaconesses, les anciens, tout est ici. Avec les membres de corps, ceux qui ont le don de guérison, des ministères, des présidences, dont des prophéties, ainsi de suite. Tout se trouve ici en bas. Il y a une seule chose qui est élevée, c'est quoi? La tête. Est-ce qu'un apôtre dépasse un prophète? Est-ce qu'un prophète dépasse un diacre? Il n'y a pas de comparaison dans cela parce qu'il y a seulement la communication de la grâce de Dieu dans chaque membre. Ce qui fait que un pasteur ne peut pas dire que comme je suis pasteur, je dépasse un diacre. Vous comprenez ça? Cette pensée-là ne se trouve pas dans la chose de Dieu, dans la nouvelle alliance. C'est parce que la Bible déclare que si quelqu'un est enflé d'orgueil, c'est qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de corps. On n'a pas été enflé, d'accord frère? Donc permets-moi d'expliquer donc maintenant ici véritablement. Tu as admis avec moi que j'ai dit que la Bible enseigne que tous sont sacrificateurs. Si donc tous sont sacrificateurs, d'où est-ce que tu sors que les cinq ministères sont les Lévites? D'où est-ce que tu sors encore avec ça? C'est là dont je vois de votre explication, oui, que tous sont sacrificateurs. Uh-huh. Si tous sont sacrificateurs, oui, est-ce qu'ils en ont tous la capacité d'exercer leur ministère aujourd'hui dans les églises? Absolument. Tout le monde. Oui, oui, attends, oui, avant de répondre, tu voulais poser une question. Je voudrais reste pour à sa question. Oui. La capacité dont il parle, oui, ça vient de l'être humain ou de Dieu. Bonne question. C'est simple, réponds à la question. La capacité, elle vient de qui? Si cette capacité vient de Dieu. Voici. Prenons par exemple l'apôtre comme étant la même si. Je suis en train de vous répondre. Oui. Si la capacité vient de Dieu. Oui. Hein, oui. Ça veut dire que c'est Dieu qui a doté la personne avec cette capacité. Voilà. Ok. Vous pouvez comprendre. Parce que ce n'est pas un homme. Non, absolument. Non, tu as répondu à sa question. Pose encore la question, frère. Oui. Donc c'est Dieu. C'est la capacité de Dieu, pas la capacité de l'homme. Oui, frère. Et comme ce n'est pas cet homme. Oui. Dieu peut se manifester en d'autres personnes. D'autres personnes aussi. Comme toi. Donc ça veut dire que ce n'est pas, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Mais c'est pour cela, c'est de la même manière que Paul pouvait dire que chacun a reçu selon la mesure de la grâce. Voilà, frère, tu as dit la même chose. Voilà. Voilà. Je suis en train de vous dire que si aujourd'hui que je suis pasteur, oui, oui, et que toi, tu es chrétien, oui, est-ce que ce titre pasteur-là, c'est moi qui a possédé ça? Voilà. Ou c'est moi qui m'ai titré? Voilà. Ok, je pose la question autrement. Le fait que tu sois pasteur te donne le droit d'être au-dessus de quelqu'un? Si cela me donne le dessus de... Non, je pose la question. Est-ce que le fait que tu sois pasteur fait à ce que tu dépasses les autres chrétiens? C'est Christ qui l'a donc établi la chose. Ok, je pose la question de ceci. Si Christ a donné... Attends, si Christ a donné comme pasteur et à cette sœur, si elle a donné le don de prophétie, en quoi est-ce que ton pasteur dépasse le don de prophétie qui est ici? Alors tu dois m'écouter. Oui. Patiemment. Oui. La Bible dit que quoi? Mm-hmm. Pierre, j'étais choisi et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mm-hmm. Les portes ne pierviennent pas. Il n'a pas dit que sur toi. Il a dit que tu es Pierre, sur cette pierre. Il n'a pas dit sur toi. Et Pierre. Oui, c'est sur cette pierre. Papa, que je crois que c'est sur toi. Mon église. Voilà. Mm-hmm. Que tu es Pierre. Oui. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le Seigneur dit, tu es Pierre. Oui. Comprends? Oui. Il dit, il le doit, il le tutoie. Oui. Tu es Pierre. Oui. Et c'est sur cette pierre, oui, que je suis en train de tutoyer, que je bâtirai mon église. Non, il n'a pas dit qu'il soit tutoyé. Jésus dit, tu es Pierre. Oui. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Oui. Jésus a spécifié la chose. Oui. Il me parle, dit quoi, frère? Explique. Et alors, quand j'essaie maintenant de voir les cinq ministères que Christ lui-même a établi. Laissez-le parler, il faut qu'il avance parce qu'il va avancer. Moi, je fais quelque chose. Donc, je ne peux pas discuter contre cela. Oui, c'est oui, ce oui. Parce que c'est Christ lui-même qui les a choisis. Apôtre. Jusque-là, frère, ça ne résout pas le problème. La question qu'il posait, c'est si que. Est-ce qu'un apôtre est plus élevé qu'un autre père? Il est élevé parce que c'est Christ qui a choisi. Donc, montre ici. Attends, non, frère, viens. Viens donc, montre-moi ici. Oui, écoutez. Oui, non, montre-moi ici. Écoutez. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que c'est moi qui vous a choisi. N'est-ce pas, vous ne pouvez pas aussi partir comme les autres? Hein? Et c'est pas, ça n'est pas moi qui est-ce que Jésus a choisi seulement les 12 tout le gens sont les chrétiens. Dans Jean 10 aussi, il a dit que je connais mes bébés, je vais les appeler, ils vont venir. Donc comme il va choisir tout le monde. On est d'accord, n'est-ce pas? Excusez-moi, le langage de la Bible est clair et net. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas arracher le titre de l'un et l'autre. Non, frère, nous ne parlons pas des titres. Nous ne parlons pas des titres. Toi-même, tu as dit clairement que c'est Dieu qui communique une grâce à chaque membre. La question que je dis que, comme Dieu a communiqué cette membre, est-ce qu'un membre est élevé par rapport à l'autre? C'est la question. Est-ce que le fait que tu sois pasteur, si cette sœur-ci a seulement un don spirituel, un don de prophétie, est-ce que le fait que tu sois pasteur, parce que c'est le titre, est-ce que ton titre, le fait que la sœur-ci n'a pas un titre, est-ce que ça fait que toi tu la dépasses? C'est ça qu'il veut demander comme question. Ça, c'est l'agenda divin qui organise cela. Donc, ça veut dire que l'agenda divin dit que tu le dépasses. Alors, écoute, comme l'agenda divin ordonne cela, oui. Regarde, oui. Christ dit, vous êtes des apôtres. C'est Christ lui-même, oui, qui les a choisis. Oui, il a choisi comme tu l'as choisi tous les chrétiens. Christ a choisi tous les chrétiens. C'est sur tous les chrétiens. Oui. Non, ce n'est pas tous les chrétiens. Hein? C'est sur tous les chrétiens. Là, c'est pourquoi apôtre Pierre pouvait examiner tous les écrits de l'apôtre Paul. frère, même, il a accepté. Oui. Non, excusez-moi. Oui. C'est pourquoi Paul, Pierre. Donc Pierre était élevé pour tout le monde. Mm-hmm. Pierre était supérieur à Paul. Montre-moi un verset. Je vous l'ai dit. Oui, non, non, ne me dis pas. Comprenez-moi. Non, non. En tant qu'être humain, je suis. C'est pourquoi Paul a dit. Toi et moi, nous avons dit le départ, frère. Je suis en train de parler. Pasteur. Permets-moi. S'il te plaît, montre-moi dans la Bible. Je ne suis lui-même pas. Je suis un homme comme vous. Oui, moi, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Quoi, donc je n'en disconviens pas l'autre. Mais vous agenouillez devant moi. Non, non, imaginez pas, je suis en éduquer, s'il te plaît. Vous êtes en train de vous agenouiller devant moi. Je demande... donc je refuse le langage. Non, mais je demande que. Excusez-moi. Montre où la Bible, on dit que Pierre est supérieur à Paul. Tu as dit ça. Ouais, je suis désolé pour toi, mais permets-moi de vous parler. Ok, frère. Paul pouvait dire que je rencontre Pierre et Jean. Oui. Les piliers de l'église qui sont considérés, il n'a pas dit qu'ils sont piliers, il a dit, si je te donne le verset, il a dit qu'ils sont regardés comme la colonne de l'église, c'est pas seulement les deux, mais si quelqu'un est regardé comme la colonne de l'église, n'est-il pas le pilier? Ok, maintenant, frère, tu peux me parler de parler, tu peux me parler de parler. Alors, permettez-moi de vous parler. Oui. La colonne et le pilier ne sont-ils pas la même chose? Vous se parlez le langage est différent. En tout cas, ça dépend de la compréhension, j'accepte. Paul ouvre sa bouche, il dit, Pierre et Jean, ils m'ont donné la main droite d'association afin que moi j'aille pour les païens, les prêcher, et eux pour les circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ça veut dire quoi? Je comprends pas. Pourquoi Pierre a donné donc la main droite d'association? La Bible ne dit pas que Pierre a donné la main droite d'association, frère, ça ne dit pas ça. Si tu veux, je donne le verset, on lit, ce n'est pas comme ça. Je vais t'expliquer la Bible. Donne-moi le verset. C'est dans le livre d'Alate au chapitre 2. D'accord, frère? Chapitre 2, n'est-ce pas? Verset combien? Non, lisons donc, ouvrons, si tu veux qu'on lit. Je vais seulement citer la Bible pour dire. Il faut qu'on corrige les choses, s'il vous plaît. Il faut que vous, désormais. Ne soyez pas ingrat envers la parole de Dieu. Non, reste au milieu, d'accord. En fait, ce qu'on a de faire maintenant, c'est qu'il faut que désormais vous écoutez qu'on peut vous dire quelque chose et qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui semble être biblique. Donc, on a intérêt à examiner ce qui est écrit dans les écritures. On est parti du fait qu'il veut dire que Pierre est élevé. Je vais le corriger, c'est pour montrer que ce n'est pas Pierre qui a donné la main d'association. Et il faut qu'on voie donc dans la Bible ce que la Bible en dit. Et puis, on va venir sur le fait qu'il a de confondre les titres aux grâces de Dieu. Le titre ne fait pas un homme comme un homme soit élevé. Parce qu'une seule personne est élevée, c'est qui? C'est la tête. D'accord? Donc, une seule personne. Ils n'ont pas reçu la main droite d'association. Non, c'est pas ce qu'il dit. Parce qu'il a vu maintenant le verset. Il n'est pas ce qu'il a dit. Tu as dit que Pierre lui a donné la main droite d'association. Il n'y a pas d'abord la main droite là-bas. Il n'y a pas d'abord la main droite dans ce verset. Si tu as devant toi maintenant, tu peux donc lire pour qu'on comprenne. Parce que tu as dit qu'on n'a pas un grave à la parole. Lis, frère. Non, il faut que lui-même il lit. Tu as dit que sur le verset combien? Galates chapitre 2. Oui. Lisons à partir du verset 10. Partie du verset 10. Oui. Ils me recommandèrent seulement. Non, remonte à partir de 8 minutes en descendant. 8 en descendant. Bon, oui. Bon, je commence même sur cette. Oui. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Oui. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Oui. 9. Oui. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, oui. Jacques. Et Cepha, les gens qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les juifs. Circoncis. Voilà. Frère, s'il te plaît. Frère, s'il te plaît, c'est moi qui t'ai donné le verset. Non. Attends d'abord. Je n'ai pas refusé. Voilà. Mais non, tu n'as pas accepté. Tu as dit tout à l'heure là que. Non, excusez-moi. Je suis en train de parler. Vous venez de dire que on peut vous dire des langages qui semblent bibliques, mais pourtant ce n'est pas le cas. Oui. Ne vous trompez pas. Oui. Ne acceptez pas. Oui. Et ce n'est pas la main droite que ils ont donnée. Mais c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Le fait que j'ai utilisé le mot main droite. Ce n'est pas la main droite qui m'intéresse. C'est pas la main droite qui m'intéresse. Mais je veux que vous sachiez. Non, c'est pas la main droite qui m'intéresse. Ce que je dis, je ne le contredis pas. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que Jean, Cepha et Jean, qui sont regardés comme de colonnes, voilà. me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. D'association unie. Dans un même esprit pareil, ils ont vu que Paul est en train de prêcher intégralement ce que le Seigneur a recommandé. Et il a mis en application tout ce qui est écrit dans le livre. Juste là, on est éloigné. Et donc, et comme ils ont donc trouvé que Paul est en train de faire du bien, est en train d'enseigner bien le peuple, et ils ont donc donné la main d'association. Afin que de réunir dans un même esprit, ils ont reconnu que Paul avait un esprit humble, un esprit soumise. Et donc, il est donc souhaité dans la famille d'apostolat. Jusque là, ce n'est pas le problème aujourd'hui, frère. Mais alors, et vous dites que ce n'est pas ça. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui as là-bas. Depuis que j'ai dit là, frère, j'ai contredit la parole. En fait, c'est non, tu ne connais pas la parole, tu dis quelque chose. Quand ils ont sollicité Paul, et jusqu'à lui donner la main d'association, afin que lui, il part vers le païen et eux vers les circoncis, je comprends ici le ministère de chaque personne qui est détaillé. Pourquoi Pierre a donc donné la main? Je corrige encore. Je corrige encore la chose. Il a tourné, il est encore revenu sur son propre problème encore. La Bible n'a pas dit que Pierre a donné la main d'association. Parce que la question que tu as dit, c'est que tu as dit que Pierre était élevé plus que Paul. Je t'ai dit que... Et non, je l'ai dit, et je vais toujours le dire. Non, Pierre est élevé plus que lui. Non, il fallait que Pierre atteste le ministère de Paul. Wow. Ok, maintenant, vous voyez que là, on vient de lire, si vous regardez même les trois noms qui sont cités, Pierre, c'était en deuxième position. Si vous regardez là, vous le verset qu'on vient de lire. Ceux qui sont regardés comme colonne, la première personne qu'on a nommée, c'est Jacques. C'est la première personne qu'on a nommée. Le nom de Pierre figure en deuxième position. Remarquez bien ce qui est écrit. Oh, le frère, c'est en train de mettre les deux autres, Jacques et Jean, de côté. Et on est toujours en train de parler de... Écoute, mon frère, ce n'est pas parce qu'on a écrit le nom de Jacques. Qui c'est? Non, je n'ai pas dit ça. Et pourquoi le nom de Jacques, mon cher, énumérer le personne mon cher, qui s'était considéré mon cher, comme le colonne. Pasteur, n'est-ce pas, nous parlons de la parole. Dans ce cas, pourquoi tu as dit que c'est Pierre qui a donné, alors que la Bible dit que c'est plusieurs personnes qui ont donné? Pourquoi tu dis mais ça? Mais ce sont les piliers, ce sont les personnes. Mais parce que pourquoi tu ne dis pas que les trois personnes sont élevées au-dessus de Paul? Tu dis que c'est Pierre seul. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est Pierre? Regarde, Jésus a bâti son église sur qui? Sur la révélation. Pas sur un être humain, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, observez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus dit c'est sur cette pierre que tu es Pierre exposé sur cette pierre? Pourquoi Pierre? Donc, si tu dis comme ça, les catholiques ont raison, mon frère. C'est que toi, en tant qu'apostolique, tu n'as pas raison. C'est que c'est les catholiques qui ont raison qu'il est bâti sur pierre, qu'ils sont les premiers apôtres. Et tu sais très bien que c'est non, faux. C'est là, le but du Seigneur Jésus est. Non, le problème, c'est la compréhension. Non, c'est pas la compréhension. Puisque les catholiques disent que l'église de Rome est la première église parce qu'elle a dit que c'est l'église Saint-Pierre. Oh, c'est la compréhension. Pas... Ah. Si moi je ne crois pas à ça, ah, ça veut dire que je peux avoir un conseil différent avec... Voilà, mais alors maintenant, frère, regarde, n'est-ce pas? Merci, assieds-toi un peu, voir. Frère, ouvrons la Bible dans Actes des Apôtres. Ouvrons à la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Ouvrons. Je vais dire quelque chose. Pasteur, regarde, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pas seulement pour discuter. J'ai répondu à ta question ici clairement en montant dans la Bible que le sacerdoce a changé avec les dîmes. Donc, il n'y a aucune raison de prendre. Tout ce que tu avais à faire là maintenant, frère, c'est faire face à la parole et aller dans ta dénomination, se repentir avec ça et ne plus pratiquer cela parce que c'est contre aux Écritures. Parce que tu as pris, le frère s'est posé la question, on paie la dîme à qui? J'ai dit quelque chose, après avoir expliqué les dîmes, j'ai dit qu'il n'y a aucun verset qui dit qu'on paie les dîmes en argent. Tu n'as pas réagi par rapport à ça. Alors si donc les gens viennent te donner les dîmes, comme tu as dit dans la maison de Dieu, en supposant que tu vas encore expliquer la maison de Dieu, d'où est-ce que tu vas, quand il va toucher 100 000, il va venir te donner 10 000? Sous quelle base tu vas prendre ça en tant que pasteur? Quand tu dis que quelqu'un. Excusez-moi. Oui. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Oui. Quand mes chrétiens donnent leur dîme, je ne prends pas ça entre leurs mains. Ils donnent ça dans la maison de Dieu. Non, on va arriver sur la maison de Dieu. Ils vont donner ça à la maison de Dieu. Jusque-là, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de problème, mon cher pasteur. Mais toi, je veux quand même le faire. Non, frère, que je peux faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être que tu peux le faire. Non, je vais juste dire que, n'est-ce pas, en tant que pasteur, que tu mettes même le panier là, on avance, n'est-ce pas? Oui. Chapitre 11. Je vais seulement lui montrer quelque chose par rapport à Pierre pour qu'il sache qui est Pierre, d'accord? Lisons à partir du verset 11, verset 1. On va s'arrêter là-bas. Tu veux lire? Verset 1, allons-y. Chapitre 11, nous sommes dans chapitre 11. Lis à haute voix. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée. Dans la Judée, apprirent oui. Que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Oui. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, oui. Les fidèles circoncis mm-hmm. lui adressèrent des reproches. Stoppons là-bas. Pierre est allé au chapitre 10 chez Corneille. Il a prêché ce Corneille, les juifs, les non-chrétiens ont cru à partir de son ministère. On dit que Pierre, quand il allait à Jérusalem, on dit clairement que les fidèles circoncis, les fidèles, les frères, les simples frères, ont fait quoi? À qui? À Pierre. C'est terrible. C'est terrible. On dit les fidèles circoncis, pas des circoncis, c'est-à-dire les juifs. C'est-à-dire que les fidèles, les chrétiens qui étaient parmi les juifs, se sont tournés vers Pierre. Et ils ont fait des rêves. Et le frère, le pasteur qui est devant moi, a dit que Pierre est le plus élevé. C'est ça, non? avançons et on va voir la réaction de Pierre. Est-ce que vous posez la question pourquoi les frères l'ont fait de reproche? Non, non, c'est moi qui ai pris, c'est ça qui va suivre. Mais on a dit, on va voir la reproche là-bas. Comment tu dis, frère? C'est la Bible. Vous, quand tu analyses quelque chose, j'aimerais que vous cherchiez aussi à comprendre la circonstance. Ne t'inquiète pas, c'est là, c'est la circonstance écrite. Ne t'inquiète pas, ne va pas vite. Vous analysez cette frère. Chose parce qu'on a fait des reproches. Oui, on n'a pas manqué de faire des reproches. Par exemple, d'abord, il est entré chez les incirconcis. Nous, maintenant, on arrive. Je connais comment vous avez touché. Voilà, ça va servir. Les incirconcis. Ça va nous dire que tu as compris donc pourquoi il fait des reproches. Si vous touchez déjà le côté des cornailles, donc vous devrez poser la question sur l'arrière-plan. Non, c'est pas l'arrière-plan, frère. Non, non, c'est l'arrière-plan. Ok, qu'est-ce que l'arrière-plan dit quoi? Touchez déjà le nom de Corneille. Oui. Parce que Corneille, ici, le passage est déjà donc. Pierre a déjà appliqué même la chose. Oui. Pierre, il sort ici, les autres ont appris ce qui s'était même déjà passé. Oui. Que Pierre était chez Corneille, le païen. Et quand ils ont appris que naturellement, d'abord, et que ces gens étaient des païens, quand ils ont appris ça, ils se sont juste fâchés, sans tenir compte de l'explication spirituelle qui était cachée dans la vie de l'apôtre Paul. Frère, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient fâchés. C'est pourquoi ils peuvent donc reprocher quelqu'un tort à travers. Non, c'est pas toi à travers, frère, ils avaient raison de le faire. C'est pourquoi après même les explications de Pierre, pourquoi ils n'ont pas continué les reproches. Ne t'inquiète pas, frère, on arrive là-bas, c'est justement pour ça que j'étais amené ici. Il faut que tout le monde doit être décortiqué. Non, c'est ça, frère, c'est ce qu'on a mis de faire. C'est ça qu'on a mis de faire. Donc, on dit qu'ils ont fait les reproches, continuons le verset. Écoutez. En 10 ans. Donc, on a dit en 10 ans, donc voici la reproche qu'ils ont. En disant, ils ont fait les réponses en disant, oui, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Voilà donc la réponse qu'on a fait. On est d'accord? La question donc, que je pose cette question à ses frères, c'est parce qu'il a dit que Pierre était le plus élevé. S'il était le plus élevé et qu'il était considéré comme les gens ont la titre aujourd'hui, que si je suis pasteur, on peut me parler n'importe comment, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans mon église, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu as dit. Frère, pourquoi tu fais des choses comme ça? Non, je n'ai pas dit que tu as dit comme ça. Je suis aujourd'hui parce que non, frère, c'est la grâce de Dieu. Frère, je n'ai pas dit que tu as dit ça. Je ne suis pas dit. Je n'ai pas. Non. Frère, est-ce que j'ai dit que ce frère a dit ça? J'ai dit que si aujourd'hui on considère que les pasteurs, comme les pasteurs considèrent que. On considère comme les pasteurs, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu ne peux pas me dire le contraire. Les pasteurs, il y a même le pasteur qui dit que mon frère, il dit que ne m'appelle pas frère, je suis révérend pasteur. Pas vrai? Je veux qu'on corrige, on peut dire ce qu'on peut corriger des choses. Or, je suis en train de dire ceci, les pasteurs considèrent aujourd'hui comme les fidèles, c'est la mentalité qu'on a inculquée chez les pasteurs, c'est les fidèles, que le pasteur est spécial et les autres sont différents d'eux. Il faut qu'on comprenne que c'est la grâce de Dieu dans chaque personne. Et personne dans ce ministère-là n'est élevé par rapport à l'autre. C'est ce qu'il faut qu'on corrige. Et c'est l'une des choses que le frère a lu dans le livre d'Apocalypse aujourd'hui. On va parler de cela. Que c'est que j'ai contre les reproches. On va voir effectivement ces reproches-là. Donc, Pierre est entré chez les païens et il a mangé. Ce qui veut qu'on note, c'est que ce n'est pas Jean ni les autres apôtres qui étaient de son même colonne, même calibre, comme tu as dit, qui les ont reprochés. On dit que ce sont les fidèles circoncis. Donc, si les fidèles circoncis pouvaient donner le reproche à Pierre, ça suppose que Dieu a de nous montrer que personne n'est accepté de des reproches. On est d'accord? Maintenant, c'est la réaction de Pierre qui va nous faire comprendre si oui ou non Pierre s'est considéré comme élevé ou bien au même rythme des personnes. C'est la réaction de Pierre qui doit nous donner. Ok, avançons maintenant, mon cher. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Voilà. Vous avez vu? Est-ce que la réaction de Pierre a été, vous êtes qui pour me dire cela? Jusqu'à bâtir son église sur moi. Vous êtes qui pour me donner les reproches? La Bible déclare que Pierre s'est mis à leur expliquer. Donc ça veut dire que Pierre comprenait que ceux-ci spirituellement ont raison de lui poser des reproches. C'est ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne là que Pierre comprenait que les chrétiens spirituellement ont le droit de demander à leur pasteur que pourquoi tu as fait telle chose. Tu dois nous expliquer. Et ils attendent de leur pasteur une réaction d'humilité. Si Pierre était donc, comme tu as dit là, élevé parmi les gens, il n'a pas de compte à leur rendre, il a de compte à rendre à Jésus. Or maintenant, l'apôtre Paul, on va voir le même événement avec l'apôtre Paul. Et quelqu'un a cité ça aujourd'hui. Les chrétiens libérés vérifiaient chaque jour, Actes chapitre 17, verset 11, pour voir si ce qu'on leur enseignait était en relation avec les Écritures. Donc ça veut dire que même l'apôtre Paul lui-même de son côté enseignait, on n'enseigne pas n'importe comment. On vérifie pour dire que si tu as dit vrai, je vais voir. Pas vrai? Donc ça veut dire que personne n'est au-dessus de quelqu'un. L'Écriture est au-dessus de nous tous. Alléluia. L'Écriture est au-dessus de nous tous. Tous pasteurs enseignent n'importe qui doit se soumettre aux Écritures. Et les apôtres n'en sont pas acceptés. Donc, d'après les Écritures juives, un juif ne peut pas entrer chez les païens. Alors, quelqu'un prend cette écriture et dit, Pierre, toi tu entres chez les païens, explique-nous pourquoi. Pierre va dans le même se mettre de façon détaillée à leur expliquer. Ça nous montre clairement que tous les chrétiens sont exactement de la même statut parce qu'ils sont sacrificateurs. D'accord, mon cher? À cet endroit, continuez de se lancer. En effet, si vous lisez 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 commence ceci. Voici l'exhortation, pas un commandement. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens. Il n'a pas dit qui sont au-dessus de vous. Il a dit qui sont parmi vous. Vous avez vu le mot le soir? Quand on dit parmi, ça c'est pour qu'ils sont tous ensemble. Il n'a pas dit aux anciens qui sont au-dessus de vous. Après, il dit dans 1 Pierre, c'est quand il parle, vous pouvez vérifier si c'est ça. Il dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi, pas au-dessus, vous voyez là, n'est-ce pas, hein? Qui sont parmi vous. Il dit, après, il dit, virgule, moi, ancien comme eux. Vous avez vu à quel niveau l'apôtre Paul se trouve, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul se considère aussi comme un ancien parmi les gens, pas au-dessus. L'apôtre Pierre, pardon. Donc, l'apôtre Pierre se considère comme un ancien parmi le peuple aussi. Mais c'est selon la grâce. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul va dire autrement. Il dit, selon la grâce, dans Romains chapitre 12, verset 6, verset 3, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, selon ma propre grâce, je dis à chacun de nous de ne pas avoir en lui-même une autre opinion de lui. C'est ce que la Bible écrit, n'est-ce pas? Donc ça dit que une grâce ou un don spirituel que Dieu te donne ne te fait pas que tu sois élevé devant les gens. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est ce que dans l'Apocalypse chapitre 2, Jésus reproche. Dans l'Apocalypse chapitre 2, il dit que c'est que je sais qu'il y a parmi eux ceux qui enseignent la doctrine des Nicolaïtes, que c'est une œuvre que je hais. Écoutez bien ça. C'est l'une des choses que Dieu reproche à l'église. La doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes vient de deux mots grecs, Nikos et Laï. Nikos et laïc, conquérir, dominer sur les laïcs, dominer sur le peuple. Donc dans l'église de Dieu était divisée en deux classes. Les conquérants, c'est-à-dire un groupe d'anciens. On dit aujourd'hui corps pastoral. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un corps pastoral dans le corps. Il y a un seul corps, plusieurs membres. Le corps de Christ n'est pas divisé en plusieurs corps, comme le corps d'armée, il y a la gendarmerie, il n'y a pas ça chez le corps de Christ. Le corps de Christ est unique. Et chaque membre dans le corps a une fonction. Aucune fonction ne dépasse une autre. Les fonctions sont complémentaires. Aucune fonction n'est plus importante qu'aucune autre. Comme dans la société, vous dites que non, ici c'est un pauvre chantier, agriculteur. Si les agriculteurs cessent de fonctionner, le fonctionnaire qui mange au bureau va manger son argent. Donc chacun a sa place et personne n'est élevé comme plus que l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ceci. Je dis qu'au milieu des chrétiens aujourd'hui, il y a ces mots-ci. Clergé, laïque. Laïque, c'est-à-dire que bas peuple. Clergé, ça veut dire héritier. Donc, il y a les héritiers, il y a les bas-peuples. Si vous permettez, je peux entrer dans le temps, vous montrer quand ça a commencé, qui a prononcé la première fois le mot clergé, qui a prononcé la deuxième fois le mot laïc, et vous montrer comment ça a entré dans l'église. C'est là où le frère se voulait aller. Mais je peux entrer, c'est moi vous montrer que Dieu a dit depuis le premier âge qu'il fait ces choses-là. Parce que Christ a dit dans Matthieu 23, 7 et 8, que n'appelez personne père, vous êtes tous les frères. Mais aujourd'hui, c'est le titre, révérend. Le simple fait d'appeler un être humain révérend veut dire que tu es en train de l'adorer. Il n'y a pas ce type-là dans la Bible. Ça ne se trouve nulle part. D'où vient-il que vous entendez révérend pasteur? Est-ce que vous voyez le problème là maintenant? Il n'y a pas un révérend. Un être humain ne peut pas être un révérend parce que révérer, ça veut dire qu'on dit que tu es en train d'adorer. Le titre révérence, s'il y a une révérence à faire, c'est uniquement à qui? Au Seigneur Jésus. Donc les pasteurs ont pris la place du Seigneur. Quand vous entendez quelqu'un dire que révérend pasteur, docteur révérence ici, il vient de dire clairement que le monsieur là c'est Jésus. Ça, ça rend de compte. Oh, c'est l'ignorance qui a introduit cela. Tu poses la question à un pasteur. D'où vient que tu t'es fait appeler révérend tel? Ça se crie où? Il ne peut pas te dire. Mais c'est l'héritage. On a entraîné ça au courant des siècles. Donc, frère, quand on est là, ce n'est pas qu'on fait le bagarre. On veut qu'on corrige quelque chose. Tout simplement, on avance. On se comprend. Il faut qu'on corrige ce qu'il faut corriger. C'est qu'on a acquis. On avance avec cela pour qu'on retourne vers notre Seigneur. Bon, en conclusion. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, j'arrive là quelque part. D'accord? Donc permettez-moi de parler de cette doctrine de Nicolaïte. D'accord? Je veux qu'on parle parce que c'est là où ça nous touche. Parce que c'est ça qui est sorti, c'est cet esprit qui est sorti de ses frères ici tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que Pierre est élevé. C'est ça qui veut dire que non, il n'y a personne qui est élevé. Dans cet exemple, c'est seulement la tête seule qui est élevée. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit que voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as chez toi les gens qui ont la doctrine de quoi? Nicolaïte. Donc dans l'église d'Éphèse, là du premier église, on commence à voir en gestation. Les gens qui commencent à s'élever au-dessus des autres personnes. L'esprit a commencé là-bas. Jésus a dit que je hais cette œuvre-là. Parce qu'il a dit que vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Donc, et le pasteur, et n'importe qui, nous sommes frères. Parce que nous sommes rachetés de la même façon. Nous avons tous ensemble, nous avons tous devant le Dieu. On dit que nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le moyen du sang de Jésus. Pas par le moyen du sang des pasteurs. Pas par le moyen des intercessions des apôtres. Pas par le moyen des intercessions des anciens. Nous avons accès. Il y a une seule personne devant nous, entre Dieu et nous. C'est qui? Nous tous ensemble, nous sommes ici derrière. Ensemble, et le pasteur, et le docteur, et le prophète, et l'évangéliste, et n'importe qui. Nous sommes derrière Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, il y a un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste, ce sont les sacrificateurs. Amen. Qui est seul et élevé. C'est Jésus-Christ. Donc faisons attention. Dans la doctrine de Nicolaïde, c'est cette doctrine-là que, et maintenant je vais vous expliquer. À l'instant où vous entrez dans une assemblée, vous voyez qu'il y a des chaises spéciales pour des personnes spéciales, il y a déjà l'esprit là-bas. Écoutez maintenant bien, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Quand il m'a envoyé, il m'a dit, va et restaure les doctrines de l'église. Enfin, tu n'as pas le temps de me connaître. À coup sûr, tu vas me connaître à partir de maintenant. Donc, je ne suis pas là pour venir bagailler, discuter des écritures. Je suis venu pour dire ce que Dieu a déclaré étant dans l'écriture, qu'on doit revenir là-dessus. Et aucun être humain sur la terre n'a l'autorité pour contre si. Est-ce que vous comprenez? Dieu a suscité comme il a suscité, il a voulu comme il a voulu. Je ne suis pas là pour parler des pères qui sont passés ainsi de suite. Je pourrais même parler là parce que Dieu m'en a parlé. Je suis en train de dire à mon frère qui est assis ici, tu es un prototype de pasteur. Dieu nous appelle à la repentance et au retour de la norme biblique. Donc, quelque chose, parce que je n'ai pas la solution, quelque chose qu'on était en train de pratiquer, qui n'a pas de la Bible, l'heure est arrivée, il faut qu'on arrête. Ça doit s'arrêter. Et retourner comme la Bible l'a dit. Si la Bible a dit, on fait. Si ça n'a pas dit, on le fait. Point final. Alors maintenant, quand je prêche ceci, je ne dis pas que vous êtes obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est l'ordre de Dieu. Si quelqu'un est de Dieu, il va avancer. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, il n'avancera pas de toutes les façons. Mais j'ai peur que quand le train ne part, quelqu'un vient en retard. Donc il y a des choses qu'on a ajoutées dans la Bible qui ne se trouvent pas. Si vous, il dit, si vous entrez dans des assemblées, on va vous prendre les maisons de Dieu tout à l'heure. Si vous entrez dans les assemblées, vous allez remarquer ceci, c'est caractéristique. Il y a des chaises pour les fidèles d'un côté. C'est déjà divisé d'un côté. Et de l'autre chose, il y a des côtés des pasteurs. Si tu vas, un simple fidèle va s'asseoir là-bas, on dit qu'il nous lève, c'est la place des pasteurs. Vous voulez qu'on lise la Bible? Vous voulez qu'on lise la Bible? Prenez Jacques chapitre 2, on va lire quelque chose. Vous allez voir. Jacques. Merci frère d'être venu. Merci d'être venu. D'accord. En fait, ce que j'en ai fait debout là, c'est l'heure de ceci. Je n'ai pas encore commencé. D'accord. J'ai pas encore commencé. Je vais entrer aussi dans mon ministère tout à l'heure. Mais avant cela, on va prendre une pause d'abord. Jacques chapitre 2, le temps que les gens se trouvent. Attends d'abord, le temps que tout le monde trouve Jacques. Parce qu'il faut qu'on vérifie toutes ces choses. Donc souvenez-vous de ceci. Je ne suis pas quitté, Dieu ne m'a pas envoyé qu'on vienne ici pour débattre. Je suis venu ici pour annoncer ce que Dieu en a dit qu'on doit faire. C'est ça. D'accord. Donc Jacques chapitre 2, je veux que nous commençons à lire à partir du verset 1. Tu peux nous lire ça? Oui. Jacques, écoutez, vérifiez dans votre écriture ce que je viens de dire et on va voir maintenant. Jacques chapitre 2. Oui, à partir du verset 1. À partir du verset 1, il est écrit. Oui. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute acception des personnes. C'est d'abord une recommandation. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Quand on parle d'acception des personnes, ça veut dire que si ce frère-ci est ici, je le considère plus que cet autre frère. Si je considère... Je vais prendre un exemple simple dans cette maison, c'est pour qu'on puisse comprendre, pratique. Si celui-ci est chrétien, et que celui-ci peut-être est colonel de l'armée, celui-ci est un pousseur, sa fonction séculière, c'est pousseur. Celui-ci, sa fonction, c'est colonel. Mais ils sont tous chrétiens, les deux. Et que celui-ci vient chez moi, j'ai un verre, un style de verre pour les grandes personnes. Je le sais. Je sais. Quand celui-ci vient, il demande au gobelet là-bas derrière. Je sais à ce frère-ci, parce qu'il est, j'ai dit quelle est sa fonction, pousseur. Et je sais dans un gobelet, il dit, prends. Je viens de faire une différence là, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Celui-ci est colonel, je lui servais un verre d'honneur. Celui-ci est pousseur, je laisse avec le gobelet. Dieu est en train de dire là que notre foi dans notre Seigneur Jésus soit exemple d'acception des personnes. Après, il va donner un exemple pratique qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Avançons. Verset 2. Oui. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Oui. Et un habit magnifique. Vous entendez ça, hein? Vous entendez? Oui. Donc il y a un exemple que j'ai pris maintenant. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc on voit dans deux catégories de personnes justement, qui entrent dans l'assemblée, oui. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, oui, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc il y a une place d'honneur déjà dans l'assemblée, oui. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Vous entendez? Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. Après, la Bible dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Voilà, la question est posée. Donc, il a donné un exemple clair qui se passe au milieu de l'assemblée. Et geste, justement, c'est que le Saint-Esprit a reproché ici, c'est exactement ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui, oui ou non. Donc, à l'instant où on a mis les places d'honneur dans l'assemblée, c'est déjà un problème, dit la Bible. À l'instant où il y a la distinction de place dans l'assemblée, il y a déjà un problème. C'est chez les mondains qu'il y a ça. Quand vous voyez le chef de l'État s'asseoir, vous allez voir que la chaise du chef de l'État, même quand on l'a arrangé, tu peux venir sans crier personne encore. Tu vas savoir là où le sous-préfet va s'asseoir, pas vrai? Est-ce que vous comprenez? Or, Jésus a dit dans Matthieu 20 que vous savez que les nations les tyrannisent et que les chefs des peuples dominent sur eux. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Que celui qui veut être grand soit le servi. Donc la voix de Dieu, c'est celui qui est plus élevé, c'est celui qui sert plus qui se rabaisse. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas mon cher? Celui qui sert plus, qui est le grand serviteur. Donc le grand serviteur de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui vient au lui-même le tapis, il marche comme ça là. On arrête sa Bible. Ce n'est pas ça chez Dieu. Celui qui est le plus élevé devant Dieu, pas devant les hommes. C'est celui-là qui sert, qui se rabaisse. Jésus-Christ a monté ça dans Jean 13 en lavant les pieds des disciples. Jusqu'à ce que Pierre a dit que non, tu es plus grand. Je n'ai pas fait cela. Il dit, fais comme ça pour vous montrer un exemple. Moi qui suis le Seigneur, je me rabaisse pour le faire. Vous devez faire comme ça parmi vous. Dieu montre ici clairement que si on met une chaise qui est différente d'autres chaises et que certaines personnes sont empêchées de s'asseoir sur un site de chaise et que l'autre sont admis sur cela, on dit d'abord qu'on juge sous l'influence des pensées mauvaises. Et Dieu a mis d'interdit cela. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cet esprit-là que le frère André parlait, que Pierre était élevé, que les pasteurs sont élevés au-dessus des gens. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas ça au milieu des chrétiens. C'est la doctrine de Nicolas. On doit faire chasser ça de l'église. On doit admettre que nous sommes tous frères. Je vais encore compliquer encore la vie là maintenant. C'est pour ça que ça a poussé les pasteurs à avoir l'école pastorale. L'école, c'est-à-dire que quand un pasteur porte quelque chose, il a un truc blanc là, qui le distingue. Il a son habit sacerdotal. C'est-à-dire que pour l'autre, c'est le blanc. L'autre, c'est la touche. Ils ont un touche quand ils portent. Quand tu le vois, tu sais directement que c'est un pasteur. Je pose la question simple. Est-ce que votre Bible que vous avez devant vous dit que les dirigeants doivent avoir un vêtement spécial? Où est-ce qu'ils ont évité ça? Quelqu'un dit Babylone. C'est là-bas l'héritage. Les chrétiens n'ont pas un habillement spécial. Et maintenant, regardez bien, tout à l'heure, on parlait des reproches. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez voir que les reproches qui sont faits aux pharisiens, c'est les pasteurs qui héritent ça aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'ils s'enfuient de longs vêtements, ils passent dans les lieux publics, ils aiment être salués. Pasteur, rabbi, pasteur, parce qu'en voyant leurs vêtements, on sait que ça c'est un pasteur, ils ont hérité cela. Ils ont hérité cela. Pas étonnant donc que les reproches que Jésus a dit sur les dîmes et les offrandes soient reprochés aussi au même pasteur aujourd'hui. Alors, si quelqu'un est pasteur, je lui pose la question, d'où vient ton col pastoral? C'est en l'an 1600 que c'est sorti en Écosse. C'est un protestant qui a décidé de mettre cela en place. 1600, donc 1500 ans après que la Bible soit été écrite. Mais le pasteur hérite ça aujourd'hui. Il part de séminaire, il sort, on donne le diplôme, il fait une formation, on met le col pastoral. Il ne se pose pas la question, est-ce que c'est écrit dans la Bible? D'où vient-il avec la robe noire pour qu'on soit spécial? Or, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'il y ait de distinction entre nous. C'est pour ça que quand le pasteur porte l'habit là, il est exactement comme un type de là. Mais quand il porte l'habit, tu vas le respecter en tant que chef. Chez les chrétiens, il n'y a pas ça. Il n'y en aura pas chez les chrétiens de la Bible. Jésus est en train de dire que si quelqu'un a la cour pastorale, il faut qu'il brûle. C'est là les touches pastorales, les touches de fin de formation, il faut qu'il brûle. Et retourne à la simplicité, à l'humilité selon l'évangile. D'accord, frère, c'est exactement c'est le sommet de tout ce qu'on vous l'a dit. Il faut qu'on retourne à l'église. C'est ça, retourner à l'église primitive. Tout ce qu'on a, les bagages qu'on a eu au courant des siècles qui sont ajoutés à la marche chrétienne alors que le canon biblique était déjà écrit. On doit se libérer de cela et retourner à la simplicité de Christ. C'est tout. Je vais répondre à la question, frère. Je ne suis pas convaincu. Non. Il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, je ne suis pas convaincu. Non, frère, je n'ai pas demandé si tu es convaincu. Ok, j'ai posé la question, est-ce que j'ai répondu à ta question que tu as posée? Je n'ai pas répondu. Je vais encore enfoncer dans le clou. Cher pasteur, si tu lis ta Bible bien, à partir des Actes des Apôtres, dans Matthieu même, Jésus-Christ a prophétisé que le temple de Jérusalem serait détruit. Le temple a effectivement été détruit en l'an 70 par Titus. Et depuis là, le temple ne s'est plus jamais érigé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceci. Lorsque le temple est détruit, il y a un nouveau temple vivant et spirituel qui a été mis en place. Dans aucun verset de ta Bible, il ne fait mention dans le Nouveau Testament que là où on peut prier, c'est la maison de Dieu. Ça ne se trouve pas. Parce que la Bible déclare que dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, j'ai dit donc, je vous résolve d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans 1 Pierre, il dit que quoi? Formez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez? Dans le chapitre 6, verset 19, la Bible déclare glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc aucun verset biblique du Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance n'appelle le bâtiment la maison de Dieu. Ça ne se touche pas. Nullement. Le temple de Dieu sur le corps, sur la terre maintenant, ce sont les chrétiens. Voilà la maison de Dieu. Ouvre, non, c'est simple. Laisse-le lire. Parce qu'il faut qu'on le laisse lire. Ce n'est pas le temple. Je ne parle ni de temple ni de la maison de Dieu. Tu parles de quoi, frère? Je parle concernant, malgré que ça va dans ce même sens, et nous avons déjà vu dans le temple que les pierres et Jean montaient. Je n'étais même pas encore parlé là-dessus par rapport pour dire ce qu'il en était. Et dans l'autre ici, dans Acte 19, verset 1 à 5, que Paul arriva à Antioche et trouva un groupe de 12 disciples du Seigneur assemblés dans un. C'est écrit. Non, ce n'est pas écrit même justement. Je vais te dire que fais attention, n'est pas blasphémé. Ce n'est pas écrit nulle part qu'ils étaient assemblés quelque part. Alors, je vais te dire, je vais te demander ici, du fait que ces gens étaient ici, dans ce verset 1, on dit donc qu'ils parcourent le haut de prison. Tu ne verras nulle part le bâtiment, il n'y a pas de trace du bâtiment pour commencer. Ayant donc rencontré quelques disciples qui il est dit. Oui. Alors, ces disciples-là, je ne parle pas de l'assemblée ni du temple, n'est-ce pas? Oui. Là où nous sommes là. Oui. Nous sommes assemblés, non? Absolument, nous sommes l'assemblée. Nous sommes assemblés. Mm-hmm. Je parle juste d'assemblée. D'assemblement, oui. Ce n'est pas l'assemblée. Oui. Nous sommes assemblés. Oui, frère. Dans un lieu, n'est-ce pas? Oui. Hein? Dans la maison, dans la maison. Il trouva que ces gens étaient assemblés. On a dit ça, frère. Est-ce qu'on a dit ça? N'ajoutons rien à la Bible, peut-être la Bible dit. Un groupe de 12 personnes, on donne leur nom. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? S'il vous plaît. Vous voyez, le frère. C'est quoi le problème et qui se passe là-bas? En fait, c'est toi qui allais à l'acte 19. En fait, je croyais peut-être que je devais prendre Acte chapitre 17, 18 parce que je devais entrer en profondeur pour expliquer quelque chose. Parce que aujourd'hui, après Acte chapitre 3, je ne suis pas encore venu là-bas, je vais en venir là-bas pour t'expliquer quelque chose. Donc, la Bible nous donne seulement le renseignement que Paul a trouvé 12 disciples. On n'en a pas dit où on l'a assemblé. Parce que le problème se trouve au niveau du temple de Dieu et maison de Dieu. C'est ici que le problème se trouve. C'est d'abord le problème. D'abord, je vais expliquer la chose chronologiquement en allant doucement. Et puis après, on va expliquer ça parce qu'il sait que vous avez tenu longtemps. On va prendre une pause pour que je puisse maintenant après enseigner ce que je vais enseigner encore tout à l'heure. D'accord? Voilà. Merci vraiment de votre patience. Merci de votre patience. Merci encore pour l'amour que vous avez pour la parole. Parce que je sais que si vous êtes venu le matin et que vous êtes là assis, persévérant comme ça, vous êtes les fils et les filles des paroles. Sinon, quelqu'un se réveillera et partira parce qu'il va dire, ah, c'est pourquoi. Les gens sont en train de boire dehors, nous sommes en train d'aller dans le champ, mais nous, Dieu nous a invités, c'est pour qu'on en parle. Et merci encore, frère, pour ta persévérance aussi, pour le fait que tu sois là. Ça montre que toi-même, tu aimes la parole. Parce que tu n'aimais pas la parole, tu te serais d'ailleurs levé parti depuis malgré qu'on t'a coulé, fait couler la sueur. Tu devais partir. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais dis quelqu'un qui coule la sueur. Non, même moi, regarde, même moi, je ne vais pas vous dire que nous coulons la sueur, c'est pas vrai. Même moi, je coule la sueur, n'est-ce pas? Je vais seulement dire ceci. S'il n'était pas de la parole, s'il n'aimait pas la parole, parce que malgré que mon frère en train de parler, il est enseigné. Moi aussi, je suis enseigné. Parce qu'à partir de là, je peux savoir là où il a fait l'erreur, il peut savoir si j'ai fait l'erreur, parce que nous avons une parole ensemble. Il peut croire qu'il était dans l'erreur, mais au fur et à mesure qu'il présente la parole, on lui présente une autre parole. Au fur et à mesure, nous tous sommes en train d'être éclairés. Le but maintenant, permettez-moi de corriger une chose. Si vous êtes ici et vous êtes membre de son assemblée, il est votre pasteur, le but ce n'est pas de dire que votre pasteur est faux, ce n'est pas ça. C'est pour dire que quelqu'un, un être humain peut conduire quelqu'un dans l'erreur. Tout ce qu'on a en train de faire, c'est se repentir et se réhabiliter avec le Seigneur. C'est tout. Je ne dis pas que plus tard qu'on est là, vous commencez à dire que le pasteur c'est faux, c'est pas ça. C'est que nous tous, en tant qu'être humain, pouvons faire les erreurs. Mais Christ, chaque fois qu'il y aura erreur, chaque fois si vous lisez votre Bible, quand les gens ont quitté, on fait l'erreur. Dieu suscite des gens pour les faire retourner à la voie initiale. C'est comme ça. On est d'accord? Donc je ne veux pas que vous commencez à incriminer mon frère, le pasteur. Ne l'incriminez pas. Je suis sûr et certain. Il est de Dieu. Dieu va le corriger. Même s'il le veut ou pas, alors qu'il est assis là. Dieu va le corriger. Absolument. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un corrige, il nous corrige parce que nous sommes ses fils. Donc si nous sommes ses fils, il va nous châtier, c'est sûr et certain. D'accord? C'est ce qu'il veut le corriger. Maintenant, j'avance doucement. Mon frère a pris tout à l'heure Acte chapitre 1. Parce que souvenez-vous, le frère s'est posé la question, où est-ce qu'il doit aller payer? Montre-moi le verset. Il a pris Acte chapitre 3, le verset 1, on a dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'est là où on trouvait le paralytique là-bas. C'est là où le problème a commencé. Je le suivais venir. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est de connaître point par point, les choses de l'ombre et les choses de la réalité. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Parce que la mission qu'il m'avait confiée, c'est d'aller corriger les enseignements, les doctrines. Si vous comprenez? Quand le frère parlait ici à l'aube de son propos, il a dit que même Salomon a construit le temple. Après, subitement, en tant que quelqu'un de spirituel, il a dit que, subitement, un verset lui venait à l'esprit. Il a dit que, même si par la suite, la Bible dit que Dieu n'a vu pas le temple de même, fait de même, donc il venait se réaliser là-bas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Salomon lui-même, après avoir construit le temple, offert 120 000 brebis. Il, lui-même, dans le même temple, il a dit que quoi donc? Dieu habitait dans le temple fait de même. Salomon venait de comprendre que ce qu'il a dit de faire était une image de quelque chose qui va venir plus tard. Il venait de comprendre. Pourtant, il a fait plusieurs années pour faire les choses magnifiquement. Qu'est-ce que je vais dire? Quand Dieu, écoutez-moi, s'il vous plaît, frère, doucement, je vais vraiment aller doucement et dans l'ombre et dans la réalité. Pour que ces promesses soient levées, parce que je réponds à cette même question, c'est partout. Sous l'ancienne alliance, Dieu a un fonctionnement, comme on a vu, comment il a fait, les régulations. Si vous lisez maintenant le livre d'Hébreux, la Bible déclare que lesquels célèbrent un culte image des choses célestes. D'après ce que Moïse fut divinement averti, un soin de fait d'après le modèle qui t'a été montré. Donc, Moïse n'a pas seulement donné les choses au hasard. Dieu lui a montré une vision. Il a dit que va reproduire la même chose. Moïse est devenu faire. C'est pour ça que s'il y avait la couleur d'Éden le fort, ça devait être la couleur telle que c'est dit. S'il y avait les inscriptions, sainteté à l'éternel, c'est exactement la position. Quand Moïse donnait cette instruction-là, cette direction, il donnait d'après ce qu'il avait vu. On est d'accord? Alors Moïse est venu faire reproduire sur la terre les choses que Dieu lui a montrées. Qu'est-ce que Dieu montrait à Moïse? Dieu voulait montrer quelque chose comme ça, image des choses à venir. L'apôtre Paul dit donc que ces choses-là sont l'ombre, la réalité est en Christ. On est d'accord? Donc chaque chose dans l'ancienne alliance avait une image dans le nouveau. On est d'accord? C'est ainsi dans le temple. Vous allez lire votre Bible maintenant de fait, d'une façon différente. Allons dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Merci François pour la... Frère, tu as jeté ta Bible? Tu abandonnes ça derrière depuis qu'on fatigue avec la Bible aussi. Regarde, c'est ici là, la vie se trouve dedans, d'accord? Ne fais pas comme ça, ça passe comme ça, tu rates ça. D'accord mon cher? Donc lisons. J'aime, il y a une chose, je n'aime pas parler avec quelqu'un, il dit que non. Dis-moi ce que la Bible dit, j'aime quand je parle avec quelqu'un, il dit montre-moi. J'aime quand on parle dans la Bible pour que, si je dis quelque chose, tu dis pas qu'on m'avait dit que, il faut que désormais tu dis que j'avais vu dans la Bible. Quand tu as vu dans la Bible, ça ne peut plus changer. D'accord? Jean chapitre 2. Lisons le verset 18, 19, puis le verset 20. Jean chapitre 2. 19, 18, le verset 20. Oui. 18. Oui. Je lis le titre. Le temple relevé en 3 jours. Voilà. Donc le titre là-bas, c'est le temple relevé en, le problème du temple relevé en 3 jours. Allons-y. Hein. Mm-hmm. 18. Mm-hmm. Le juif prenant la parole lui dit, quel miracle nous montrais-tu pour agir de la sorte? Oui. 19. Jésus lui répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Stoppons là-bas avant de lire le verset suivant. Remarquez très bien, les juifs ont attaqué Jésus-Christ. Dis que tu bababababababab. Quel miracle fait-tu pour que nous croyons en Jésus a parlé une parabole. Nous sommes d'accord, c'est une parabole. Il dit détruisez ce temple. Maintenant, quand vous êtes assis là-bas sans lire le verset suivant, vous savez très bien de quoi Jésus vient de parler, non? Il en a parlé de quoi? De lui-même. Salut, mon frère. Donc, vous voyez que sans lire la suite, vous, nous aujourd'hui, avec la sagesse que Dieu nous a donnée, oh, maintenant, Jésus-Christ est là, les juifs sont ici, il en a parlé bouche à oreille. Est-ce qu'eux, ils ont compris ce que Jésus-Christ a dit? Ils n'ont pas compris. Mais toi et moi, nous avons lu 2 versets, nous avons compris ce que Jésus-Christ dit. Il dit, les juifs l'attaquent en disant que tu fais quel miracle? Oh, pourtant, ces juifs-là, Jésus-Christ a fait plus de miracles devant eux. Il dit encore que tu fais quel miracle? Il dit que, okay, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Le miracle qu'il veut vous montrer maintenant. Détruisez ce temple-ci. Oh, remarque bien, il parle aujourd'hui, il y a le temple. Il n'a pas pointé le doigt sur le temple. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Maintenant, je vous pose une question. Vous pensez que les juifs ont compris quoi? Ils ont compris que Jésus disait quoi? Ils ont parlé de temple de Jésus. Voilà. Mais est-ce que c'est ça que Jésus parlait? Mais le problème, c'est qu'il a utilisé le mot temple. Donc, il faut qu'on fasse attention dans la Bible. Donc, Jésus parle aux juifs, détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en 3 jours. Ils ont dit quoi? Le verset suivant maintenant dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vas le rebâtir? C'est là alors la guerre commence. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Ils sont en train de parler le même langage. C'est pour ça que quand un homme spirituel parle, c'est différent. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, là où je vais arriver, c'est ceci. Les juifs pensent qu'ils parlent du temple qui est là-bas, jusqu'à en train de parler d'un autre temple. Or, nous savons très bien qu'il parlait de son corps, pas vrai? C'est là que je vais arriver. Ok, maintenant, Jésus qui se tient ici, voilà le temple de l'autre côté. Les juifs sont entre lui et le temple. Il dit détruire ce temple. Les juifs se tournent contre quoi que c'est le temple-ci, alors que Jésus allait parler plutôt de ce temple-ci. Le Saint-Esprit nous montre par là que le temple de Jérusalem était une figure du corps de Christ. Vous entendez une figure. Quand il parle de figure, ça veut dire que c'est une image à venir. Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous pouvez donc voir, si vous entrez dans le temple, vous allez donc voir comment le Père a dit tout à l'heure, il y avait le lieu saint, le lieu très... Vous entrez en Jésus, vous allez voir que ça se trouve entièrement en Christ. Vous saisissez, n'est-ce pas? Une image de Christ. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, on va avancer sur un endroit. Alors, Jésus dit, détruisez ce temple. Je le bâtis en 3 jours. Il comprend que c'est le temple que Salomon avait bâti, dont il a lui parlé. Pourtant, il a parlé de son corps. D'accord? Or, maintenant, regardez Pierre. Là, en fait, quand Jésus a dit d'aller parler, ce n'est pas nouveau parce que Dieu avait déjà prophétisé que le corps, la personne qui va venir, son corps sera le temple. Il avait déjà prophétisé ça. Mais les juifs, comme ils étaient littéraires, comme c'était des trucs ordonnances charnelles, ils comprenaient toujours charnellement. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant, voici, c'est Salomon. Je n'ai pas le temps de lire, c'est pour vous donner les écritures. Si vous lisez un roi et un chronique, quand Salomon a fait le temple et il a inauguré, à l'inauguration, quand il a cité ce verset que tu as dit tout à l'heure, mais quoi donc? Dieu a bâti au temple, fait de main donc. Il dit, voici, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Après, il m'a dit que, Seigneur, si ton peuple pêche quelquefois et que tu l'amènes en captivité, s'il revient en eux-mêmes et demande pardon et tourne leur regard vers cette direction, dans cette maison, c'est où ton nom est invoqué. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas le temple où Dieu habitait, c'est tout simplement que ce temple-là, son nom était invoqué. Vous saisissez l'espace, je veux que vous saisissez l'espace vraiment doucement. Donc, Dieu n'habitait pas physiquement dans le temple de Jérusalem, c'est uniquement à cause de son nom. Ok, maintenant. Pardon que l'enfant ne parle pas, parce que c'est vraiment important ici, parce que si ce problème est écouté, le problème des dénominations vont tomber directement, parce qu'on arrive là-bas. Alors, à Jérusalem, un temple est bâti. Si vous lisez partout, on a parlé des dîmes aujourd'hui, des dîmes. Quand les Juifs étaient dans le désert, c'est là où on a donné, quand les Juifs étaient dans le désert, ils allaient vraiment doucement. Dans le désert, c'est là où on a donné la loi, à côté du mont Sinaï, n'est-ce pas? C'est là-bas que les lois ont été données. Dieu va leur donner les instructions par rapport aux offrandes, aux sacrifices et autres. Ils n'étaient pas encore entrés à Canaan, là où on va venir plus tard pour bâtir le temple. Il va leur dire que lorsque vous serez entrés dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner pour résidence, souvenez-vous, ce n'est pas comme ça que vous agirez avec vos offrandes. Vous ferez amener votre offrande là où j'ai fait résider mon nom. Donc Dieu savait que son nom devait faire être résider quelque part. Son nom. D'accord? Là, son nom sera fait résider. C'est là, c'est dans le temple de Salomon. Dans le temple de Salomon. C'est ça qu'il veut. Là, donc, on va apporter les offrandes. Oui, j'arrive. Je connais ton problème. C'est moi qui suis en train de parler, frère. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Parce que ça va corriger toutes les choses. On va nettoyer les beurs spirituels là. On nettoie tout cela. Frère, j'ai eu des rencontres avec des pasteurs dans le monde entier. Et beaucoup ont été enseignés à cause de ceci. Parce qu'on prend ainsi, on prend là-bas, on prend là-bas, on mélange l'Ancien Nouveau Testament et ça embrouille les gens. Si vous remarquez, sur la loi de Moïse, les sacrificateurs étaient habillés d'une certaine façon. Les pasteurs vont là-bas, ils commencent à habiller aussi comme sur la loi de Moïse, mais ils ne respectent même pas les couleurs. Ils ne respectent pas les couleurs, il n'y a pas d'endroit où on garde les tout. Ils ne respectent pas. Donc Dieu prophétise là que lorsque vous allez entrer, il y a une régularisation par rapport au culte. Alors c'est pour ça qu'il y avait le temple, il y avait les différentes portes à l'Orient pour montrer les différentes façades de Dieu dans sa manifestation. Après, Dieu donc dit clairement, voici, il faut que vous compreniez bien les choses. Il dit que c'est là où j'ai fait résider mon nom. C'est tellement glorieux ces choses-ci. Mais je ne sais pas s'il veut parler, vous allez me saisir. Mais je sais que vous êtes assez grand. Dieu va vous faire comprendre ceci. Dans la nouvelle alliance, frère, ne parle pas parce que tu parles là, maintenant, on va voir. J'aimerais savoir, dans la nouvelle alliance, où est-ce que Dieu a fait résider son nom? Parce que selon le ceci, ce qui parle dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau Testament parce que ce sont les images. D'accord? Donc il avait dit que quand vous serez entré à Canaan, c'est là où il y a Jérusalem maintenant. Là. Donc à Jérusalem, on va bâtir un temple. Et le temple, ce ne sera pas le lieu de résidence. Ce sera à cause du fait que son nom est invoqué là-bas. D'accord? Donc c'est là où il a résidé son nom. Donc même si quelqu'un voulait faire n'importe quoi partout chez les Juifs, s'il fallait faire quelque chose là où Dieu avait résidé son nom, il devait venir où? À Jérusalem, à côté du temple. C'est là que Dieu a fait résider son nom. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, où est-ce que Dieu a fait résider son nom? Je vous parle maintenant, vous êtes les chrétiens et les chrétiennes. Dites-moi. Vous savez où ça se trouve? Oui? En Jésus. Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Yehoshua, Dieu est sauveur. Emmanuel, c'est lui. Si vous comprenez. Donc, Dieu a fait résider maintenant son nom. Donc, le nom, quand Jésus fait la prière, il dit que j'ai fait connaître ton nom au peuple que tu m'as donné. Ils étaient à toi, tu me l'as donné. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses-là. C'est par rapport à la divinité de la personne du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Donc, Dieu lui-même a fait résider son nom en Christ. Voilà pourquoi le nom de Jésus, donc, est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est ça. Dieu, prophétiquement, petit à petit, voulait mettre en lumière la parfaite lumière qui devait être révélée en Christ. C'est ça qu'il est donné par prophétie dans toutes ces choses. C'est pour ça que dans Jean chapitre 2, il a dit aux Juifs, détruisez ce temple-ci et je le rebâtirai. Et ils comprenaient toujours que c'est le temple dont Dieu avait parlé depuis. Ils ne savaient pas que la nouvelle chose était en train d'être mise en place. Et la conclusion, c'est qu'à la fin, ils vont détruire le temple que Dieu a donné pour faire résider son nom, c'est-à-dire Christ. Et en 3 jours, ça va encore se rebâtir pour maintenant être maintenant spirituel dans le monde entier. Les chrétiens ensemble forment le corps de Christ. Donc il fallait que le temple qui est Jésus soit détruit pour que le vrai temple pour lequel il est venu puisse sortir. On est d'accord jusque-là? Je ne sais pas si vous me comprenez ou bien vous êtes fatigué. Assemblée qui se réunit ici à Touboro, vous êtes avec moi? Donc je sens de l'avancée, n'est-ce pas? Maintenant, je sens vraiment la paix dans cette maison. Et ça, maintenant, la stabilité. Donc, l'esprit est là maintenant. On peut vraiment enseigner des choses dans la profondeur. Donc, dans Saint Jean chapitre 2, Jésus qui dit détruisez ce temple, les Juifs entendent qu'il parle du temple physique. Mais chaque fois que Jésus va parler, pourquoi il a envie de se ramener dans le corps spirituel? Parce que la grâce et l'esprit sont venus par lui. D'accord? Donc, la vérité qui était dans l'ombre est révélée au travers de Christ Jésus. On est d'accord? Voilà. Donc, Salomon a bâti le temple. Jésus qui est venu, le temple était physiquement là devant lui. Il est entré pour montrer s'il a chassé les gens dans le temple, là qu'il est écrit que ma maison serait appelée une maison de prière. Vous en avez fait des cavernes de voleurs. Si vous pouvez prêcher encore sur ça, pourquoi vous voyez ce que les pasteurs en font aujourd'hui, vous allez voir ça. Mais ce n'est pas l'objet. On va, c'est tellement si Dieu le permet, on va encore enseigner là-dessus. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Je veux que vous compreniez ceci. Jésus-Christ est là, la réalité est là, l'ombre est là. Les deux ne peuvent pas subsister ensemble. Il faut que la réalité prenne effet et que l'autre disparaisse. Quand Jean-Baptiste était là, il devait annoncer quelqu'un. Lorsque cela venait sur la scène, il faut que lui, il croise, il dit qu'il faut que Jésus-Christ lui croise et que lui il diminue. Les deux ne peuvent pas être là sur la scène de la même façon. C'est-à-dire que l'ombre et la réalité ne peuvent pas subsister. C'est pour cela aussi que l'ancienne et la nouvelle alliance ne peuvent pas subsister. Il faut que l'autre disparaisse. Vous comprenez ça? Voilà, c'est pour ça qu'on a expliqué ça ici. Maintenant, allons dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, c'est là où notre frère a pris cela. Donc il faut qu'on corrige des choses. Il faut que tout le frère soit d'abord là-bas, frère. Vous voulez juste savoir que c'est le pasteur. Le pasteur connaît là où Malachie 3 finit par se connaître parce qu'il a approché ça jusqu'à. Il connaît exactement là où ça se trouve. Donc, mais les chrétiens comme nous, les simples chrétiens, on ne sait pas très souvent où ça se trouve. Donc il faut qu'on attend que nous retrouvons. Mais avant de poser la question de continuer la lecture, je voulais vous poser une question. Oui, frère. Si de nos jours, oui. Oui. Le temple est Christ. Oui. N'est-ce pas? Oui. Non, le jour maintenant, le temple c'est les chrétiens. Non, le temple c'est les chrétiens. Oui. Mais préfiguré maintenant par Christ. Oui. Donc c'est Christ qui était le début du temple. Oui. Pensé, n'est-ce pas? Oui, frère. Donc nous sommes aujourd'hui le temple de Christ. De Christ, n'est-ce pas? Oui, dans la maison, parce la maison de Dieu. Oui, parce qu'il habite maintenant dans nous. Cœur. Oui, frère. À nous. Oui. Oui. Merci beaucoup. Mm-hmm. Parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Mm-hmm. C'est lui qui détruise le corps. Le corps détruit, et comme ça, Dieu va le détruire. Et Dieu va le détruire. Oui. Merci beaucoup. Mm-hmm. De nos jours, oui. Comme les chrétiens forment un corps dans nos bras, oui. Continuons-nous à rester dans notre corps mortel, parce qu'on est déjà chrétien, ou le fait qu'on construit une église ailleurs et qu'on se rassemble là-bas pour adorer Dieu, est-il un péché? Voilà comment. Bonne question. Vous voyez que Dieu lui-même a déposé les fondations pour que les choses soient arrangées. Je rends grâce du Dieu du ciel qui m'a envoyé, le Dieu de la Bible, parce qu'il a dit le bulldozer du Saint-Esprit en marche et personne ne peut arrêter. La question de nos frères doit trouver sa réponse. Et vous voyez, en fait, la question, il a emboîté sur le pas parce qu'on était les cheminées comme ça vers là-bas. D'accord? Mais comme il a posé la question, c'est bien comme il a posé parce que c'est dans les oreilles n'importe qui. Comme ça, quand la réponse va venir, on sera éclairé. Souvenez-vous, si c'est une question biblique, la réponse doit se retrouver où? Dans la Bible. Amen. Donc, frère, la réponse sera claire ici et ça sera donné. Amen. Voilà. Donc, c'est deux volets. Quand je vais revenir sur la question, je vais répéter ce qu'il a dit pour qu'on soit sûr qu'on a répondu effectivement à sa question. Avançons dans Malachie chapitre 3. Lisons seulement le verset 1. Quelqu'un veut lire? Le chapitre 3 de Malachie. Je ne veux pas aller au verset 9 que mon frère a dit tout à l'heure. Là-bas. Bien qu'on va toucher aussi ça. En fait, quand on va finir d'expliquer ici, le verset 9 va être résolu. Venez à la maison de l'Éternel et on se le suit là. Ça va se résoudre automatiquement. Je vais seulement vous regarder. Oui, papa, mon père veut lire aussi. Oui, verset 1. Chapitre 3, verset 1, oui. Je lis dans Malachie. Oui. Chapitre 3, verset 1. Oui. Voici, j'enverrai mon messager. Oui. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Virgule. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Amen. Merci papa. Dis l'Éternel des armées. Et je peux dire aussi comme mon frère a dit tout à l'heure que dis l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel qui a dit. Parce que mon frère a pris au chapitre 3, verset 9 aujourd'hui. Et on a vu cela. Maintenant, je veux que nous analysons. Vous avez ça devant vous. J'ai aussi ça devant moi là maintenant. Lisons doucement pour comprendre ce que Jésus la Bible en train de dire dans Malachie. Il dit, voici. Et on a vu d'abord à la fin que la personne qui a dit parler, c'est l'Éternel des armées. Écoutons très bien doucement. Il dit, voici Jean. C'est la personne qui a signé à la fin qui a dit de parler. parler. Il dit, voici, j'enverrai. Donc, c'est lui qui va faire l'action d'envoi. C'est lui qui va faire l'action d'envoi. Il dit, voici, j'enverrai où? Qui? Mon messager. Mon. Le messager, là, c'est son messager. Et on a vu qu'à la fin, que celui qui a parlé, c'est dit l'Éternel des Amis. Donc, c'est l'Éternel des Amis qui a parlé. On est d'accord? Que j'enverrai mon messager devant qui? Devant moi. C'est ça qui est écrit dans votre Bible, n'est-ce pas? Donc, la personne... J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Devant moi, voilà. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va envoyer. Une personne qui va venir préparer quelque chose. Et il prépare comme ça devant lui-même. On est d'accord? On conclut d'abord d'après ce verset que qui en est de parler? Dieu qui en est de parler. Maintenant, si vous avez lu la Bible, vous devez savoir de qui on est de parler maintenant. Le messager qui vient préparer le chemin, c'est qui? Allons-y, c'est qui? Jean-Baptiste. On est clair, c'est clair que c'est Jean-Baptiste, non? Il n'y a pas d'autre interprétation, c'est seulement ça. Donc, Dieu est en train de dire que, je veux que vous voyez ça, c'est, nous parlons du temple là maintenant. C'est le temps qu'on veut parler. Je veux parler que, j'ai dit tout à l'heure que quand Jésus parlait, ce n'était pas nouveau parce que c'était prophétisé. C'est pour ça que je suis venu ici. Donc, Dieu dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Et il préparera le chemin devant moi. D'accord? Il y a notre volet qui en est arrivé. Donc, c'est Dieu, la personne qui vient préparer le chemin là, il prépare comme ça devant Dieu. N'est-ce pas? Donc, et on a vu que le messager, c'est Jean-Baptiste. Subitement, moi, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste dit que répentez-vous. Car il est écrit dans le livre des Isaïe, voici la voix qui crie dans le désert. Et voilà le messager qui en est venu. Mais il a dit de préparer comme ça le chemin pour que quelqu'un d'autre vienne. C'est ça, non? Or, cette personne qui en est venue, Dieu dit ici que c'est lui. Parce qu'il a dit qu'il prépare le chemin devant moi. Devant moi. Pas, il va préparer le chemin devant quelqu'un. Devant. Donc, on s'attend à ce que la personne qui va venir soit Dieu. Alléluia. On s'attend à ce que la personne, après quand Jean-Baptiste aurait préparé, la personne va se manifester là-bas, ce sera Dieu lui-même. Amen. Maintenant, le problème, c'est que Dieu est esprit. Le problème, c'est que Dieu est esprit. Ah, je ne sais pas si vous pouvez supporter cela, mais je vais balancer. Le problème, c'est que Dieu est esprit. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ce Dieu esprit, s'il dit dans Malachie, je vais envoyer le messager. Le messager est humain. C'est Jean-Baptiste. Il a marché. Il a dit que toute valeur qui soit qui est renversée soit comblée ainsi de suite. Et on verra. Et on verra. Après ça, on verra la gloire de l'Éternel. Jean-Baptiste est apparu, le messager. Mais Dieu a dit que c'est devant lui. Comment Dieu esprit va venir après qu'on ait préparé le chemin? Le verset suivant dit ceci. Et soudain entrera dans son temple. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Quand il va finir d'arranger, Dieu est quoi? Esprit. S'il vient en esprit, on va le voir. Quelqu'un dit Emmanuel. Voilà. Donc, le messager va préparer le chemin. Soudain, ce qui est clair, c'est que quand il finit de préparer le chemin, la personne qui doit être là, d'après ce verset, il doit être Dieu. On est d'accord? Mais le problème, c'est que Dieu est esprit. On est d'accord? Mais alors, c'est pour ça que Dieu a dit exactement comment il devait venir. Dieu a donné exactement comment il devait venir. Il dit, après la préparation du chemin, il dit, et soudain, après la préparation, soudain entrera dans son. C'est quoi? Dans son? Soulignez temple là-bas. Il dit, et soudain entrera dans son temple. Qui? Le Seigneur que vous cherchez. Le Dieu en esprit que vous cherchez là. Il va venir au milieu de vous après qu'on ait préparé son chemin. Il sera là. C'est pour ça qu'Isaïe a dit que cet enfant-là, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que quand vous lisez votre Bible dans le Nouveau Testament, vous avez vu un seul verset où on appelle Jésus Emmanuel? Hein? Est-ce que vous avez vu dans votre Bible où on appelle Jésus Emmanuel? Quand il devait naître, un ange est venu quoi? Que l'enfant là, on l'appellera combien? Comment? Jésus. Que Jésus sera son nom. Pourtant, Isaïe a prophétisé que son nom sera Emmanuel. Il n'est pas en train de dire comment le donner que tu t'appelles Emmanuel. Il est en train de donner l'identification de cette personne qui va venir. Que cet enfant là, ce sera Dieu au milieu des hommes. Pas comme on dit que Emmanuel, bonjour. C'est que si tu le vois, sache que ce sera Dieu parmi les hommes. Or, comment Dieu qui est esprit va se mettre parmi les hommes? Dieu a donné la révélation ici que. Il va faire un temple. Remarque bien, frère, tu as cité Hébreux chapitre 5 aujourd'hui. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais c'est pendant que tu m'as formé quoi? Un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il peut entrer dans ce corps pour venir faire ta volonté. Vous voyez le mystère de la Bible. Vous voyez ça, mes chers frères? Il dit que cependant, Dieu devait se révéler. Malachie 3 dit, Jean-Baptiste va venir préparer le chemin. Il dit, et soudain, subitement, entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc, vous qui priez, j'ai pris le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob. Les Juifs étaient en train de lever la main ici. Ils se tenaient au milieu d'eux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se tenaient au milieu d'eux comme ça, physiquement. Christ est l'image du Dieu invisible. Le voilà au milieu d'eux. Philippe a demandé que montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps, je suis au milieu de vous. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Le Père est en moi. C'est sûr qu'il est souvent à l'intérieur parce que Dieu est esprit, il a enveloppé ici dans ses corps. Ah frère. Ah frère. Il dit, soudain entrera dans son temple. Vous voyez bien le mot. Entrera. Le Dieu esprit va entrer dans un corps. Ce corps-là est appelé son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Donc celui que vous cherchez dans les temples physiques là, il arrive avec un temple spirituel. Un temple physique maintenant, corps humain. Il s'est manifesté là-bas, il marchait. Alors il a dit que, quand vous le cherchez sans comprendre, détruisez ce temple-ci et vous allez voir. Déchirez-le, vous allez le voir manifester. Déchirez-le, voir. En fait, détruisez ce temple-ci, il va encore venir. Vous comprenez maintenant, frère? Alors, prophétiquement, le temple donc étant le corps du Seigneur Jésus. Le temple physique qu'on avait construit à Jérusalem, quoi, mettant les fondations, mettant les degrés, ainsi de suite, c'était la prophétie du corps de Jésus. J'aimerais que le pasteur soit là avant qu'on continue, pas vrai? Nos frères, les pasteurs, les apôtres, aujourd'hui, doivent être bouleversés. Pourquoi on revient à l'ordre par rapport à la parole? Donc, je vais seulement nous montrer que le corps du Seigneur Jésus qui marchait comme ça, l'être humain Jésus, à l'intérieur, c'était Dieu, le Créateur. Parce que la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Donc la personne qui avait dit que la lumière soit, c'est lui qui marchait comme ça là au milieu des gens. C'est terrible comme révélation. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, chapitre 3, verset 16 dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le Dieu qui a créé le monde est venu au milieu de la création pour habiter au milieu de la création. C'est terrible. D'accord, bien aimé? Il faut que le pasteur soit là pour qu'on avance, pour qu'on touche la question, d'accord? En même temps, on relaxe un peu. Vous voyez pourquoi je disais ici depuis hier qu'on était les téléphones? Parce que voici quelque chose qui est spirituel, voici la vie qu'on a mis d'avancer. Voilà, l'autre en qui est sorti. Si j'avance maintenant ici, je parle, peut-être on va lui dire que viens prendre 5000. Qu'est-ce que 5000 par rapport à la parole de Dieu? Donc s'il vous plaît, si nous sommes ici, nous sommes venus, focalisons-nous sur la parole, d'accord? Et laissons toute autre activité. Parce que nous avons reçu et les femmes et les enfants. Là où je suis, je me dis n'importe quoi arrive sur ma femme, sur mes enfants, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Mais Dieu veille sur ça parce qu'il a dit que intéressez-vous au royaume et à sa justice et toutes les autres choses seront de haut. Donc focalisons-nous sur les choses du royaume. D'accord? Donc, maintenant, voici quelqu'un qui est parti. Supposons qu'il y a enlèvement maintenant. Il va venir, il va voir quelqu'un. Il va dire que vous blaguez ou quoi ici? Pas vrai? Il va croire que c'est la blague, alors que ce n'est pas la blague. Oh, la Bible déclare que ça va se passer en un clin d'œil. Donc tu fais comme ça là, en ouvrant les yeux que quelqu'un est parti. Donc, il faut qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Le pasteur est parti, peut-être on va dire le pasteur, maintenant viens prendre les dîmes quelque part, peut-être il va partir. Et on a parlé de ces choses ici. D'accord? Je vous aime, donc parce qu'en tant que le pasteur vient. Donc, le temps qu'on fait à la blessure qui a été causée. C'est-à-dire que vous savez quand la blessure fait mal, on fait que ça se calme. Et on peut profiter de ça pour prendre la petite pause. On peut prendre la pause, on est revenu. Non, je voudrais qu'après la pause, qu'on entame sur une autre chose, que les choses de discussion soient claires. On enseigne maintenant. Que ça ne soit plus des choses. Mais il faut qu'on avance au niveau des. Parce que là, il faut que le pasteur comprenne maintenant ce qu'on appelle le temple de Dieu. Et il lui montre maintenant dans la Bible comment est-ce que les chrétiens se réunissent. Parce que lui, c'est là où la question est d'aller. Comment donc les chrétiens se réunissent? Il faut que ça soit biblique. C'est important. Alors, s'il comprend bien, il va aller vendre la maison qu'ils ont construite et mettre la plaque apostolique. Vendre ça, distribuer aux biens aux enfants de Dieu et réunir comme la Bible dit. C'est la conséquence. Alléluia. Amen. Je vous aime. Vous n'aimez pas aussi la vérité? Nous aimons tous la vérité, non? La seule chose à faire maintenant, c'est que même si vous me bombardez là maintenant, vous me tapez, ça ne résoudra pas le problème. La Bible ne peut pas changer. Donc même si vous me tuez là, peut-être parce que, regardez bien, on n'a pas apporté le pistolet, quelque part, ni le couteau. Vous pouvez nous taper ici, tuer ici à Touboro. Mais vous nous tapez, vous nous tuez, Dieu va susciter quelqu'un, il va prêcher la même chose. Alléluia. Donc la parole de Dieu va seulement se prêcher. Donc la seule chose à faire, c'est que la Bible déclare que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Il n'y a pas de pouvoir pour lutter contre la vérité. C'est pour la vérité. Si tu commences à parler de la vérité, toutes les forces spirituelles seront derrière toi. Mais si tu tentes comme ça contre la vérité, toutes les forces spirituelles seront contre toi. Dis à ton voisin, où tu es avec Dieu, où tu es contre Dieu. Voilà, donc on ne peut pas être. Qui veut être contre Dieu ici? Voilà pourquoi quand le docteur Gamaliel qui avait enseigné Paul, quand il a commencé à voir les disciples agir, il a vu comment c'est que la réaction des juifs, quand il a observé, il a dit, mes chers amis, à ce que je vois là, si ces hommes, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Ne courez pas la chose d'avoir, le risque d'avoir lutté contre Dieu, laissez-les aller. Frère, c'est comment? Il y a un problème, tu voulais partir? Non, mais... J'ai envie de voyager. Non, tu ne voyageras pas tant sans avoir écouté ceci. Donc, tu ne voyageras pas. Bon, tu sais pourquoi, j'ai bloqué même ma journée juste pour vous écouter. Mais je vais d'abord te dire quelque chose maintenant. Oui, oui, je vais te dire quelque chose. Je vous raconte une petite histoire pour dire à mon pasteur ce qui va arriver. Je vais vous raconter quelque chose. Parce que la même chose peut se retirer maintenant alors qu'on se tient ici. On va empêcher le pasteur dit ceci pour qu'on soit consolé. Elle est venue chez moi et dit, madame, le Dieu de la Bible ne m'a pas enseigné ces choses. Je vais te dire la vérité et rien que là, à toi d'accepter ou ne pas accepter. J'ai commencé par l'huile d'olive, je lui ai expliqué que c'est diabolique ce qu'elle a fait. Je lui ai expliqué, dis la vérité par rapport à ce pourquoi elle était là. Elle allait dire à son frère qui l'a amené que votre junior là, il est bon, mais je le déteste parce qu'il aime trop dire les choses directement. On ne dit pas trop les choses droit comme ça. Si on est droit, on est droit. Est-ce que quelque chose peut être droit en même temps tordu? Si tu es de la vérité, tu dis la vérité, tu vas seulement aimer, pas vrai? Je lui ai dit la vérité, tu sais ce qui s'est passé? Elle est venue devant moi. Quand il lui a dit comme ça, elle a commencé à dire que non, je ne vous aime pas à cause de ces choses-ci. Elle est française. Elle a le billet d'avion aller et retour. Elle a son visa complet. Et je lui ai donné un rendez-vous que vienne mardi. Elle a dit que non, mardi, j'ai mon vol, je vais aller. Comme tu as dit que tu vas partir là. Vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai dit que il suffit que ça sorte de cette bouche que tu ne voyageras pas. Pourtant, toutes les conditions sont là pour qu'elle voyage. Je vous dis, je vais s'en dire parce qu'il parle à mon frère pasteur. Elle a dit que elle m'a regardé debout comme ça, comme en stage, j'étais encore plus court que ceci. Encore plus petit. Je suis sûr qu'elle m'a regardé comme ça, vous savez, des Français. Elle a dit que pourquoi il s'est pris celui-là? Je lui ai dit, il suffit que ça sorte de cette bouche, que tu ne voyageras pas. Il dit que si tu veux, va à l'aéroport, tu vas revenir ici me trouver. Je lui ai dit ça. Elle allait dans l'avion. On a appelé les gens qui devaient entrer. Tout le monde est entré. À Air France, elle a mis le pied comme ça. On a dit, madame, vous ne voyagez pas. Elle a commencé là-bas à l'aéroport. Pourquoi? Toutes mes personnes sont complètes. Vous ne voyagez pas. Rentrez dans la salle. Il est rentré le temps, les femmes vous blaguez, parti. Elle est venue se poser devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que c'était ainsi parle le Seigneur. Donc, tes pièces sont complets. On n'a pas dit que tu voyages ou tu ne vas pas pour rien. Donc, on a regardé, examiné les papiers. Il n'y avait pas un problème. Mais l'esprit avait dit que tu ne voyages pas. Je sais pas te dire que si je prononce là, tu ne partiras pas. Même si tu parles, tu vas revenir. Je te le dis. Vous croyez, avant que je voyage pour mon propre intérêt, mais si je voyage pour l'intérêt de Dieu, je suis libre de voyager. Oui, le pasteur, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas m'opposer à ce voyage. Non, frère, s'il te plaît, ne dis pas d'accord. Je t'en ai parlé, c'est pas pour te dire que tu n'as pas voyagé. Malgré que j'étais dehors, je ne sais pas si. Non, j'ai pas répondu justement. J'ai dit que non, je ne peux pas avancer parce que le frère a posé une question. Il faut qu'il vienne avant que je réponde. C'est pour ça qu'il faut enfin. Voilà. C'est ce qu'il dit, non? Donc je vais répondre à sa question. Vous permettez à notre frère de voyager. Parce qu'il a dit que Dieu ne peut pas s'opposer à ce voyage. Si c'est Dieu qui a dit qu'il va voyager, alors qui suis-je pour s'opposer, pour m'opposer à. À Dieu. Mais quant à ce qui est de moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois donner sa réponse. D'accord? La réponse était que, comme sur la nouvelle alliance, nous sommes le corps de Christ maintenant. Nous sommes le corps de Christ révélé maintenant. En réalité, la question c'est, comment est-ce qu'on doit se rassembler, mais... C'est la question, pas vrai? Parce que en réalité, le type de rassemblement qu'on a aujourd'hui, pardon, donne-lui ça, ce qu'il veut. C'est sa seule façon de réclamer ce qu'il veut. C'est sa seule façon là-bas. Voilà. La seule façon de se rassembler, c'est pour ça que le frère a pris Actes chapitre 19 et croit peut-être que là-bas on va trouver l'endroit où les gens se rassemblent. La seule façon de se rassembler doit être biblique. D'accord? Ok, frère, tu patient, je vais répondre ça doucement pour qu'on puisse saisir parce que c'est la question qui dérange beaucoup de personnes. Première chose, après avoir compris que le temple symbolisait le temple de Christ, le corps de Christ, on comprend donc le pourquoi les apôtres partaient au temple. Ils partaient au temple, pas parce qu'ils partaient prier, parce que vous ne venez nulle part dans le Nouveau Testament, on a dit qu'ils partaient prier. Dans cet acte chapitre 3, on dit qu'à l'heure de la prière, parce que l'heure de la prière chez les juifs est exactement comme chez les musulmans. Quand c'est 13h, vous allez à la mosquée, vous allez trouver beaucoup de personnes rassemblées. Donc ils n'allaient pas pour prier, pour aller prêcher l'évangile. Et vous voyez très bien que chaque fois qu'ils sont venus dans le temple, ils ont dit quelque chose qui est contraire à ce qui est dans le temple. Tu as de bouger le coq non frère. Tu as de dire comme ça, c'est. Tu dis non. Je suis en train de bouger ma tête, c'est vrai. Pareil, ça cloche un peu dans ma compréhension. Oui, oui, qu'est-ce qui te cloche, frère? Quand vous dites qu'à l'heure de la prière, ils ne partaient pas pour prier. Oui. Nulle part on a dit comme ça. Alors les gens étaient juste rassemblés. Oui. Bon, je me posais la question encore de savoir, ils partaient alors à l'église là. Non, pas. Bon, au temple là. Fait quoi? Voilà, c'est ça. C'est là où je suis en train d'avancer. Frère, j'arrive. Non, c'est pas ça. On ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on parte doucement. Ok. Les gens qui ont reçu l'esprit, Jésus avait dit que lorsque vous allez recevoir l'esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit venait mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. Donc, le Saint-Esprit avait déjà révélé la vérité aux apôtres parce qu'on a volé la question, homme frère, qu'allons-nous faire? Il a redonné l'ordre nouvelle que le Saint-Esprit a donnée. Que le Saint-Esprit a donnée. Oh, cet ordre n'était pas contenu dans l'ancienne alliance. Il n'y en avait pas ça. Oh, on dit que Paul et Jean, la première mention, c'est ceci. Au verset de chapitre 3 là. Paul et Jean montaient à la prière, au temple à l'heure de la prière. La question c'est, qu'est-ce qu'ils montaient partaient faire là-bas? La suite nous dit exactement. Le monsieur là qui était à la porte de la, dit de la belle là-bas, s'était là-bas chaque jour depuis plus de 40 ans. Il était là. On est d'accord? Ils étaient là-bas chaque jour. Qui est qui allait y entrer? Oh, remarquez bien, je parle par rapport à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de te dire que va au temple et va faire tes choses. Ils sont en train de monter souvent parce que l'autre, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a des cas que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, pas que ceux qui conduisent le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint. Donc Pierre et Jean sont en train d'aller à la prière. Ils parlent comme ça au lieu de la prière. Subitement, ils voient cet homme-là. Il s'arrête. Quand il s'arrête, est-ce que c'est Pierre qui a décidé de s'arrêter? Est-ce que c'est Jean qui a décidé de s'arrêter? La Bible déclare que le paralytique était là, fixant leur regard, attendait. Parce que chaque fois quand quelqu'un s'arrête là-bas, ils donnent quoi? L'argent. Ils attendaient aussi l'argent d'eux. Il a dit que je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À partir de ça, ça a bouleversé la réunion qui s'est passée là-bas ce jour-là. On est d'accord? Et à partir de cette prédication-là, 5000 personnes vont croire. On comprend aisément le pourquoi ils partaient là-bas. Parce que c'est à cause de ce qui s'est passé dans le temple, devant le temple là-bas, que les personnes qui venaient prier Dieu là-bas ont vu quelque chose et ils ont cru à Jésus. Les apôtres ne pouvaient pas là-bas pour prier parce qu'ils savaient que le rideau avait été déchiré pour montrer que le lieu saint est accessible à tout le monde. Donc ils comprenaient effectivement la révélation. Or Jésus leur avait dit que le témoignage doit être d'abord établi à Jérusalem. Jérusalem qui est le lieu de colonne, le lieu où la loi vient des Juifs. Ça doit être établi là-bas. D'accord? Donc le lieu de rassemblement de la majorité des chrétiens, c'est uniquement au temple. C'est au temple à l'heure de la prière qui peut toucher le grand nombre. Chaque fois dans le temple, quand ils vont faire au chapitre 4, la même chose va se passer. On va enlever les disciples là-bas, aller les mettre en prison. Pendant qu'ils sont ici pour attendre le lendemain pour aller les juger. L'ange vient les délivrer, dit allez encore dans le temple, enseigner au peuple toutes les paroles de cette vie. Merci beaucoup. Ça veut dire que le fait que les gens se rassemblent dans le temple n'est-il pas un péché? J'arrive là, juste là, je suis en arrivé. Mm-hmm. Ça veut dire que ceci n'est pas un péché. Frère, c'est là où je suis arrivé. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Mon frère, j'arrive, c'est là où je suis en train d'arriver. Chaque fois, donc maintenant, mon frère, observe ceci, mon frère. Observe ceci, après, vite, lâcher maintenant la chose sur le temple. Chaque fois qu'ils sont allés au temple, quand les gens ont cru là-bas, on les a chassés du temple. Chaque fois qu'ils sont allés au temple, ils sont allés pour... J'ai répondu, ils partaient pour quel but? Ils ne partaient pas pour prier le Dieu que les gens ont pris là-bas. Ils partaient chaque fois là-bas pour donner l'impact. On est d'accord? Chaque fois qu'ils sont venus au temple, ils ont prêché, ça a causé problème. On dit que les souverains sacrificateurs, les gardiens du temple sont venus les saisir, jaloux de ce qu'ils enseignaient au peuple. Donc ils ne venaient pas au peuple, au temple pour adorer. Je veux qu'on soit clair. Après avoir prêché la parole de cette vie venait dans le cœur des gens. Les gens comprenaient que non, qu'est-ce qu'on faisait? On était sur une ancienne alliance, ils venaient dans la nouvelle alliance. Alors la Bible déclare donc que, doucement pardon là, la Bible déclare donc qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, pas dans l'enseignement des anciens, pas dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ils rompaient, prenaient la nourriture chaque jour et prenaient la nourriture chaque fois dans les... Maison. Dans les maisons. J'arrive, je suis en train de progresser. Alors le frère me pose la question, le fait d'aller prier dans un temps. Okay. Vous me suivez là? Pourquoi tu déranges cet enfant? Donne-lui sa queue, voilà, pour qu'il soit tranquille. Laissez-le maintenant, c'est son ministère là maintenant. Le ministère des dérangements, c'est lui. Alors maintenant, qu'est-ce que les juifs étaient faits au temple? J'ai répondu à la question. Nous voyons partout dans la Bible que les disciples ne partaient pas au temple pour s'asseoir comme les juifs commençaient à adorer ce qui était derrière le Saint des Saints. Parce que ça ne se trouvait plus. On est d'accord? La Bible nous entend quand jusqu'à un mois à la croix, le rideau s'est déchiré pour montrer que tout le monde a maintenant accès. C'est expliqué dans la Bible, n'est-ce pas? Chaque fois quand les disciples venaient dans le temple, ils ne venaient pas pour prier. Nulle part, on ne dit pas qu'ils sont allés prier. Mais ils prêchaient ceux du temple qu'ils ont trouvé là-bas. Quand ils croyaient, les gens maintenant du temple commençaient à les persécuter. Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, verset 2, que l'heure vient où ils vous excluront de leur synagogue. C'est leur synagogue. La Bible ne dit jamais que c'est la synagogue de Dieu. Nulle part, la Bible n'a dit que c'est la synagogue de Dieu. Or, le problème, c'est que le peuple de Dieu, parmi ces gens-là, le peuple de Dieu se trouve là-bas. Dieu envoie les gens pour aller leur demander de sortir. Voilà l'explication simple et claire. Alors maintenant, quand ils finissent de sortir maintenant, la Bible établit le modèle comment ils se réunissaient. C'est écrit partout dans la Bible. Je ne sais pas seulement si le frère même peut présenter seulement pour qu'on voie même 3 ou 4 versets. Pour qu'on puisse voir. Parce que la question maintenant, c'est comment ils se réunissaient. Alors, regarde bien. La réponse simple à ta question, c'est, tu dis que les gens qui prient dans le temple, est-ce qu'ils pêchent? Maintenant, je peux répondre maintenant oui, parce qu'il n'y a plus de temple sur la terre. Il n'y avait qu'un seul lieu sur la terre. Il y a un seul temple. Le temple, c'est au singulier. Le seul temple doit se retrouver où en principe? À Jérusalem. Maintenant. Si, là, et souvenez-vous, Dieu avait dit que à Jérusalem. Oui, désolé. Il dit que c'est à Jérusalem que j'ai fait résider quoi? Mon nom, à Jérusalem. Est-ce que c'est à Touboro? Est-ce que c'est à Makak? À Yagoua? À Figil? À Tigné? À Ngaoundéré? Ça devait être où? À Jérusalem. Donc le seul lieu sur la terre où il faut qu'il y ait un temple physique, c'est où? À Jérusalem. Maintenant, si mon frère était là, je vais poser la question. Là, ta construction là, c'est le temple, oui ou non? Parce que souvenons-nous, quand le temple doit être construit, il doit être fait d'après le modèle qui est au ciel. Alléluia. D'après que Moïse avait été divinement averti, est-ce qu'on le fait d'après le Homo? Le full gosse peut pas construire sa part. L'estrade sera pas ici, les musiciens seront pas ici. C'est d'après quel modèle? L'apôtre le fait pas construire sa part d'une certaine façon. C'est d'après quel modèle? Quelqu'un dit c'est le ministère d'Ambrouille. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait qu'un seul temple. Et remarquez très bien, si vous lisez Ézéchiel, chapitre 38 à 40, vous allez remarquer que le même modèle de temple est encore réitéré. Ça doit encore se reposer à la même position où l'ancien temple était. Donc c'est le troisième temple qui sera bâti sur la terre. La troisième fois que le temple sera bâti sur la terre, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne habiter sur la terre, s'il vient régner chez les Juifs. Vous savez ça? Donc le même temple encore sera bâti bientôt. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui écrit dans Ézéchiel. Et quand ça va être bâti, le modèle est donné dans la Bible. Alors quand un pasteur sort, il dit que j'ai ma vision, nous nous appelons apostolique faite. L'autre dit que ça ne va pas. Toujours chez eux, ils disent apostolique faite Church of God du Cameroun. Ils ont encore sorti de là. Vous voyez que ce n'est pas biblique, pas vrai? C'est pas biblique. C'est vraiment dense. La deuxième partie ici, je vais aller partir de là pour montrer qu'en réalité, Dieu avait prévu que les choses devaient passer comme ça pour qu'il retire son peuple de là. Donc après la pause, je vais revenir sur ça dans la profondeur, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse les frères et soeurs de Touboro, dans le Mayoré. Et de département du Mayoré, hein, région du nord du Cameroun. Et j'ai prié que le feu que Dieu est en train d'allumer sur notre cœur embrasse tout le nord et descende au Cameroun et puis va dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. On est dans la deuxième session. Que Dieu vous bénisse. D'accord? À tout à l'heure. Donc prenons peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Et puis comment on se détend et puis on revient. 20 minutes. 13h. Comment? Donc il est quelle heure? Il est 15h moins le quart. 13h moins le quart. Donc ça, ok, donc on commence à 13h. 13h, donc 13h exactement, on commence.